Bonjour à tous, bienvenue dans Upcast, Upcast 24 que nous enregistrons le 24 janvier 2016 au matin. Un peu difficile pour moi, je ne sais pas pour vous. Julien, tu es bien réveillé ? Non, un peu fatigué. Un peu fatigué ? Il n'y a pas tellement longtemps finalement. Je crois qu'on en avait tous un peu là le dimanche matin. Greg, tu es bien réveillé ? Bon d'accord, c'est le podcast des vacances. Je me prononcerai plus tard. Ok, et Dim, est-ce que tu es réveillé, Dim ? Ouais, j'ai connu mieux, mais bon. Bon d'accord, c'est le podcast des vacances. Bienvenue. Le podcast télématin, quoi. Voilà. À 5h, exactement. Bon, le podcast 24, on va comme d'habitude parler de divertissement, principalement de cinéma, hein, j'ai envie de dire. On va parler d'art ludique, jeux vidéo. On va parler de technologie un peu aussi. Un peu. Voilà. On va faire une petite promotion canapé à la fin pour revenir sur ce qui nous a occupé ces deux dernières semaines en termes de divertissement et de sorties culturelles. Ouais. Ouais, voilà. On va commencer par revenir un peu sur les commentaires qu'on a eu cette semaine sur le site upcast.fr. On souhaitait la bienvenue à deux nouveaux personnes qui nous ont fait des commentaires. J'espère que je prononce bien les pseudos. Il y a Soyfren et Gentilchat. Alors, ouais. On a eu une petite discussion. Gentilchat, on ne sait pas qui tu es. On n'a pas compris si tu étais chaton pute avec un autre pseudo. Du coup, tu étais un gros taré. Il y a des schizophrènes. Voilà. Est-ce que tu es un schizophrène, Gentilchat, chaton pute, ou tu es vraiment deux personnes séparées? On ne sait pas. Il y a eu un gros débat là-dessus. Soyfren, on a bien aimé ton commentaire qui nous revenait sur Lost et qui le comparait un peu à Leftovers et à Wayward Pines. Ouais. Donc deux séries que Greg t'a beaucoup conseillé, Leftovers. Bah ouais, et je continue à beaucoup te conseiller. Hein. Maintenant j'ai commencé la saison 2 d'ailleurs, ouais, et ouais. C'est très très très très bon, très prometteur toujours. Toujours cette ambiance complètement dingue. Et donc voilà, moi j'étais pas tout à fait d'accord avec Lost. Hein, Finalement je suis assez d'accord après coup avec ce qu'a dit Seyfried. Il y a des choses qui sont vraies, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu pour fanservice, qui faisaient un peu durer la série peut-être trop. Pour ceux qui n'auraient pas lu le commentaire de Seyfried, il explique, il ou elle, hein, je suis désolé si c'est elle, on va dire il. Seyfried explique que Lost avait une promesse de base de nous donner toute l'explication de A à Z de ce qui se passait sur cette fameuse île, et qu'en fait au fur et à mesure on comprenait qu'on n'aurait pas forcément les réponses, mais que c'était plutôt le voyage qu'il fallait apprécier et pas forcément l'arrivée, et ce qui est vrai au final. Moi j'ai apprécié la série parce que j'ai adoré le voyage. Moi j'ai aussi apprécié l'arrivée, c'est pour ça que je suis un peu moins d'accord. Bah, je suis en train de regarder à nouveau Lost et c'est vrai que je regarde la série d'une autre façon et je suis du coup assez d'accord avec ce que dit Seyfried. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est sympa parce qu'on a eu vraiment plein de commentaires sur ce numéro. Là, on a eu déchaînement de commentaires. Voilà, Chaton Pute qui m'a conseillé un film puisque j'avais adoré le Mac. Ouais, Chaton Pute qui m'a aussi conseillé un documentaire puisque j'avais bien aimé Making a Murderer que j'ai aussi terminé entre temps. Donc on reparlera de tout ça. Ouais. Pareil, Wayward Pines, moi ça me tente bien. Je pense que je vais le regarder du coup sous l'option de Seyfried parce que ça me tentait bien à la base. J'avais un peu peur du fait que Shyamalan participait à ça, que ça soit un peu pourri. Oh, bah oui, je te rappelle que t'aimes bien Shyamalan. J'aimais bien au début Shyamalan, maintenant j'ai un peu du mal. Ouais. Mais voilà. Bon, c'était un petit retour, un petit clin d'œil à tous ceux qui nous font des commentaires, on est toujours très sensibles à ça. Et on va commencer tout de suite par la partie divertissement. Divertissement cette semaine. Alors, on a eu une semaine assez intense du fait de quelques news un peu, je sais pas comment dire, percutantes. Ça a fait l'actualité. Quoi. Ça a fait. Merci Julien. Voilà, je savais pas comment formuler ça. Julien, qu'est-ce qui a fait l'actualité alors ? Bah, c'est vraiment les Oscars, hein, et ça a fait l'actualité jusqu'à hier et avant-hier, parce qu'il y a encore des retombées de cette polémique. Donc, pour juste en parler, c'est vrai que dans le dernier podcast, on avait parlé du boycott qui avait fait déjà pas mal de bruit. Principalement en France, hein, celui de Johan Sfar et de Riyad Satouf qui avaient demandé que leur nom soit retiré de la liste des nominés pour le festival d'Angoulême, faute de représentativité féminine, puisqu'en effet, sur 30 nominés, je crois qu'il y avait, zéro femme. Il y avait zéro femme. Enfin, je me rappelais plus du nom. Ça a encore un peu bougé. C'était 30, ouais. Et ça avait un peu bougé. D'ailleurs, ils ont, je crois que le, je sais plus si c'est parmi les trois en lice, il y a une femme. Il y a une femme. Je sais pas si c'est on a eu les résultats ou. Il me semble pas. Non, pas encore. Désolé si c'est le cas, mais je crois pas. Ouais. Donc voilà, là pour le coup. Pour le coup, autre pays, autre affaire qui concerne les États-Unis, les Oscars et notamment Spike Lee qui a été celui qui a un peu, on va dire, allumé la mèche hein, et qui est plutôt présent quand il s'agit de dénoncer les travers de l'industrie du cinéma. Alors à tort ou à raison, hein, souvent je pense qu'il a des prises de position qui sont intéressantes. Parfois je le trouve un peu excessif. Il y a un petit côté Francis Lalanne, tu veux dire ? Vous les ronds de cuir. Disons qu'il a une autre carrière que Francis Lalanne, sans dénigrer la carrière de Francis Lalanne. Je sous-estime un peu Francis Lalanne. Je trouve. Donc voilà, pour résumer, en fait, Spike Lee, il a décidé de boycotter la cérémonie des Oscars qui se tiendra, je crois, fin février, peut-être le 27 février, je crois que c'est la date exacte, je vérifierai ça, en jugeant inacceptable l'absence de tout Afro-Américain dans les nominations pour les principales catégories, et ce, pour la deuxième année consécutive, hein, c'est pas une première, il en avait déjà parlé l'année dernière, d'autant que cette année, en fait, il y avait pas mal de candidats qui pouvaient prétendre à une nomination. On a alors, bon, après, c'est toujours le principe, hein, enfin, le problème des Oscars ou des... Des quotas. Bah, non, pas des quotas, mais là, pour le coup, on n'a pas vu forcément tous les films. Oui. Donc, dire que lui, il méritait de figurer. Donc là, je vais juste citer, il y avait Will Smith pour Concussion, Idris Elba pour Beast of No Nation, Samuel Jackson pour Les Huit Salopards. C'est vrai qu'il est assez impressionnant dedans. Il est toujours impressionnant en même temps. Il est toujours impressionnant, c'est vrai. Côté réalisation, on aurait pu penser à Ryan Coogler, qui a fait, je crois que c'est Creed, l'héritage de Rocky Balboa. Oui, c'est ça. Et F. Gary Gray, qui a fait NWA, donc le film sur... qui est un biopic sur le groupe de rap de Compton. Donc voilà, c'était quand même des films qui avaient assez marqué, qui ont été plutôt appréciés, ou des acteurs qui, à mon avis, méritaient d'être dans la foule de nominés qu'il y a pour toutes les catégories. Donc ça n'a pas été le cas. Donc sur son compte Instagram, Spike Lee a publié un message relayé sur Twitter avec le hashtag OscarSoWhite, hein, qui est un hashtag qui a été créé, il y a, je crois, l'année dernière, pour déjà dénoncer l'absence ou l'ultra-présence d'acteurs blancs dans les nominations. Donc je vais lire quand même ce qui est assez intéressant de ce qu'a déclaré Spike Lee. Alors, il a dit: comment est-il possible que pour la deuxième année consécutive, les 20 nommés dans les catégories réservées aux acteurs soient blancs? Sans même parler des autres domaines, 4 acteurs en 2 ans et pas une touche de couleur. On ne sait pas jouer ou quoi? What the fuck? Il parle comme ça, quand il est en colère. C'est pas une coïncidence si je vous écris cela le jour où nous célébrons pour la 30e fois la journée de Martin Luther King Jr. Le Dr King disait: vient un moment où chacun doit prendre en son âme et conscience une position qui n'est ni sans danger, ni politique, ni populaire. Pendant trop d'années, à chaque nouvelle révélation des nominations aux Oscars, le téléphone de mon bureau a sonné avec un média au bout du fil me demandant un commentaire sur l'absence d'Afro-Américains, et cette année n'a pas enfreint la règle. Pour une fois, peut-être, j'aimerais que les médias se tournent vers les nommés et les patrons de studio pour leur demander de quel œil il voit ce scrutin composé uniquement de blancs. Si quelqu'un l'a déjà fait et que je n'ai pas vu passer, je reconnais mon erreur. De mon point de vue, le vrai combat ne se passe pas aux Oscars, mais plutôt dans les bureaux des dirigeants, des studios hollywoodiens et des réseaux télévisés. C'est là que les gardiens du temple décident de ce qui se fera et de ce qui sera repris en main ou tout simplement bazardé. Ce qui importe, les gardiens du temple, ceux qui donnent le feu vert, comme le chante Leslie Odom Jr., ce grand acteur qui danse dans la comédie musicale révolutionnaire de Broadway, Hamilton, je veux être là où ça se passe. À vous tous, la vérité, c'est que nous n'y sommes pas et que tant que les minorités n'y seront pas, les nommés aux Oscars resteront blancs comme neige. Donc voilà, c'est quand même une déclaration qui est assez forte, hein, c'est une prise de position qui dénonce. Donc suite à cette prise de position, Spike Lee a reçu le soutien de Jada Pinkett Smith, qui a posté sur Facebook une vidéo pour condamner cette situation. Elle a annoncé qu'elle ne suivrait pas la cérémonie ni sur place ni chez elle, et elle a déclaré... C'est la femme de Will Smith, hein, ouais, la femme de Will Smith, et qui jouait notamment dans... On l'a vu quoi, dans Matrix, non? Je crois qu'on l'a vu dans Matrix. Ouais. Matrix, ouais, oui, j'essaie de me souvenir des films dans lesquels elle était. Voilà, je sais pas. Matrix, ça reste quand même. Oui. Donc elle a dit: mendier la reconnaissance ou même demander amoindrit notre dignité et nous affaiblit. Laissons l'académie faire avec courtoisie et affection et faisons autrement de notre côté. Donc de là, on peut imaginer dans le futur peut-être une cérémonie qui serait uniquement dédiée aux acteurs afro-américains, ce qui serait assez triste personnellement. Oui, je trouve personnellement, hein, on va en parler après, mais puisque Jada Pinkett Smith ajoute: il est peut-être temps de retirer toutes nos ressources et de les réinvestir dans notre communauté, nos programmes et de créer des productions pour nous-mêmes qui reconnaissent nos mérites. Donc voilà, là, je pense que c'est... La Black Exploitation. Ouais, voilà, la Black Exploitation des années 2015. Voilà, au-delà de la cérémonie des Oscars, qui finalement, c'est simplement la vitrine du cinéma hollywoodien, c'est toute l'industrie cinématographique qui est pointée du doigt. Sujet qu'on a souvent abordé dans Upcast, notamment, on avait parlé pas mal de chiffres, il y avait pas mal d'études qui sont sorties, on avait parlé du whitewashing l'année dernière, on était revenu dans aussi. Le best-of. C'est un sujet qui travaille en ce moment. Hein. Ouais, puisque juste pour conclure sur ça, en 2015, il y a une étude de l'université de Southern California qui donnait ces chiffres qui sont quand même assez édifiants. Sur 700 films à gros budget étudiés, 73,1% des personnages étaient des hommes, puisque après ça a pris une tournure aussi sur la représentativité féminine. Moins d'un tiers des personnages, donc forcément des femmes, et seulement 6% des réalisateurs étaient noirs. Depuis la première cérémonie des Oscars, seuls 15 acteurs noirs, 4 acteurs latino-américains et 3 acteurs asiatiques ont reçu l'Oscar du meilleur acteur ou de la meilleure actrice. Et si on s'en souvient, il y a eu Catherine Bigelow qui a reçu en 2010 l'Oscar du meilleur film pour des mineurs. 3 femmes seulement ont été nommées pour meilleur réalisateur, c'était Jane Campion, Sofia Coppola et Lina Wertmüller. Donc il faut savoir qu'un membre de l'Académie des Oscars est nommé à vie, on va en parler tout à l'heure, et en 2012, une enquête du Los Angeles Times a révélé que les 6000 membres de l'Académie étaient composés de 94% de blancs et de 77% d'hommes. Mais en fait, voilà, une fois que tu as dit que c'était nommé à vie, on peut comprendre. Voilà, c'est sûr qu'il y a là pour que le turnover se fasse. Exactement, que ça baisse un peu le renouvellement des générations. Donc, je ne sais pas si vous aviez des... Voilà, ça c'est la première phase de la polémique qui a eu lieu cette semaine. Je ne sais pas si vous aviez des choses à ajouter sur ça, sur ce qu'a dit Spike Lee, sur la représentativité, sur les quotas. Il y a eu un truc qui m'a intéressé en plus, parce que ça, c'est, on va dire, c'est le visage apparent de la discrimination, c'est sur les acteurs, etc., les catégories reines, justement, et c'est The Verge qui a aussi ajouté des chiffres qui étaient assez intéressants, un peu genre sur la partie immergée de l'iceberg. C'était que si on exclut les catégories acteurs et meilleurs films, les hommes blancs concentrent quand même 71,5% des nominations, et contre 20,43% pour les femmes blanches et seulement 7% pour les hommes de couleur. Les femmes de couleur, elles, n'ont obtenu en tout que 2 nominations sur les 186 possibles. Et par exemple, pour les effets spéciaux, il y a 19 nommés aux côtés d'une femme blanche, hein, donc que des hommes blancs, 19 nommés. Pareil pour les directeurs photo, les BO originales, aucune trace de diversité quelconque à The Verge. Donc c'est même, on va dire, dans les parties techniques, où on va dire on voit pas les visages des acteurs à l'écran, bah, cette discrimination en fait est plus profonde, et c'est ce que dit The Verge, que juste voilà ce qu'on a beaucoup on a beaucoup entendu parler des acteurs, etc., mais en fait ça serait beaucoup plus important que ça, quoi. Mais effectivement, si, comme tu le disais Julien, la plupart des votants c'est à vie et c'est des hommes blancs. Après, moi je sais pas, ce qu'on en revient à ce qu'on disait la dernière fois sur ce qui est passé à Angoulême, c'est-à-dire est-ce que l'industrie du cinéma, comme l'industrie de la BD, est féminine et masculine et blanche, ou bah, si pour le coup il y a l'Oscar. Il y a ça aussi, tu vois, si finalement il n'y a aucune représentativité à l'intérieur de cette industrie, c'est normal que la cérémonie qui représente cette industrie, elle soit constituée de cette façon-là. Après, là, on a quand même donné des exemples d'acteurs qui, cette année, auraient pu mériter d'être nominés. Puis même, il y a un système de production aux États-Unis qui est le système des quotas, hein, puisqu'ils ont des quotas imposés, tu dois avoir 20% de personnes de telle minorité, etc., à l'écran, qui font que, par essence, en fait, justement, l'industrie cinématographique ne doit pas être comme ça. Elle n'est pas comme ça, puisque c'est imposé qu'il y ait 20% de telle représentativité, machin, etc., pour, ou plus, enfin voilà. Et du coup, théoriquement, on devrait retrouver ces quotas quelque part après dans les récompenses, quoi. Et là, c'est le décalage qui est un peu flagrant pour le coup, c'est qu'il n'y en a pas, en fait. Donc, bon, là-dessus. Dim, ça t'aspire quelque chose ? Il aurait aimé Vin Diesel nommé pour le meilleur acteur dans Fast and Furious 7. J'étais étonné que Vin Diesel. Enfin, moi, je trouve ça, je trouve ça quand même un peu bizarre. Enfin, c'est surtout par rapport aux exemples que tu as donné, Julien. Enfin, on est tous d'accord, quoi. Samuel Jackson dans le dernier Tarantino, il est vraiment, il est énorme, quoi. Creed, c'est un excellent film. Le film sur NWA, c'est pareil. Je vois Stan qui s'est rappelé. Non, c'est Greg qui a vu Creed et qui est vraiment pas beaucoup aimé. Tout à fait d'accord. Si, je suis pas mauvais, mais c'est pas un excellent film. Bref, mais j'ai un peu du mal à comprendre ce phénomène. Il y a Bodega aussi qui avait été pressenti à un moment pour être nommé aux Oscars, donc le Stormtrooper rebelle de Star Wars. Et puis finalement rien, pas de nomination. Ouais, fine, ouais. Ouais, ouais. Bah moi, en fait, je trouve que ça interroge un peu le modèle, comment dire. Social, j'allais dire, c'est peut-être pas le bon mot d'un pays, en fait. Moi, je trouve que le système de quotas et de faire ça dans une communauté entre nous, comme le c'est supposé la famille. Pinkett Smith, ouais. Voilà, je trouve, moi, ça dérange parce que le modèle en France, c'est l'intégration et on n'est pas supposé faire de différence entre les gens. Ouais. Et le fait d'imposer des quotas, ça t'impose une différence, en fait. Ça te dit, attention, il y a des gens différents, il faut les mettre là, nanana. Voilà, moi, je suis toujours gêné par ça. Après, je suis gêné, mais en fait, si on est obligé de passer par là pour que tout le monde soit. C'est ça, en fait, le problème, c'est que ça marche. C'est parce pas. Que, en fait, c'est tellement insidieux que t'as des gens qui sont pas bien intentionnés, qui écartent certaines personnes volontairement en fonction de leur couleur. Donc on est obligé de les réintégrer aux couleurs ou autres, hein, par des systèmes de quotas. Même s'ils ont le système de quotas, visiblement pour les récompenses, ça ne va pas atteindre. Parce qu'il n'y en a pas, en fait. Bah ouais. C'est ça. Alors est-ce qu'ils devraient appliquer le système de quotas aussi alors, aux récompenses ? Justement, l'Académie des Oscars a réagi, Julien. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Parce que je voulais d'abord réagir sur deux petites polémiques. Alors dis-moi, on reviendra à la fin sur les mesures qu'ils ont mis en place. C'était notamment ce qui s'est passé avec Charlotte Rampling. Je ne sais pas si vous avez vu ses déclarations. Donc en fait, elle a été interrogée justement sur ça, pourquoi il n'y avait pas d'acteur afro-américain. Elle est nommée, Elle est nommée pour 45 ans, c'est ça, non ? Je ne sais pas pourquoi elle est nommée, mais je sais qu'elle est nommée. Je suis pas fait pour 45 ans. Ouais, il me semblait. D'ailleurs, ça va être long. Pendant 45 ans, tous les années. Charles Rampling. Non, on en reparlera dans les sorties. Oui, je sais pas. Les sorties de la semaine. C'était une blague nulle, mais ça va. Non, donc la phrase choc, elle a déclaré notamment de tout ça. Et donc en fait, elle a dénoncé un racisme anti-blanc. Donc c'est ça, ce qui était un peu bizarre. Et surtout, elle a dit peut-être que les acteurs noirs ne méritaient pas d'être dans la dernière ligne droite. Alors elle dénonce là. Elle y va, donc, elle y va. Alors, elle forcément, elle a suscité un bad buzz énorme. Elle s'en est pris plein la tête sur pas, Internet. C'est pas hyper mal hein, comme phrase. Donc, elle a peut-être voulu. Hein. Ouais, donc ouais, elle continue, Julien. Est... Non, non, il n'y a pas de souci. Donc, elle s'en est expliquée après. Elle a dit j'ai simplement voulu dire que dans un monde idéal, chaque performance devrait être jugée de manière égale. Voilà, bah, bon, je suis d'accord avec elle. Mais... Ça, c'est un peu la vision bisounours. On est oui, d'accord voilà. Que c'est ce que tu dis. Enfin, c'est ce qu'on disait. Je dis pas que tu avais une vision bisounours, mais c'était. Tu peux le dire. Non, mais c'est vrai, d'un côté, on aimerait dire bah, s'il n'y a pas de noir, c'est peut-être que finalement, bon. Tous les autres. Voilà. Pas qu'ils sont pas bons, mais que cette année, ils étaient moins bons. Cette année, ou enfin, même pas, ils sont moins bons, mais cette année, les meilleurs. On aimerait pouvoir penser que tout le monde est intègre et. Voilà, non, c'est plutôt. Finalement, cette année, les meilleurs acteurs nominés, c'était ceux-là, et par le fait, je sais pas, du hasard, ou par le fait de ça, ils étaient blancs. Sauf que c'est pas vraiment le cas. Non. Parce qu'on voit très bien comment ça fonctionne, la représentativité. Donc voilà, peut-être qu'elle a été assez, même plutôt maladroite dans ses propos. voilà, je pense que c'est plus ça qu'elle voulait dire. Je pense qu'elle a eu un point de vue plus européen, entre guillemets, ou français sur l'intégration. Peut-être qu'elle comprenait pas, ouais, elle comprend pas, je pense, la chose. Comme nous, on peut se dire, bah voilà, c'est pas normal, ils ont des quotas, etc. Donc elle cherche la logique, tu vois. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui est nommé, donc tu peux te dire. Ça veut dire qu'aussi on décrédibilise un peu si on dit bah finalement c'est que des blancs qui sont nommés donc tu profites d'une situation. Tu crois qu'elle aurait été piquée au vif ? Bah je sais pas mais ça peut être, ça peut être une des explications ou alors elle est maladroite ou je sais pas après c'est un truc de. D'accord. C'est un sujet tellement sensible en plus aux États-Unis là ça a fait toute l'actualité enfin. Clairement, voilà, on a tous les quatre suivi un peu les news. C'était compliqué de passer à côté de news sur les Oscars So White, quoi. Concrètement, ça a bouffé. Alors, la deuxième, c'était Julie Delpy. Ça, j'ai pas vu, alors vas-y. Alors, en fait, elle rappelle ce qu'elle avait dit il y a 2 ans. Elle disait « J'avais dit que l'académie était très blanche et masculine, ce qui est vrai, et je m'étais fait découper en petits morceaux par les médias. C'est drôle, les femmes ne peuvent pas parler. Parfois, je préférais être afro-américaine parce que les gens n'osant pas s'en prendre à vous lorsque vous parlez de quelque chose qui est vrai. Nous vivons dans un monde raciste, a continué l'actrice. Il n'y a rien de plus difficile que d'être une femme. Les féministes sont détestées par-dessus tout. Rien n'est pire que d'être une femme dans cette industrie. Je le pense vraiment. » Donc voilà, après, il y a aussi pire, tu peux être femme et afro-américaine. Ouais, là, Le double. C'est un peu ce qu'avait dit Viola Davis, hein, d'ailleurs, hein, quand elle avait eu son prix au Golden Globe pour son snack dans. En cas plus que tu sois gif en plus. Bah là franchement c'est le bordel. Non mais c'est vrai que Viola Davis avait dit ça justement, elle avait dit bah voilà quand on est une actrice noire c'est compliqué quoi, c'est compliqué, on est une femme, on est noire, on n'est pas là pour plaire quoi, il faut vraiment se battre pour avoir des prix, pour avoir une reconnaissance. C'est vrai que Viola Davis elle a une énorme carrière, elle a mis bah voilà un temps absolument hallucinant par rapport à l'étendue de sa carrière pour avoir un prix finalement important. Encore une fois, nos points de vue, c'est nos points de vue de petits Français qui ne vivent pas du tout dans ce milieu-là, qui connaissent mal les États-Unis. N'empêche que les gens concernés, eux, témoignent d'une vraie discrimination. Donc, voilà. Ils la ressentent en tout cas. Du coup, en tout cas, ça a fait réagir à l'Académie des Oscars qui a annoncé 4 principales mesures, c'est ça, Julien? Oui, alors déjà, on en parlait tout à l'heure, mais les votants ne seront plus nommés à vie. Voilà, déjà, on découvre un peu en fait les coulisses. Ouais. Je ne savais pas que les votants étaient nommés à vie. C'est dingue, c'est aberrant. Ouais, bah tu. Ouais, puis tu les voix sont achetées et tout. Enfin, c'est monstrueux. Heureusement que Charlton Heston est mort, hein, parce que lui, ça devait y aller. Il est mort. J'ai même pas, putain. Merde. En 2009, je crois, comme ça, ou 2010. Oui, parce que lui, il était quand même gratiné. Hein. Bah ouais, c'est le mec qui faisait les flingues là. Qui oui, les flingues. Ah, je savais pas qu'il est mort. Il était raciste comme gars. Donc leur mandat maintenant durera quand même 10 ans. Hein. Ah. C'est quand même pas mal. Période à l'issue de laquelle ils pourraient, donc les membres pourraient perdre leur droit de vote s'ils ne justifient d'aucune activité liée au cinéma au cours de la décennie. Mmh. Donc il faut quand même qu'ils restent proches du milieu. Après, je ne sais pas ce qu'ils entendent, une activité liée au cinéma. C'est le type j'ai été au cinéma. C'est bon. J'ai payé une place de cinéma. Non, mais ça, je vois s'il est juste producteur exécutif. Alors là, tu es quand même partie prenante du cinéma. Mais bon, voilà, je ne sais pas quel est le degré de... Voilà, je ne sais pas où il situe le degré. Donc, instauration de critères de renouvellement du mandat des votants. Le droit de vote à vie ne pourra être obtenu qu'à condition d'avoir été reconduit 3 fois dans ses fonctions de votant. Autrement dit, il faudra justifier d'une longévité de plus de 3 décennies dans la profession ou avoir été nommé à l'Oscar. Donc, on voit quand même l'Académie des Oscars, c'est aussi logique, elle représente les Oscars. Donc, elle doit quand même avoir une représentativité liée à des Oscars qui ont été décernés ou à une activité dans le cinéma, ce qui, paraît quand même assez logique. Et ils vont élire donc 3 nouveaux board members, comme ils appellent, pour augmenter le nombre des représentants des minorités. Pour le coup, apparemment, il n'y a que Cheryl Boone Isaac, qui est afro-américaine, et il y a 1/3 des membres qui sont des femmes au niveau du comité de direction des Oscars. D'accord. Donc peut-être que le fait de changer un peu le comité de direction, ça va changer l'approche qu'ils ont. Je crois d'ailleurs c'est une femme qui dirige. Ouais. Donc, et elle c'est aussi, elle a fait déjà pas mal de choses pour essayer de faire bouger ça. Mais on peut penser que cette affaire... Donc il parle aussi, alors là c'est un peu plus ambigu, il y a une modification des critères de sélection des votants. Ils vont lancer en fait une campagne ambitieuse et mondiale pour identifier de nouveaux membres qualifiés représentant une plus grande diversité. D'accord. En gros, voilà, ils vont dire on va essayer de chercher des gens dans ces critères-là. Bon, pour l'instant, c'est plutôt une déclaration d'intention. On va prendre des podcasts. En fait, moi, le truc qui me semble le plus important, c'est que les votants seront plus nommés à vie. Ouais, c'est ouais, important, c'est, mais bon, cela dit, 10 ans... Oui, mais même sur une durée de 10 ans, ça prendra plus en compte facilement le renouvellement après, des générations y a un et côté, de nouveaux arrivants. Il y a un côté cyclique quand même, parce que tu disais qu'ils vont favoriser donc, les gens qui ont été nommés aux Oscars. Bah là, on voit par exemple, cette année, c'est que des Blancs. Donc, ces gens-là vont être pris dans les comités à nouveau pendant au moins 10 ans. Enfin, tu vois, il y a un côté... ça va être quand même compliqué de renouveler le milieu, là. Hein, bah, en fait, un membre anonyme de l'Académie des Oscars disait qu'on ne verrait pas d'effet avant 2017. Donc déjà, et encore, ça serait très long et ça ne serait pas forcément des effets significatifs dès le début. Quoi. Cela dit, je pense que l'année prochaine, la sélection... va forcément faire attention à la polémique qu'il y a eu cette année. Oui. Donc ils vont, à mon avis, déjà un peu modifier la façon dont ils vont sélectionner les films. Moi, je pense très sincèrement qu'une fois que DiCaprio aura eu son Oscar, alors, ça, il pourra passer à autre chose. Le vrai problème de cette polémique, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y a que des Blancs. On veut pas lui donner son Oscar. Non, l'année prochaine, il va jouer un noir. Il va avoir un Oscar. Non, mais c'est un truc de fou. C'est la première fois qu'il a vraiment une chance pour avoir son Oscar et il y a une polémique, personne ne voilà. Le mec a vraiment pas de chance. Je pense qu'en fait, il va avoir son Oscar et tout le monde va siffler avec des banderoles. Ou rembourser le Oscar So White, et voilà, je pense qu'il va être là. Le pauvre. Finalement, son grand fait de l'année restera cette espèce de gif qui tourne sur internet où il fait une tête bizarre quand il voit passer Lady Gaga. Putain, alors qu'il mérite tellement son Oscar, mais filez-lui. Eh oui, filez-lui, il dans des bonnes sa conditions. Carrière, moi, je Jada Pinkett-Smith vient à la cérémonie, viens regarder ça, ça va être historique. Attends, oui, il y a d'autres, je crois que j'ai vu, il y avait Michael Moore aussi qui viendra pas, en même temps, je sais pas s'il est invité. Bah, aussi, il est loin, lui. Non, il peut aussi s'engager. Il y a beaucoup, il y a rigolé. Il y a Will Smith aussi qui viendra pas en disant bah ouais. Il a fait de l'humour en disant bah si ma femme vient pas, bon, je vais pas venir quand même. Hein. Toujours aussi drôle, c'est Will Smith. Il est drôle, moi. Bon, moi, je suis pressé que Mami Mati fasse du lobbying au prochain César. Les gens qui pèsent, quoi. Les gens qui. Voilà, voilà les gens qui pèsent. Bon, déjà, les nains sont représentés par dans Game of Thrones, donc bon. Ah, ouais, c'est vrai. C'est vrai, putain, Nicolas. Et dans Fort Boyard. Parce qu'il demande, hein, autre chef d'œuvre partout quoi. Autre chef d'œuvre. C'est vrai que c'est comparable. Il est mort Passepartout aussi. On parle de Charlton Heston Passepartout. Les plus grands talents disparaissent. Les plus Michel Galabru. Il n'y a pas une quatrième mesure. Il n'est ni nain ni raciste. Oui, mais il est mort. Tu parles des grands talents. Vous avez cité les quatre mesures. Oui, il a cité les quatre mesures. Je pensais que j'en avais raté une. Pour moi. On a tout dit. Bon, oui, je pense. On verra comment se passera la cérémonie. Ok. Bon, bah, on fera le retour sur la cérémonie fin février. Ouais. Tu disais. Ouais. Tout à l'heure, je parlerai un peu des nominations un peu plus tard. Je pense qu'on en parlera dans les news. Ouais, dans les news. Enfin, c'est un peu plus léger. On va peut-être passer à autre chose plutôt que de faire un tunnel Oscar. Passons à quelque chose d'aussi important que les Oscars, puisque on va parler des Razzie Awards. Bah oui, les Razzie Awards quand même. C'est ce qu'on préfère par rapport aux Oscars. Et là, de la diversité, j'ai même pas trop regardé s'il y en avait, mais en tout cas, des bons films. Oh oui, oh oui, il y en a. Voilà, hein, pour les pires films nommés. Donc les Razzie Awards, je répète, hein, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, bah, c'est les Oscars, mais du mauvais goût. Hein, les Oscars des mauvais films, les Oscars des daubes. Donc voilà, hein, les Pixels, les 50 nuances degrés, les Jupiter Ascending, c'est ici qu'ils sont nommés. Ah, 50 hein, nuances degrés quand même. C'est pas aux Oscars. Donc effectivement, dans les pires films. Donc je vous laisse faire votre choix, chers auditeurs, et ainsi que vous qui participez à ce podcast. Les 4 Fantastiques, 50 nuances degrés, Jupiter Ascending. Un truc qui s'appelle Paul Blart Mail Cop 2, donc je pense que c'est un film qui est sorti qu'aux États-Unis et Pixel. Hein, donc voilà, y a Pixel qui mérite, je pense. Hein. Je sais pas, les 4 Fantastiques, 50 nuances degrés, il y a du concurrent hein, cette année. Moi je pense que c'est 50 nuances degrés qui m'a gagné. Ah ouais, ça serait bien ça. Je l'ai pas vu, mais tout le monde a l'air de dire qu'il l'a mérite. Je l'ai pas vu non plus, mais ouais, c'est clair. Franchement, vous allez louper quelque chose, les gars. Quoique les 4 Fantastiques cet été, c'était quand même le bashing ultime. Il s'est bien fait basher et justement, il est. C'est vrai qu'il était nul, hein. En termes d'acteurs, il y a des acteurs aussi qui sont nommés. Je vais nommer acteurs, actrices. Donc les acteurs, on a Johnny Depp pour Charlie Mordecai. Je sais pas comment ça se prononce. Je l'ai pas, vu ce film. Je vois ce que c'est. Jamie Dornan, donc j'imagine que c'est l'acteur principal de 50 Nuances Degrés. Kevin James pour toujours Paul Blart Mall Cop 2, qui doit être vraiment un très bon film. Adam Sandler qui est nommé pour deux prestations en même temps. C'est quand même fort. Bah, lui, quand tu veux, The Cobbler et Pixel. Voilà. Et Channing Tatum, hein, notre ami Channing Tatum, dont on parle souvent, hein, Jupiter Ascending, voilà, pire acteur. Pire actrice, Catherine Hegel pour Dangerous Housewives. Dakota Johnson, 50 nuances degrés. Mila Kunis pour Jupiter Ascending, décidément. Jennifer Lopez, à Voisin Trop Parfait. Et Gwyneth Paltrow, encore Charlie, Mordecai. Bah là, les femmes sont bien représentées, je trouve. Bon, voilà, là, il n'y a pas trop de problèmes. Allez hop, une blague de mauvais goût. Voilà, donc. Est-ce qu'il y a des Afro-Américains dans les. J'ai pas vu. J'avoue que pour l'instant, je crois pas. Hein. Je connais pas trop les acteurs. Je sais pas, par exemple, qui Jennifer est Lopez, Kevin James. James. Ah oui, Jennifer Lopez. C'est pas vraiment américain, je crois. Ouais, je connais pas. Hispano-américain. Voilà, on a des petites catégories qui sont marrantes. Le pire combo à l'écran. Donc, dans les pires combos à l'écran sont nommés les 4 fantastiques dans les 4 fantastiques. Johnny Depp et sa fausse moustache dans Charlie Mordecai. Jamie Dornan et Dakota Johnson dans 50 nuances degrés. Kevin James et au choix son Segway ou sa fausse moustache dans Paul Blart Mall Cop 2. Adam Sandler et n'importe quelle paire de chaussures dans The Cobbler. Voilà pour ça. Paul Blart, là, ça donne envie, ça. Ah ouais, là, je sais pas ce que c'est ce truc-là. Et puis, il y a quand même un peu une catégorie où en gros ils admettent que c'est pas trop des mauvais films. C'est le prix du repentant pour Elizabeth Banks dans Pitch Perfect 2, Shyamalan dans The Visit, Will Smith seul contre tous et Sylvester Stallone Creed. The Visit, tu l'avais vu toi, Dim, non? Moi je l'ai vu, ouais. Oui, puis ouais, je lui donnerais bien le prix quand même du plus mauvais film. Oh, je suis pas du tout d'accord. Pourquoi c'était mauvais ce point-là? Ah non, c'était vraiment pas mal. Ah, The Visit. Moi je me suis barré avant la fin. Ah, oh, bah tu crains. Mais tu c'était crains, un dis-moi. Film moyen, mais. C'était un film moyen, pour mais c'était un film hyper méta qui mettait Shyamalan lui-même en scène. Enfin, c'était hyper drôle en fait. D'accord, en... donc c'était bien pensé quoi. Moi j'ai trouvé que c'était super bien pensé pour un mec qui avait fait des daubes monstrueuses, regardables avant. Et là, il se prend pas au sérieux. Oh, sixième sens, ça va. Non, pas les débuts. Quel troll. Là. Bon voilà, en tout cas ça c'était pour les Razzie Awards, donc ça c'est bon, le... Je suis rassuré, il n'y a pas Chappie dans la liste. Il n'y a pas Chappie, pourtant putain, il mériterait sa putain de place Chappie. Ah, bon, oh, putain, pire film du siècle, il mériterait comme nomination quoi. Moi je l'ai vu sur mon canapé aussi alors. Ah, moi non. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Putain, bah oui moi aussi, mais j'ai pas été le voir au ciné. Le film Dim, attends, Dim l'a mis dans son top 10, je dénonce. Top 10 2015, Chappie. Avec le robot, c'est le film de mec qui a fait District 9. Ah putain ouais, non mais District 9 j'ai adoré, mais Chappie... Ouais, Neil Blomkamp. Mal à se renouveler, ça moi je trouve. Ouais, bon, ça, c'est autre chose. Et le film de Brad Bird, vous l'auriez mis là Tomorrowland. Je l'ai pas vu, tellement on m'a dit que c'était pas mal. Mal. Moi je l'ai trouvé intéressant. Ouais, c'est beaucoup disaient que c'était pas si mal. Non, moi, j'aime bien ce qu'il fait Brad Bird. Mais... Donc ça c'est le 27 février, les Razzie Awards, et le lendemain on aura les Oscars. Et bah c'est bien, on va avoir une grosse fin de mois février. Ok, super. Bah, alors une news plutôt pour Dim, mais je crois que Julien tu voulais aussi l'évoquer, la surprise d'un nouveau Cloverfield. Non, bah, je la laisse à Dim, j'ai vu le trailer comme tout le monde, mais d'accord. Alors Dim, allez, parle-nous du nouveau Cloverfield. Je l'ai pas vu. Donc ouais, bah à peine le temps de digérer le succès de Star Wars que J.J. Abrams nous livre dans la surprise la plus totale un trailer du film. Alors on ne sait pas si c'est un spin-off, une suite à Cloverfield, mais ça s'appelle 10 Cloverfield Lane. Donc moi ce qui m'a vraiment plu dans cette news, c'est vraiment d'avoir une surprise à l'heure où on a des trailers, enfin je vais m'arrêter là. Des teasers mais, C'est vraiment ça qui m'a enthousiasmé, que le film en lui-même, qui a l'air d'être correct, mais pas non plus révolutionnaire, ça a l'air d'être un survival, on va dire, assez classique, avec un groupe enfermé dans un bunker face à une menace extérieure, sûrement le même monstre qu'on voit dans Cloverfield. Donc il n'y a pas à dire, je trouve que J.J. Abrams, il est vraiment fort pour vendre ses films. Il est réalisé par dans le secret le plus total par un gars qui s'appelle Dan Trachtenberg, qui s'est fait connaître par un court-métrage sur le jeu vidéo Portal. Et il a été écrit entre autres par Damien Chazelle, le scénariste de Whiplash. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça, oui. Et qui est joué par les plutôt bons acteurs John Goodman et Marie-Elisabeth Winstead. Donc, pour info, le trailer, il a été dévoilé pour la première fois au moment de la séance du dernier film Michael Bay, qui s'appelle 13 Hours. Je suis désolé pour l'accent. 13 Hours. Et le fait que j'arrive plus à dire 13 en anglais. 13. Ouais, voilà, petit trou de mémoire. Donc, le studio a donc laissé aux spectateurs ultra connectés le temps de faire la promo du film via leur smartphone sur Twitter avec le hashtag Cloverfield2. Et ce hashtag, il est vite devenu populaire et a pas mal intrigué jusqu'au moment où la Paramount a décidé de balancer la vidéo sur les réseaux sociaux et ça fait un petit buzz. Donc voilà, le film qui était connu sur son nom de tournage avec le nom The Cellar sortira en plus très prochainement, le 16 mars prochain. Ouais, c'est hyper rapide, donc, c'est super, c'est dans deux mois quoi. Ah, purée. Ouais, donc c'est ça, ouais, c'est la grosse surprise quoi. Ah, c'est intéressant trailer, de faire ça. Surprise comme bien, ça, ça change un peu. Balancé. Bah, c'est une bonne idée parce que si tu fais un teasing d'un an, enfin c'est pas un film non plus. Moi j'avais vu le premier, j'avais bien aimé. Mais en même temps, tu vas pas faire un teasing dans le premier, quoi. D'un an, voilà. Au moins là, tu te dis c'est tout de suite, t'as presque envie d'aller le voir. Alors j'ai peut-être pas bien écouté ce que t'as dit au début, c'est un reboot ou c'est une suite Justement, c'est un spin-off. Non, c'est pas trop. Excuse-moi, j'ai décroché. Ouais, une déclinaison, c'est pas trop. Mais c'est dans le même univers, mais après. Parce que moi, pour moi, le Cloverfield d'origine était réussi en lui-même et se suffisait à lui. C'est super court comme film. Ouais, c'est cool. Vrai, ouais. Mémoire, c'était 1h15. C'est 1h10 ou 1h15. Ah ouais, ouais. Je me rappelle plus la durée. Mais ouais, c'est intéressant comme technique marketing. En tout cas, c'est assez rare. Il y avait un jeu vidéo qui avait fait comme ça, Fallout 3, là, qui avait fait un peu ça. Genre, on se dévoile et hop, on sort dans deux mois. Fallout 4, ou je sais pas quoi. Enfin, celui-là, ouais, qui avait dit. Ouais, oui, Fallout 4 avait été annoncé à l'E3 et il dit ouais, on sort dans trois mois. Ouais, c'est ça. C'est hyper rare comme technique marketing de nos jours. Ah, puis c'est une bonne pub vraiment simple, en fait, et pas chère, quoi. C'est. Les spectateurs, le jour de la sortie du film de Michael Bay, ils ont vu ça, ils ont tweeté à fond. Et donc on voit qu'ils visent un peu hein, aussi. Hein. Ils visent les fans de Michael Bay, quoi. Donc ça fait un peu peur. Le grand cinéma, quoi. Moi, j'ai un peu peur que. Enfin, le premier était bien, mais tu sais, avec le côté fan footage film, c'est un peu relou à force. Enfin, non, si... on a fait le tour de cette technique, moi, je trouve. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah, pour le coup, ça va pas être du fan footage, mais ce que je disais, ça a l'air d'être vraiment, on va dire, un film, un huis clos assez classique, avec un groupe de survivants dans un bunker avec une menace extérieure. Ça, c'est cool. Bah, si huis clos il réussit, ça peut être un ça bon peut film. Faire à la The Thing un peu. L'idée huis clos me plaît bien. Bon, ok, super. Ça, cool, on est curieux du coup. On verra ça bientôt. Hein. Ouais, on verra ça bientôt, c'est cool. On va revenir un peu sur les cérémonies, Julien. Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, tu vas faire un point sur les Oscars et les Golden Globes. Oui, puisque c'est un peu la période. Hein, chaque année, à cette époque-là, il y a les Oscars, les Césars. Hein, je crois que les nominations, c'est fin du mois pour les Césars. Les Golden Globes, donc bon. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas vu la moitié des films et des séries, mais ça ne nous empêche pas de commenter, de râler ou d'approuver. Donc en attendant, je disais, les nominations pour les Césars, on connaît déjà celles pour les Oscars, dont la cérémonie, je le rappelle, donc c'est bien le 28 février, j'ai vérifié. Donc le grand gagnant de ces nominations, c'est The Revenant de Iñárritu, donc qui est quand même maintenant spécialisé dans les Oscars et Golden Globes. L'année dernière, c'était pour... Birdman. Il avait tout raflé, hein, il me semble. En nomination, par contre, c'était moi. Ah oui, c'était. Ouais, c'était Boyhood. Ah, c'était Boyhood qui avait tout. Par contre, d'accord. Au Golden Globe, il avait pratiquement tout raflé pour Birdman, mais donc il a eu 12 nominations. Waouh. Suivi de Mad Max Fury Road qui a eu 10 nominations et Seul sur Mars 7 nominations. Ah bon, ok. Bon, ça, c'est... Greg fait un non, peu. Non, pas trop aimé si, si, non, c'est pas mal, mais de là à être un film oscarisé, je trouve pas non plus. Non, c'était un bon petit film, quoi. Donc, juste pour. Je vais juste citer les catégories plus importantes. Donc, pour meilleur film, on a Mad Max Fury Road, The Revenant, Room, Spotlight, hein, qui a un gros buzz en ce moment. Ah, j'ai très envie de le voir, ça. Il va sortir au ciné, là. Qui sort là cette semaine. The Big Short, le casse du siècle. Ouais. Brooklyn, Seul sur Mars et Le Pont des Espions, donc le dernier Spielberg. Voilà. Et juste pour citer le meilleur réalisateur, Iñárritu, Miller, McCarthy. Bon, après, c'est forcément les films qui sont. McCarthy, c'est qui du coup Spotlight. D'accord. Ouais, moi, je ne le connaissais pas, Thomas McCarthy. J'ai vu qu'il avait. Il a été pas mal acteur avant, pas mal de rôles. Eddie Redmayne pour Danish Girl et Matt Damon. Non, ça, c'est meilleur acteur. Ça, c'est meilleur acteur. Voilà, c'était Adam Mankey pour The Big Short et Lenny Abrahamson pour Room. Ouais, alors là, si The Big Short l'obtient en réalisation, je suis quand même très surpris. Hein. C'était quand même assez anecdotique comme réalisation et limite un peu gênant. Certains. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu du coup. Non. Bon, voilà, il y a certains. Certaines techniques de réalisation qui sont là plus pour faire sourire le spectateur que faire un grand film, on va dire, je trouve. Personnellement, c'est mon avis. Hein. Côté acteur, donc forcément, le grand favori l'aura-t-il un jour? Allez, c'est Léonard de DiCaprio. Allez, cette fois-ci, tu l'as. Quoi. Allez, Léo, quoi. Putain, s'il le donne pas, je boude. Alors, il sera opposé à Bryan Cranston, qui joue bien merde. Dans Breaking Bad. Ah! Mais pas pour Breaking Bad, du non, coup. Non, pour Dalton Trumbo. Je ne sais pas ce que d'accord, c'est. D'accord, on ne l'a pas vu. D'accord, ce film sortira après. Michael Fassbender dans le dernier Steve Jobs qui arrive là. Il y a de la concurrence. J'adore Fassbender aussi. Ah, il joue bien. Eddie Redmayne dans The Danish Girl. Qu'il a déjà eu. J'aime beaucoup cet acteur aussi. Et Matt Damon dans Seul sur Mars. Bon, ça c'est bon. Ça c'est, ça, c'est une concurrence de moins. Il y a quand même 4 gros noms. Hein. Ça fait mal. Hein. Voilà. Et pour qu'on ne nous accuse pas de ne pas être représentatif des meilleures actrices, donc c'est Brie Larson pour Room. Donc Room, je ne sais pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas un nom français, ils n'ont pas changé. Je ne sais pas du tout. Moi, je ne connais pas non plus. Non, personne ne connaît. Bon, on regardera. Cate Blanchett dans Carole, hein, donc, qui apparemment fait vraiment une grosse performance. Alors, Saoirse Ronan dans Brooklyn. Saoirse Ronan, ouais. Jennifer Lawrence dans Joy. Hein. Joy, c'était le nouveau film qui avait fait Happiness Therapy. Bon, Brooklyn, c'est quoi, vous savez? Non. Bon, d'accord. Non. Et Charlotte Rampling dans. Donc là, c'est 45 years. 45 years. 45 years. 45 years. Ça devient un même. C'est génial. Ou 45 ans, puisque le film sort la semaine prochaine ou dans deux semaines. Oui, en fait, il y a pas mal de ces films qu'on n'a pas encore vus, mais c'est pour ça qu'on ne les connaît pas. Donc voilà, après, je ne veux pas forcément. Après, il y a tous les trucs. Type, peut-être meilleur film d'animation. Il y a Vice Versa. Anomalisa, qui est finalement nommé comme un film d'animation. Film d'animation. Ouais, c'est un film avec des marionnettes. Hein, enfin, Le Voyage d'Arlo. Sean le Mouton, Le Garçon et le Monde, alors ça je sais pas du tout ce que c'est. Souvenir de Marnie, il me semblait pas que c'était sorti cette année, mais peut-être qu'aux États-Unis c'est cette année. C'est un film de Ghibli. Oui, je vois très bien, mais c'est plus vieux ça, pourtant. Bah, oui. Bon, il me semblait, mais bon, peut-être qu'ils l'ont eu quand même. Peut-être plus tard, oui. Sorti plus tard, ouais. Il n'y a pas le garçon et la bête, qui est plutôt quand même intéressant. Est-ce que tu as les meilleurs films étrangers? C'est toujours une catégorie intéressante. L'étreinte du serpent, un film colombien. Okay. Donc Mustang, qui est qualifié de film français. Ah oui, alors que c'est turc, c'est franco-turc. Ouais, c'est franco-turc, mais comme c'est des financements. Apparemment, c'est très bien. Ma femme l'a vu, m'a dit que c'était génial. Bah oui, d'ailleurs, elle l'a vu avec ma femme. Ah bah oui, je sais pas. Ça va, les gars, vous voulez qu'on vous laisse? Non, parce qu'elle m'a dit justement, elle a dit beaucoup de bien, elle a dit faut que tu le vois, tout ça. C'est un peu un. C'est quoi? C'est l'histoire de quatre femmes. Et c'est un peu une sorte Virgin de Suicide, voilà, non, Virgin c'est Suicide. Ça Virgin Suicide à la turque. C'est pas un film de nana quoi. Non, c'est un film assez dur sur les conditions des femmes. Allez, c'est les conditions des femmes voilà, oui, en Turquie. J'ai rigolé, donc, c'est très bien. Le fils de Saul, donc c'est vrai que. Ah oui, ça c'est dur comme film. C'est dur, son sujet pourrait faire que. Pas simple, ouais. Au niveau voilà, réalisation, intéressant. Tib, un film jordanien que je ne connais pas, et A War, donc une guerre. Un film danois. Oh, tu parles anglais, toi? A War. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'était de l'anglais. Hein. C'était de l'anglais. Ok, bon, bah, pas mal tout ça. Il y a d'autres nominations qui Je regarde, meilleure musique, c'est toujours sympa. Je pense que Ennio Morricone a peut-être une chance, même si j'ai l'impression que sa musique divise. Si, il y a John Williams est nommé pour Star Wars, Le Réveil de la Force. Il pourrait l'avoir, mais il a déjà eu tellement d'Oscars, lui, je crois que bon, c'est bon. Et Star Wars n'est pas tellement représenté, à part dans les catégories techniques, où je pense qu'il l'aura. Il est nommé pour montage. Meilleur montage sonore, meilleurs effets visuels, meilleur mixage, enfin tous les trucs dont tout le monde se fout là, les trucs qu'ils mettent au début. Allez, hein, bon. Meilleur mixage, allez, on le file à n'importe qui, on s'en branle. Donc après, bah, on va juste les Golden Globes, hein, puisque c'est souvent la répétition des Oscars qui donne une tendance des gagnants cinéma pour la grande cérémonie. Parce qu'on rappelle, Golden Globes, c'est aussi série. Hein. Oui. Donc on va en parler juste rapidement. Même si pour le coup, je disais tout à l'heure, les Golden Globes l'année dernière, le grand gagnant c'était Boyhood. Donc Lineker, c'est ça, il s'appelle le réalisateur. C'est ça, de nom, de mémoire. Et donc les Oscars avaient représenté, avaient comment récompensé Boyhood. Boyhood, juste pour ceux qui savent plus ce que c'est il a filmé sur 10 ans. Un petit garçon qui grandit entre 8 ans et 18 ans. Donc c'est à la fois de la fiction et des images réelles, puisqu'il a filmé pendant tout le temps. Donc pour cette édition 2016 qui sera la 73e, Inaritu est cette fois le grand gagnant avec The Revenant qui rafle les récompenses les plus convoitées, meilleur réalisateur, meilleur film dramatique, puisque eux ils divisent, il y a meilleur film dramatique et meilleur film comédie. Comique, ouais. Par exemple Seul sur Mars il est dans comédie. C'est vrai qu'on se marre bien. Oui, c'est un peu. Bah, ouais, c'est assez léger comme film. Drame, final, après, c'est pas un drame. C'est difficile bon, de catégoriser. C'est vrai que quand tu catégorises, c'est un peu compliqué. Donc, forcément, le meilleur acteur, ça a été DiCaprio. Quelle classe. Un nouveau Golden Globe, c'est pas le premier. Avec la standing ovation qui va bien en plus. Hein, donc, ça veut dire que la profession est là pour reconnaître quand même enfin ce grand acteur. Ouais. Et donc, tu disais que tout à l'heure, la présence de Matt Damon l'excluait de sur quoi? Non, puisqu'il a gagné le meilleur acteur dans une comédie, enfin, le meilleur Golden Globe pour une comédie, pour Seul sur Mars. Stallone, il a été nominé pour la première fois depuis 77 et il a gagné le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Creed. Ouais. Il serait temps justement qu'il meure, quoi. Chez les femmes, c'est Kate Winslet qui remporte le prix du meilleur second rôle dans le biopic de Steve Jobs. Donc on verra là, je disais en France. C'est vrai qu'elle joue dedans, exact. Ouais. Et Jennifer Lawrence qui remporte le prix de la meilleure actrice pour Joy, donc David Russell. Hein, ouais. Et c'est un duo gagnant, puisque l'actrice avait déjà été primée pour son rôle dans Happiness Therapy, qui était plutôt sympathique. Comme oui, elle avait eu l'Oscar d'ailleurs aussi pour ce rôle-là. Non, t'avais pas aimé Stan? Non, je m'attendais à beaucoup plus, puisqu'on m'avait beaucoup vendu. Donc, c'était sympathique. Voilà, sympathique, c'est le mot. Et elle avait eu aussi le meilleur Golden Globe dans la catégorie actrice dans un second rôle pour American Bluff. Ah ouais, qui avait été aussi assez récompensé. Qui est du même auteur en plus. Qui est du même auteur, ouais. David Russell. Tarantino et les 8 salopards ne gagnent qu'une récompense, celui de la meilleure bande originale signée Ennio Morricone. Vice versa, ils ont gagné le prix du meilleur film d'animation. Et le meilleur film étranger, c'est Le Fils de Saul. Ouais. Voilà, donc là, il n'y a rien eu pour Carol et Spotlight. Donc Carol, le film de Todd Haynes, et Spotlight, le film de McCarthy que je ne connaissais pas. Il y a eu une petite polémique aussi, en plus d'Oscar So White, sur justement le film Carol, parce que les gens s'attendaient à beaucoup, beaucoup plus de nominations pour Carol, qui est vraiment un très, très grand film, apparemment. Et il n'est pas nommé dans la catégorie meilleur film, meilleur réalisateur. Apparemment, il y a eu une polémique là-dessus, en se demandant s'il n'y avait pas aussi des causes, justement, comme le sujet est sensible, hein, une relation homosexuelle. Ouais, après, dans ça, les c'est le problème. Ça va être la prochaine marotte, en fait. Ouais, mais n'empêche que. Maintenant qu'il y a des femmes, et des blacks et des blancs. Il faut qu'il y ait des homos, en fait. Bah ouais, non, mais n'empêche que la communauté LGBT s'est prononcée là-dessus en se disant que c'était étonnant. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas montré d'accusation, etc. Mais le film, apparemment, est vraiment un film oscarisable, on va dire, hein, clairement. Et bah voilà, il est nommé que pour les meilleures actrices. Et pas du tout meilleure réalisation, meilleur film. Alors que nous, en France, on avait récompensé La vie d'Adèle. La vie d'Adèle, qui avait fait un très grand film. Un très bon film. Mais apparemment, Carole est quand même un excellent film. Kechiche, c'est vrai que je suis d'accord. Bon, on est très bavard, les gars. Ouais. Alors, je vais vous demander de faire rapide sur les deux autres news. Non, moi, j'ai juste pour finir, côté série, qu'on dise rapidement, parce qu'il y a aussi les séries. Il y a deux grands gagnants, c'est Mister Robot, qui d'ailleurs va arriver sur France 2. Je suis curieux, ouais. Prix de la meilleure série dramatique face à Game of Thrones. Bon, en même temps, Game of Thrones, c'est bon, on a les gens marre. Et Mozart in the Jungle, prix de la meilleure série comédie. Ouais. Je suis moins emballé, moi, par ça. Mais... Donc, John Hamm, le célèbre Don Draper dont je parlais dans mon bilan 2015, remporte le prix du meilleur acteur dans une série dramatique. Et juste à signaler, donc Lady Gaga qui a fait ce gif mémorable avec DiCaprio, prix du meilleur second rôle féminin dans American Horror Stories. D'accord. Voilà, c'est juste pour. J'ai pas vu la dernière saison, je le sais pas. Bah, elle joue plutôt bien. Hein. Joue franchement, plutôt bien. Je trouve qu'elle tient bien le rôle. Enfin, voilà. Oui, bah, elle a la tête pour ça, je trouve. Enfin, elle a l'air barrée et elle va bien là-dedans. Bon, allez, on va un peu plus rapide sur les prochaines news. Greg, tu voulais nous parler de news en série. C'est quoi news en série? News en série, c'est des news sur des séries. Ah, d'accord. En fait, tout donc, à propos de petites séries, il y a Heroes Reborn, hein, la suite de la série des années 2000, qui ne devait être qu'une mini-série complète sans suite. Et bah, en fait. C'est bien une mini-série sans suite. Hein. Tout le monde se dit. Parce qu'en fait, en général, ils font une petite mini-série en se disant il y aura du succès, on va faire une saison 2. Eh ben non. Ils vont attendre, ils vont faire Heroes Reborn again. Donc là, pour Heroes Reborn, ce qui paraît, c'est bien horrible. Apparemment, c'est vraiment, vraiment nul. Bon, ça n'a pas trop marché, donc voilà, ça s'arrête là. Autre nouvelle sur une série qu'on peut-être vous aimez bien de votre côté, c'est un reboot pour 24 heures chrono. Moi, j'adore. On avait déjà un petit peu parlé il y a longtemps et c'est donc un reboot commandé par la Fox qui s'appellerait 24 Legacy. Comment ils vont faire si c'est des saisons de 12 épisodes? Je ne sais pas. De 12 épisodes. Bah, c'était déjà le cas dans la saison, saison la dernière 7, saison. Non, j'ai pas regardé 9. La dernière saison, justement. Saison 9. Comment? Ça dure 12 épisodes. C'est 12 heures en fait, c'est plutôt. Non, ils font des, il y a des ellipses, je crois. Ouais, il y a des ellipses en fait. Oh, bah, c'est bah, plus le temps réel. Bizarre, ouais, mais bon. C'est peut-être moi, je suis un peu tombé. J'ai pas réussi à la finir. Alors, je suis un gros fan. On n'aura pas le casting d'origine. Kiefer Sutherland sera producteur délégué, mais n'apparaîtra visiblement pas à l'écran, a priori. Donc, voilà. Showtime a annoncé aussi une nouvelle série, un feu vert après avoir vu le pilote d'une série qui s'appelle I'm Dying Up There, produite par Jim Carrey et qui a été commandée, et dont l'écriture est confiée à Dave Fleabot. Et donc, c'est une comédie noire sur le stand-up. Donc, voilà, produite par Jim Carrey, qui est quand même un grand comédien de stand-up. Donc, ça peut être intéressant de suivre ça. On a l'actrice qui jouait Monica dans Friends, donc Courtney Cox, qui était récemment à l'affiche de Cougarton, qui va à nouveau tenir la vedette d'une nouvelle comédie en développement aussi pour Fox. La série n'a pas encore de titre, mais voilà, ça va raconter l'histoire d'une femme héritant de la fortune de son mari. Et elle va réaliser très vite que changer le monde est bien moins glamour qu'elle ne l'imaginait. Donc on va voir ça. Et enfin The Walking Dead pour les séries justement c'est un peu la série la plus connue, la série la plus suivie du câble américain et une des plus populaires actuellement. Et bah, il se peut qu'on n'en voit jamais le bout de cette série parce que les producteurs ont révélé qu'ils n'ont pas encore envisagé la fin de la série et prévoient même encore d'autres spin-offs en plus de celui qui existe déjà. Ils vont aller jusqu'à nous dégoûter quoi. Donc voilà, là c'est bien parti effectivement pour qu'on soit bien dégoûté. Ils ont déclaré la réponse à la durée de vie de la série dépend en quelque sorte directement de la santé de la narration du comics. Le comics, il est assez épais encore, il est assez volumineux, il y a encore beaucoup de contenu qui n'a pas été montré dans la série. Donc on pourrait s'attendre à The Walking Dead saison 20, saison 21, saison 22. Okay. Voilà, donc on va encore bouffer des années de Walking Dead. C'est bien que tu parles de comics parce que justement, Jim, tu voulais nous faire un petit point comics. J'avais vu la transition. Ouais, voilà. Classe. C'est un métier. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc voilà. Donc je vais vous parler tout d'abord de Black Panther. Donc Julien, tu nous parlais tout à l'heure dans le cadre des Oscars de Ryan Coogler, le réalisateur de Creed. Ouais. Donc c'est lui qui a été sélectionné pour réaliser le blockbuster Black Panther. Où le réal mettra en scène les aventures de Chadwick Boseman en Black Panther, et le film est prévu pour février 2018. Ensuite, je vais vous parler de Wonder Woman. Donc, le film qui est actuellement en tournage nous a dévoilé l'interprète du personnage d'Hippolyte. Il s'agit de Connie Wilson, qu'on a pu voir dans Gladiator notamment. Donc, elle incarnera la reine des Amazones et la mère de Wonder Woman. Elle récupère le rôle qui était à la base pressenti pour Nicole Kidman ou encore Robin White. Le film est prévu pour juin 2017. Et en très bref, concernant le reste de DC Comics, Amber Heard est en négociation pour jouer le personnage féminin d'Aquaman pour le rôle de Mera. Ouais. Très très bon choix. Tu dis ça pour Amber Heard ou pour Aquaman? Pour Amber Heard, attends. Comme tu dis. Greg, chapiteau, pour citer un célèbre film. Alors là, vous me perdez complètement, je comprends rien. Amber Heard, tu vas m'excès? Elle est magnifique. C'est celle qui jouait dans Zombieland. Oui, elle a un tout petit rôle. Si, elle a un tout petit rôle dans Zombieland. Ouais, elle joue la colocataire du héros, en fait. C'est juste parce qu'elle a des gros seins, c'est pour ça. Elle est magnifique. Une bonne raison pour le revoir. Exactement. Ah, les gars, franchement. Il y a eu également un artwork de la Justice League qui est tombé. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je trouve que ça ressemble vraiment énormément à l'illustration du jeu Injustice. C'était le jeu de baston, la Mortal Kombat, ça ressemble vraiment à ça en fait. Et plus intéressant, la nouvelle bande-annonce de Suicide Squad, qui devient pour ma part le film de super-héros que j'attends le plus cette année. Je pense. Ils ont frappé fort là. Cool. Ouais, franchement, autant que Batman vs Superman, ça déçoit un petit peu. Ah, ça déçoit carrément, même avec l'espèce de méchant ridicule là, le géant vert là, je sais pas quoi là. Géant vert. C'est un peu ça. Enfin, voilà, si vous n'avez pas vu la bande-annonce de Suicide Squad, je vous la conseille sous la musique de Queen. Enfin, c'est vraiment sympa. Et ensuite, je vais vous parler de Netflix. Donc, Greg, tu nous parlais la dernière fois de Daredevil. Moi, je vais vous parler de son possible spin-off, The Punisher. Donc, bon, c'était peut-être le secret le moins gardé du petit monde des séries. C'était assez évident que Netflix tâtait le terrain avec le perso pour mieux pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, la rumeur enfle de plus en plus quant à une possible série sur le personnage incarné par l'acteur John Berthold. Et Netflix toujours avec l'annonce de la saison 2 de Jessica Jones. Donc cette saison a été annoncée sur Twitter avec la photo de la carte de visite alias Investigation. Donc l'agence de détective privé de l'héroïne. L'action de la saison 2 devrait se dérouler après la série The Defender. Je rappelle que Defender c'est un peu l'équivalent d'Avengers dans le monde des séries. Elle réunira donc Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et Daniel Rand, Iron Fist. Donc du coup, aussi peut-être aussi le Punisher. Donc pour ma part, cette saison 2 est plutôt une bonne nouvelle, car j'avais vraiment bien aimé le personnage, malgré une fin un peu poussive. Hein. Toi aussi, Greg, je crois que la fin, c'est un peu long. Hein. C'était moins bien que Daredevil, quoi. Ouais, c'était moins réussi, ouais. Ouais, dans l'ensemble, c'était quand même moins bien. C'était surtout sauvé par les personnages qui étaient vraiment sympas. Donc voilà, après j'espère qu'ils arriveront à trouver un méchant de la trempe de David Tennant qui était vraiment très bon dans la saison 1. Ouais, c'est vrai que c'était un personnage hyper intéressant. C'est dommage que la fin soit aussi poussive, quoi. Ils ont un peu gâché le potentiel de la première saison, quoi. Exact. Bon voilà, j'ai fini avec mon petit point comics. Heureusement que tu suis tout ça, moi je suis complètement largué dans la jungle de tout ce qui est comics et autres. Tellement que c'est un métier trop. Ouais, c'est vrai que c'est un truc, c'est tentaculaire hein, les comics. C'est bien pour les femmes. C'est quand tu t'y connais pas, il y a genre 300 personnages de comics qui existent. Ah oui, c'est monstrueux. J'y comprends rien. Le seul truc que j'ai repéré là récemment, c'est Deadpool parce que la bande annonce m'a fait marrer. Mais voilà. Sinon, non, en fait, c'est simple, tu prends, il y a un film qui sort ou une série, et après ils prennent plusieurs séries, ils les mettent ensemble pour faire un film. Ouais, comme des Avengers. Presque un peu ça. Moi j'ai décroché depuis Avengers en fait. Ah, c'est... Donc ça commence à dater. Hein. Ok, bah merci Dim, heureusement que tu suis tout ça pour nous. Enfin, peut-être que vous vous intéressez beaucoup non, à ça. Non, moi j'avoue que je suis pas autant que Dim, hein, ça c'est clair. Bon, bah, c'est bien, au moins on a notre spécialiste en chef. Julien, toi tu voulais revenir encore sur notre acteur préféré de, ouais, de ce podcast. Pour quelque chose d'hyper rapide, hein. On disait tout à l'heure que DiCaprio il sait plus comment faire pour gagner un Oscar après s'être fait violer par un ours dans The Revenant. Hein, ça c'était une des polémiques qu'on avait vu apparaître et apparemment ce n'est pas arrivé. Il ne s'est pas fait violer par un ours. C'était une femme ours, hein, donc on voit que là il représentait bien les femmes, les personnages féminins. N'importe quoi. Et avant d'incarner un personnage aux 24 personnalités, ça on en avait parlé avec ce niveau-là, on dit schizophrène. Quand il c'est un schizophrène de grande ampleur, là, je ne sais pas ce que c'est là. Voilà. Donc là, l'acteur américain se verrait bien dans la peau de Vladimir Poutine. Voilà. Ouais. En fait, il a déclaré que Vladimir Poutine serait un personnage très très très intéressant à jouer. Je serais ravi de le faire. Il a déclaré ça au micro du quotidien allemand Welt. Donc les deux hommes en fait, se sont déjà rencontrés en 2010 pour aborder la question de la protection des tigres de Sibérie. Il a dit, lui et moi, nous n'avons parlé que de ces magnifiques animaux, pas de politique. Voilà. Bon. Pourquoi pas, hein. Qui serait pas forcément d'accord politiquement, encore que, on ne sait pas. Mais voilà, alors je sais pas pourquoi. Vladimir Poutine, il se dit, tiens, t'as pour la tête d'avoir un personnage. Hein, ah oui, c'est un personnage, oui. Bah, peut-être que là, il irait encore chasser des ours. Ou, tu vois, il a une relation avec les ours maintenant. Bah, DiCaprio torse nu sur un cheval, quand même. Ah ouais. Bah ouais. Ouais, bah, disons que ouais, il doit être assez flatté, Poutine, quoi, tu vois. C'est... Oui, c'est vrai qu'il y a pire comme acteur. Ouais, tu te dis plutôt Daniel Craig, quoi. Ah, c'est vrai que Daniel Craig. C'est un peu le Poutine américain. Donc ouais, c'est juste pour dire ça, ça m'a fait marrer de dire. Il peut tout faire, ce Il avait fait, il avait fait Hoover là, Edgar Hoover là, qui était. Qui ouais, Hoover, je l'avais pas vu, mais super intéressant comme film. C'est vrai. Ouais. Ne tentez pas. Bah tiens, Greg Kern de la parole, tu vas parler de Netflix. Je vais vous parler un peu de Netflix parce que. On est sponsorisé ou quoi là ? Ouais, non, mais c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses aussi dans les deux dernières semaines pour Netflix, puisque on a eu notamment des infos sur les audiences réalisées par les séries de Netflix, parce que Netflix ne communique, je ne sais pas si vous le saviez, mais ne communique jamais sur les audiences que font ces séries. On ne sait pas si elles sont beaucoup regardées ou pas. Et là, en fait, d'un moyen détourné, on a eu un peu des infos. Alors comment ? C'est Alan Wurzel, le président de recherche et du développement des médias de NBC Universal, donc un concurrent de Netflix, qui a dévoilé les audiences de plusieurs séries en SVOD proposées par Netflix et Amazon. En gros, qu'est-ce qu'il voulait ? Il voulait montrer à tous ses actionnaires que Netflix et Amazon ne sont pas si dangereux que ça, hein. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Donc on a été mesurer leurs audiences pour vous rassurer. Donc voilà, ils ont fait ça sur un panel de 15 000 Américains. Ils auraient réussi un peu à estimer les audiences. Donc on apprend que Jessica Jones aurait 4,8 millions de téléspectateurs entre 18 et 49 ans, Master of None 33,9 millions et Narco 3,2 millions. Aux États-Unis, ça. Hein. Ça, c'est aux États-Unis. Hein. Du côté d'Amazon, The Man in the High Castle serait regardé par 2,1 million de personnes. Et en gros, voilà, hein, il dit que c'est un peu moins que les séries qu'on peut trouver sur les networks ou sur les chaînes du câble même. Ouais, c'est ça, c'est un peu le truc de Showtime, d'HBO. C'est ça, pas. C'est d'audience juste ça, pour c'est comme point de comparaison, une série qui marche très très bien. Par exemple, Game of Thrones, j'allais dire, moi, par exemple, moyenne 5,3 millions de spectateurs par épisode. D'accord. Sur les 18-49 ans. Big Bang fait 10 millions par épisode, ouais. 10 ou 12 millions, mais c'est un phénomène. Ouais, des fois plus, hein. Ouais, c'est un vrai phénomène, donc. Bon, bah, bien sûr, réaction de Netflix un petit peu attendue, parce que c'est un peu étonnant qu'un concurrent parle de vos audiences. Hein, donc Netflix n'était pas hyper content de la divulgation de ces audiences de ces séries par NBC, et le fait savoir. Hein, donc voilà, Ted Sarandos de Netflix s'est exprimé à ce sujet, et il a taclé un peu le network pour cette démarche, hein, qui va en plus à l'encontre de la philosophie du service de streaming. Ils sont, en gros, ils disent là, on est là pour un service, pas pour faire des gros chiffres. Mais bon, on y croit quand même un petit peu. Il dit, voilà, il y a plusieurs mystères pour moi. L'un est pourquoi NBC a utilisé sa conférence de presse pour parler de nos audiences. Peut-être parce qu'elles sont plus sympas que celles de NBC. Le second est que toute la méthodologie, la mesure, les données elles-mêmes, qui ne reflètent nullement la réalité de ce que nous suivons. Effectivement, c'est pas exactement le public cible de Netflix, ce qui a été suivi du côté de NBC. Ce qui pourrait nuire à la croissance de Netflix, parce que tout ça derrière, c'est la croissance de Netflix qui est en jeu, c'est cette histoire de blocage des VPN, hein, que vous avez peut-être vu passer, puisque c'était largement toléré par Netflix jusqu'à présent. Hein, j'en fais partie effectivement de ces voilà des gens qui utilisent des VPN pour pouvoir aller accéder au catalogue d'autres pays, puisque voilà le catalogue français est ce qu'il est, on va dire qu'il est bien, mais sans plus, ce qui est bien, mais pas top. Et donc en gros, ils ont annoncé qu'ils allaient quand même commencer à bloquer un peu ça, à dire on va agir dans les prochaines semaines pour arrêter que les gens puissent servir du VPN pour aller regarder les catalogues qu'ils veulent. Donc, eux, ils estiment que ça ne va pas nuire à leur croissance en dehors des États-Unis. Ils ont fait des petites déclarations là-dessus. C'est Reed Hastings qui a parlé de ça en disant « Je ne pense pas que nous verrons le moindre impact. Nous avons toujours placé les proxys dans une liste noire. Maintenant, nous aurons une liste noire étendue, améliorée. » Bon, du côté des fournisseurs de VPN, eux, ils estiment que Netflix fait un geste stratégique qui n'est pas très bien réfléchi, on va dire. Et ils sont un peu en colère, hein, puisque clairement, il y a beaucoup de gens qui utilisent des VPN pour aller sur Netflix. Donc, ils sont déjà en train d'essayer de mettre en place pour contourner les contournements que Netflix vient de mettre en place. Donc voilà, on a notamment Torgard qui fait partie de ces éditeurs de VPN, hein, qui a déjà fait un pied de nez à Netflix en précisant que les utilisateurs de VPN qui rencontreront des problèmes d'accès à Netflix sont encouragés à nous contacter pour que nous trouvions une solution. Donc en fait, ils vont trouver des autres solutions. Il suffira de contacter son fournisseur de VPN pour qu'il vous refasse passer par un autre système pour à nouveau accéder à Netflix, voilà, comme ils le veulent. Donc Netflix est en train d'essayer ces nouvelles restrictions en Australie, je sais. Ouais, a priori, ça devrait pas tarder à être partout dans le monde, en fait. Hein. C'est depuis qu'ils ont annoncé en fait que Netflix serait disponible en 190 pays, qu'ils voient plus de raison, en gros, pour que les gens aillent dans un autre pays, mais bon. Et on se disait, nous, en off, hein, Greg, avant le podcast, que c'est peut-être un discours de façade aussi. Oui, je pense que c'est un discours, on est dans la légalité, tout va bien, mais bon, ils vont pas non plus les bloquer, puis ça va être compliqué de bloquer techniquement de façon indéfinie et infinie, surtout, les VPN, quoi. Il y en a énormément des solutions, donc je pense que c'est un peu compliqué. Je continue à parler de Netflix, juste pour signaler qu'on a eu Marseille, hein, la fameuse série télévisée produite par Netflix. On a eu une date et un peu un premier teaser, qui sera donc disponible à partir du 5 mai 2016 sur Netflix. Et donc la première bande-annonce ou teaser, hein, ils dévoilent en gros rien. On voit un drapeau français qui flotte sur Marseille, voilà, super. Bon, c'est plutôt bien fait, on va voir. Hein. Donc, tu vois la qualité de l'image. On voit, voilà, c'est une belle réalisation, une réalisation assez posée. C'est qui réalise, on sait ou pas du tout ? Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas, je crois que... pas l'avoir sous les yeux. Non, je l'ai pas. Ils l'ont peut-être pas dit. Hein, ah, si, c'est Samuel Benchitrit à la réalisation. Ah, quand même. Il peut faire des bons trucs. Ouais, ouais. Donc, et donc, ça se concentre sur la lutte entre deux clans, chercher à prendre le contrôle de la ville. Avec au casting, je rappelle, Gérard Depardieu qui incarnera Robert Tarot, le maire, et qui sera donc en poste depuis un quart de siècle. Et Benoît Magimel, quand même, donc des acteurs assez connus. Donc voilà, au scénario, on retrouve Dan Franck, auteur de la mini-série Carlos d'Olivier Assayas, et Florent Emilio Siri. Bon, ça va, ils sont pas payés des merdes, quoi. Ouais, ouais, donc là, clairement, on a entendu plus. Tout à l'heure, Dim a parlé de Jessica Jones, c'est sa deuxième saison. On a aussi appris qu'il y aurait une nouvelle saison pour Orange is the New Black et pour Unbreakable, Kimmy Schmidt, qui sera renouvelée pour une troisième saison aussi. Donc, et petite info aussi, dernière info sur Netflix, qui est intéressante, qui n'est pas une annonce officielle, mais le service Netflix aurait commandé aux créateurs des Simpsons et de Futurama une nouvelle série animée sur laquelle ils seraient en train de plancher, exclusive à Netflix. Donc ça, moi, ça m'intéresse parce que bon, Simpson et Futurama, c'est quand même assez cool. Donc je serais assez intéressé de voir ce que ça va donner. Bon, super, merci. Dim, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Star Wars. As-tu des rumeurs à ce sujet? Ça fait longtemps. Ouais, après le point comics, voilà, quoi, l'autre habitude, le point Star Wars. Donc, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie concernant la sortie repoussée de l'épisode 8, mais plutôt vous parler de son casting, parce que l'équipe de production cherche activement une nouvelle héroïne ou méchante, on ne sait pas trop, pour donner la réplique à Rey et à Finn. Donc là, il y a deux actrices qui sont en lice. Donc bon, bah, excusez-moi encore pour la prononciation, ça peut-être pas être terrible. Yuyu Mbataro. Pas facile aussi là. Vu dans le chef-d'œuvre Jupiter Ascending. Et la deuxième s'appelle Belle Poilé. C'est une actrice qui porte d'ailleurs bien son nom, qui a été découverte par le film Diary of the Teenage Girl. Film que je ne connais pas, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Non, non. Bon, en tout cas, enfin moi personnellement, j'aimerais bien voilà, que c'est l'actrice qui va être choisie puisse incarner une vraie méchante dans l'univers de Star Wars, un peu comme dans l'univers étendu, le personnage d'Asajj Ventress, une Sith qui était très puissante. Donc à voir. Sinon, je vais revenir aussi sur le spin-off de Han Solo, où on a appris que les réalisateurs Phil Lord et Chris Miller avaient auditionné plus de 2000 acteurs pour le rôle. Là, on a su qu'il y a 8 acteurs qui ont été plus ou moins retenus. Donc, il s'agit de Miles Teller, qu'on a pu voir dans Whiplash et les quatre Fantastiques. Ouais. Ansel Elgort, qui est joué dans Divergente, je ne connais pas. Dave Franco, frère de James Franco. Mmh. Jack Raynor, c'est un acteur qu'on a pu voir dans Transformers 4. Ça m'a pas marqué, évidemment. C'est une bonne référence. Scott Eastwood, qu'on verra prochainement dans Suicide Squad. Donc le fils de Clint Eastwood. Hein, ouais, exactement. Ouais. Logan Lerman, qu'on a pu voir dans Percy Jackson et Fury. Le fils de Clint Eastwood, c'est plutôt son petit-fils, non? Peut-être son petit-fils, je sais pas. Non, c'est le fils. Je crois que c'est le fils, quand même. Ouais. Mmh. Ok, autant pour moi. Emory Cohen, qui a joué dans Brooklyn, qu'on parlait tout à l'heure. Et Blake Jenner, qui a joué dans Everybody Wants Some, que je ne connais pas. Donc après, ceci, tout ça, ce n'est qu'une rumeur, et j'espère vraiment qu'on pourra avoir peut-être aussi un acteur inconnu qui ressemblerait vraiment bien à Harrison Ford, parce que bon, tous ces acteurs-là... Si, le deuxième, là, celui Divergente, lui ressemble physiquement quand même un peu, hein, jeune. Bah, je regarderai, je ne vois pas vraiment la ressemblance, mais... Et bon, là, je vais un peu spoiler, donc voilà, si vous voulez... tu vas spoiler sur quoi, attends? Tu vas spoiler sur quoi? Spoil pas. C'est quoi le spoil? Non, c'est sur quel film? Sur Star Wars. Sur Star Wars, on va dire, à une relation entre Rogue One et Han Solo. Voilà, attends. Ceux qui n'ont pas vu Star Wars, vous passez une minute. Ceux qui ne veulent pas savoir sur Rogue One et Han Solo et le futur de Star Wars, vous allez sauter peut-être une minute, Dim, c'est ça? Voilà, je te laisse une minute et je te coupe dans une minute. Quand tu veux. Donc la grosse rumeur, faudrait que l'acteur choisi fasse une apparition dans Rogue One afin de le présenter un peu à la manière de Spider-Man dans Civil War pour Marvel. Donc voilà, fin du spoil. Oh d'accord, bah, j'ai même pas compris. C'était pas un gros spoil. Ouais, j'ai pas compris ton spoil là, mais ça va, c'était pas... Je croyais qu'il allait nous dire que... voilà, on en parle plus, la minute, mais bon, voilà, la minute est terminée. La surprise. C'est un spoil pour les gens super pointus, quoi. Ok. Et enfin, ma dernière petite news concernant Star Wars, il va y avoir un comics consacré au personnage de Poe Dameron, qui était incarné par Oscar Isaac dans le dernier film. Donc, on en saura plus sur ses origines. En fait, ça va raconter une histoire sur une enquête qui sera menée par lui, où il va chercher des sites historiques en relation avec la Force. Donc ça peut être une bonne intro à Force Awakens, c'est aussi une occasion d'avoir plus d'éléments de réponse. Par exemple aussi peut-être sur le personnage qui est incarné par Max von Sydow, que l'on a pu voir au début du film, qui s'intitulait Lor San Tekka, qu'on n'a pas eu vraiment beaucoup de, d'éléments sur ce personnage. Donc ça celui qui avait les plans pour accéder à Luke, c'est ça? Ouais. Celui-là, on ne sait pas ce qu'il fout là, on ne sait pas comment il a eu ses plans. Bah voilà, justement, ouais. Là, on aura peut-être un élément de réponse. Cool. Ok, super. On va terminer par deux news, Julien. Tu vas terminer par ton clash des phrases, mais avant, tu peux faire un petit, tu vas faire un petit hommage. Oui, parce que j'imagine que vous avez difficilement pu passer à côté du décès le plus médiatisé de ce début d'année, celui forcément de David Bowie. Comme souvent, quand un artiste s'en va, c'est surtout les maisons de disques et les magasins qui se frottent les mains, parce que ça fait vendre du disque. Le dernier album donc, de David Bowie, qui s'appelle Black Star, on en avait parlé ici quelques semaines avant sa sortie, notamment le fait qu'il y avait cette promesse de faire un peu au rock ce que le dernier Kendrick Lamar avait fait pour le rap, c'est-à-dire étendre les frontières. Eh bien, l'ultime album, hein, puisqu'il faudra dire ça maintenant, de David Bowie, a atteint le top des ventes d'albums aux États-Unis avec 181 000 exemplaires en première semaine. Alors ça paraît des chiffres qui sont faibles, mais bon, c'est les chiffres maintenant du marché physique de la musique. Et en fait, il a dépassé le 25 d'Adèle, puisque c'est le 25, parce qu'à chaque fois qu'elle sort un album, elle met le nom d'eux, elle met son âge. Ce qui est pratique, hein, voilà. The Next Day, son précédent album, avait atteint la deuxième place des charts US en 2013. Donc c'est une première, hein, malheureusement posthume, pour Bowie, notamment aux États-Unis. Black Star est également en tête des charts anglais. Bon, ça c'est plus prévisible par rapport au marché de la musique et au fait que Bowie soit anglais. Comme 13 autres albums du chanteur britannique avant lui, dont Heroes et Hunky Dory aussi, qui avaient atteint la première place. Et consécration ultime, des astronomes ont donné son nom à une constellation composée de 7 étoiles et représentant l'éclair que l'on trouve sur la pochette d'Aladdin Sane. Donc un des célèbres albums de David Bowie des années 70-74 peut-être, aller d'une scène. Donc je trouve que c'est un bel hommage finalement, plus que des ventes d'albums, d'avoir une constellation qui porte le nom de David Bowie. Bah oui. Ça lui va bien, je trouve. Voilà, pour... Oui, c'est vrai. Bon, y a un hommage qui m'a fait sourire, j'en parle parce qu'on est sur David Bowie, c'est son magnifique film Labyrinthe, qui va être rebooté et qui va avoir une suite. On ne sait pas si c'est un reboot ou une suite. Il y a des hommages dont on se repasserait. Qui a été annoncé. C'est vraiment un hommage. Ça a été annoncé là dans la nuit et j'ai trouvé que c'était un beau geste. Moi, le pire hommage que je vous recommande, c'est Patrick Bruel qui reprend Life on Mars au Royal Albert Hall. Voilà. C'est sérieux? Ah non, mais je l'ai mis sur Facebook, je crois. Ah, putain, ah mais oui, tu l'as mis, c'est vrai. C'est épouvantable. J'ai vu qu'il y avait aussi l'interprète de Kirk, William Shatner. Shatner, ouais, qui a repris Space Oddity. J'ai pas encore écouté. Faut que je jette une oreille. Ah, par contre, si vous voulez une belle reprise de Life on Mars, il y a Karen Ann qui en a fait une. Et il y a surtout, à mon avis, à une époque, Ian Tiersen et Neil Anon de Divine Comedy, qui a un peu un descendant spirituel de David Bowie, notamment de ce côté très musique de chambre, très orchestré. Et il a fait une superbe reprise de Life on Mars. Il y avait Seu Jurge aussi qui avait fait un album de reprise de David Bowie. Il y avait Chandler dans Friends qui chante à un moment. pour la film La Vie Aquatique, où il y avait beaucoup de David Bowie. Et Black Star est très bien. D'ailleurs, je pense qu'on passera peut-être un extrait de Black Star en fin d'émission. C'est une bonne idée. Dollar's Death, qui me semble pas un album facile. Non, mais c'est pas un album facile. Je trouve que Dollar's Death, c'est peut-être un des plus beaux morceaux du disque. Dollar's Day, d'accord. Dollar's Day, voilà. Ou alors, si vous préférez qu'on passe un vieux morceau de Bowie moins connu. Non, c'est une bonne idée. C'est bien. C'est une bonne idée. Dollar's Day. Très bien. Tu nous le rappelleras en fin de podcast. Alors, enfin, le clash des phrases. Et notre séquence habituelle, le clash des phrases. Allez, un peu d'insultes de. Du gros lourd pour le clash des phrases, on espère. Voilà, je l'ai mis là. Donc, le clash des phrases. J'ai forcément deux phrases. Ah. Donc, la première phrase, elle va faire plaisir à Greg. Ah. Donc, j'ai vu Maître Gims sans lunettes. Je peux enfin mourir en paix. Remets tes lunettes, frère. On dirait René La Taupe. Mais c'est encore Joey Star, ça, c'est pas vrai. Et oui, c'est encore Joey Star. Star. J'adore ce type. T'as sur son compte, sur son compte Instagram. Et c'est vrai qu'on voit une photo. Donc, pour ceux qui connaissent pas Maître Gims, il a tout le temps des lunettes de soleil. Même en plein jour, même genre. Des lunettes fumées, en fait. Donc, voilà, des lunettes fumées. Et là, donc, on le voit sans lunettes. Et c'est vrai qu'il a un côté un peu. Des yeux un peu exorbités, style René La Taupe. Putain, on dirait René La Taupe, quoi. C'est tellement génial, René La Taupe. Voilà, donc elle est très bien, celle-là. Elle est la deuxième est peut-être un peu moins drôle, mais elle est assez intéressante. Alors, elle, cette phrase, c'est « Je préférais occuper mon temps en allant à Calais, créer un club de foot avec des réfugiés et laisser le PSG investir dans l'équipe s'il s'y intéresse tant, plutôt que passer devant la justice pour une histoire de t-shirt. » Ah, c'est bien, ça. Voilà, très bien. Ouais, c'est pas très dur à trouver vu tous les indices. Ouais. Mais voilà, j'ai trouvé intéressant pour juste rappeler en fait, Mia c'est une chanteuse Sri Lanka, enfin américaine. Mais... rapport avec parce que la... alors parce qu'en fait, voilà. Je vais juste en fait, elle a fait un clip, elle a un clip dans une chanson qui s'appelle Borders, qui veut dire frontière. Et en fait, sur ce clip, elle a un maillot du PSG qu'elle a, on va dire, customisé puisque le sponsor du PSG c'est Fly Emirates. Et là, elle a mis Fly Pirates. Voilà, donc ça fait tout un tollé. Le PSG a demandé à ce que le clip soit enlevé, que la chanson soit supprimée. Sinon, il demanderait des dédommagements. Elle a mis sur son Twitter cette lettre en disant que c'était scandaleux de faire ça. Et donc voilà, après, elle est toujours dans son côté très politique où elle dit bah voilà, il ferait mieux d'aller sponsoriser une équipe de foot à Calais. Voilà. Donc elle a aussi justement dit ça. Elle a gardé elle-même, elle a rejoué avec ça, elle a renchéri sur ça en allant encore plus loin dans la provocation. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est très intéressant déjà musicalement. Je vous conseille d'écouter Mia, notamment les deux premiers albums qui sont assez géniaux. Ça lui fait une com gratos hein, en plus là, c'est cool. Oui, oui, oui. Bon, choisis soit la phrase trash rigolote, soit la phrase un peu plus politique. Soit la phrase un peu. Même si je pense, moi, je la choisirais pas parce que je pense que c'est quand même inadmissible de critiquer le PSG. Hein, c'est un avis personnel. Non, moi je trouve que c'est bien. Surtout Mia. Après non, le but d'hier. Moi, je soutiens Mia. Non, elle a eu raison, je soutiens Mia sur le principe, mais alors, je vais quand même choisir la phrase de René Latour. J'ai mis cette phrase de René avec René Latour pour pas qu'on choisisse cette phrase qui dénigrerait le PSG. Dis, tu choisis quoi toi? Ah, bah, vu que je suis un grand fan de René Latour, critique, je vais choisir un deuxième. Ouais, moi je trouve que franchement Joystar il a pas été sympa pour René Latour. Mais à partir du moment où on parle de Maître Gims, on choisit la phrase avec Maître Gims. Oui. Bah, je vais juste la répéter. Donc, allez. J'ai vu Maître Gims sans lunettes, je peux enfin mourir en paix. Remets tes lunettes, frère, on dirait René Latour. Elle est bien tournée en plus, elle est bien envoyée. Joystar vient dans notre podcast, dit des trucs comme ça pendant une heure et demie. Quoi. Bah, franchement, c'est déjà, génial. On va la voir dans. Il va être dans Nouvelle Star, non Joystar. Ah bon ouais, ah putain. Peut-être mettez moi, tiens. Ouais, ça peut être moi. Il va casser tout le monde. J'ai peur que ça soit dilué un peu son. Bon. Non. Bon, bref, c'est bon. Voilà. Donc voilà, c'est encore lui qui gagne cette phrase. Ah, après les célèbres l'unité de mesure de la merde, c'est le maître Gims. Qui était quand même pas mal. Voilà. Ah, très bien. Bon, bah, c'est sur cette touche de bonne humeur qu'on en a fini avec la partie divertissement qui a été un peu longue, hein, mais c'est pas grave. Classique, hein, une heure. Hein. Oui, une bonne heure. Mais c'est bien, c'est intéressant tout ce qu'on a. Il y a moins d'actu dans les autres parties. Ouais. Oui, ce sera plus court. On va passer à la partie art ludique, jeux vidéo. La partie art ludique, on va commencer par un débat que Julien a envie d'initier qui est assez intéressant sur le devenir du hardware des consoles. Oui, je voulais ouvrir en fait un débat sur le cycle des consoles. Voilà. Alors, je m'explique surtout. Pour vous là autour de ce canapé dans cette pièce pour que ça soit assez clair. Depuis que les consoles existent, on parle de génération de consoles, ce qui correspond en gros à un nombre d'années compris, on va dire entre 4 et 8. Hein, c'est-à-dire que la première génération, enfin les premières générations c'était plutôt 4-5 ans, après on est monté sur des générations de 7-8 ans. Donc ça veut dire que tous les 4-8 ans, on change de machine et on passe à une nouvelle génération de consoles plus puissante, enfin généralement. On en est à la génération 8 avec les PS4, One et Wii U. Donc en gros, on achète une machine pour une période de temps qui nous garantit que tous les jeux qui sortiront dans cette période tourneront dessus sans souci. Donc ça, c'est le principe des consoles, hein. C'est pas des hardware qui peuvent évoluer, même si on a vu dans l'histoire du jeu vidéo qu'il y avait quand même des petits malins qui faisaient un peu différemment. Avec le RAM-pack de la Nintendo Switch. Ouais, le RAM-pack, il y a eu le Mega CD, il y a eu la Core Graphics qui a ajouté aussi un lecteur CD, enfin voilà, il y a eu des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est peut-être à l'aube d'une révolution du cycle des machines, justement ce qu'on disait, qui n'a pas toujours été une ligne droite continue. Donc on a plusieurs éléments qui pourraient faire penser à une révolution de ce cycle des consoles. Donc je vais citer un peu pêle-mêle les différents éléments qui peuvent interpeller et on va dire favoriser le débat ou plutôt ouvrir le débat. Alors déjà, on a maintenant des consoles qui ressemblent de plus en plus à des PC, à la fois dans leur architecture et dans leur fonctionnalité. Donc on peut dire que si les consoles continuent à imiter les PC, on pourrait bien avoir différents modèles, des versions plus puissantes, plus évolutives, tout comme on a des cartes graphiques qui évoluent, qui sont de plus en plus puissantes. Et voilà, c'est-à-dire que les gens qui sont sur PC, bah, ils évoluent au fur et à mesure que la technologie évolue, s'ils ont envie. Donc voilà, ils ont des jeux qui sont plus ou moins beaux selon l'évolution hardware. C'est-à-dire que si tu avais une PS4 version 2, on va dire, elle n'empêcherait pas de faire tourner les jeux. Voilà. Enfin, tu pourrais avoir la PS4 version 1, tu pourrais faire tourner les mêmes jeux que sur version 2, mais version 2 serait plus beau. Voilà. Comme le RAM-pack. Comme le RAM-pack, finalement, tu pouvais ne pas l'avoir et il améliorait les trucs. Le RAM-pack, il n'y avait pas, genre Zelda ne marchait qu'avec le RAM-pack. Vers la toute fin de la console, je crois qu'il y a eu certains jeux où le RAM-pack était indispensable, mais je suis même pas sûr qu'il était indispensable. Ce que tu décris, c'est différent de la New 3DS qui, elle, a des jeux exclusifs. Ouais, par exemple, moi, la New 3DS, c'est un exemple que je mets aussi dans cette génération de consoles. Parce que la New 3DS, elle est sortie début 2015, et finalement, on a un peu de mal à la situer. C'est-à-dire, est-ce que c'est une nouvelle console, puisqu'elle a quand même un nouvel hardware et elle a des nouveaux jeux. Alors, très très peu. Il y a le remake de Xenoblade. Mmh. Il y a aussi, je crois que, Binding of Isaac qui tourne que sur New 3DS et pas sur 3DS. Ou alors, est-ce que c'est une déclinaison de la 3DS comme l'était la 2DS, c'est-à-dire qu'il vise une autre cible, peut-être plus gamer avec un deuxième stick, une espèce de 3DS ultime? Oui. Ou alors est-ce que c'est finalement une nouvelle version de la 3DS comme pouvait être la DSi qui était une nouvelle version de la DS qui était finalement un nouveau hardware avec des jeux différents mais finalement il y en avait très très peu donc finalement ça restait une 3DS un peu plus quoi. Ouais. Donc finalement on ne sait pas trop où la situer et c'est vrai que là on voit arriver un nouveau phénomène sur les jeux 3DS, c'est-à-dire des jeux qui tournent mieux sur New 3DS. Par exemple apparemment là les gens qui ont testé la démo de Hyrule Warriors, donc le portage du jeu Wii U sur New 3DS, ils sont aperçus que sur New 3DS il y avait plus d'ennemis qui étaient affichés à l'écran et c'était plus fluide. Donc un peu ce qu'on pourrait retrouver, encore un bruit d'eau. Guim n'a pas dû entendre, mais c'est encore... J'avais coupé le son pourtant sur mon Skype. Il y a Skype qui se manifeste c'est derrière. Bon, des bruits d'eau. Pardon, excusez-moi. C'est pas toi. C'est un de mes contacts qui se connecte. Bref. Et voilà, donc après, plus intéressant quand on parle du cycle des consoles, il y a eu les déclarations de Julien Merceron, puisqu'il a donné une longue interview à Gameblog, qui est assez intéressante. Je vous invite, on ne cite pas souvent Gameblog, hein, il y a parfois quelques interventions de Gameblog qui sont sujet à discussion, on va dire. Mais là, pour le coup, c'était plutôt une interview intéressante. Donc Julien Merceron, j'ai juste resitué qui c'était. C'est maintenant, désormais, l'ancien responsable technique chez Konami, qui s'est occupé du moteur maison, le Fox Engine, qui fait tourner Metal Gear Solid 5 notamment et PES, et qui a rejoint Bandai Namco. Donc c'est quand même quelqu'un qui a techniquement qui s'y connaît quand on va tourner le Fox Engine, c'est un super moteur. Et en fait donc Gameblog lui pose la question sur la durée de vie de sa génération de consoles en cours et il répond: je pense qu'elle va être plus courte, la dernière génération a été anormalement longue et a créé énormément de problèmes. Donc là il fait surtout référence à des problèmes dans l'industrie hein, pour les techniciens. J'espère que les constructeurs ont appris leur leçon lors de la dernière génération et que cette fois-ci ils vont nous faire un cycle de consoles beaucoup plus court pour pouvoir mieux s'adapter aux tendances actuelles. Et il cite notamment les mobiles puisque ça c'est un des modèles qu'on peut citer. Donc en fait il lui demande qu'est-ce que c'est pour lui, il entend par court, il dit: j'espère que dans 2 ans on a une nouvelle génération. Donc là je vois Stan qui fait une tête vu qu'il a juste pas du tout. Moi si on se dirige vers un modèle smartphone je vais décrocher les consoles. Alors, attends, qu'est-ce qui Jensen, enfin, modèle smartphone ou c'est le modèle que dans 2 ans juste finir sa déclaration, il donne beaucoup d'éléments sur ça. Donc en fait il poursuit: aujourd'hui pas tout le monde, mais un grand nombre de personnes renouvellent son smartphone chaque année. S'il ne le fait pas, c'est tous les 2 ans ou tous les 3 ans. Quand il renouvelle son smartphone en moins d'1 heure, ça y est, tout est prêt. Il peut commencer à utiliser de nouvelles fonctionnalités et peut-être de nouvelles applications qui tournaient moins bien que les précédents. Et je pense que la console doit adopter ce modèle-là. La console doit passer à un cycle itératif. Je parle carrément d'une PlayStation 4, 4.1, 4.2, 4.3. Après, les consommateurs vont choisir lorsqu'ils décident de passer à une nouvelle version qui aura plus de fonctionnalités, qui aura plus de capacités, qui pour un même jeu offrira une qualité d'immersion et peut-être des fonctionnalités supérieures. Après, à chacun de faire son choix. Je pense qu'il y a quelque chose à faire parce que si la console commence à avoir un cycle itératif comme ça, elle va pouvoir s'adapter à un marché qui change extrêmement vite, à des habitudes qui changent extrêmement vite et à être beaucoup plus proche des consommateurs. Voilà, ça c'est ce qui déclare un modèle sur... un peu hérité des smartphones, c'est vrai que les gens changent assez régulièrement, des fois certains tous les ans, d'autres tous les 2-3 ans, parce qu'il y a une obsolescence aussi du smartphone. Tu as plus besoin d'un smartphone que d'une console aussi. Ouais, ça c'est vrai que c'est... moi je tempérerai la chose, smartphone on te crée ton besoin. Moi, hier ça m'a fait tilt, c'était très marrant, c'est marrant que tu apportes ça, il y avait une dame dans le tram qui regardait son Facebook sur un Samsung qui lui coûtait 600 €. Quoi. C'est-à-dire que les gens mettent 600 € dans des appareils qui sont super puissants et qui ne leur servent pas forcément au quotidien. Donc là, Julien Mercereau sous-entend qu'on pourrait se diriger vers ça pour les consoles. Moi, ça serait un truc qui me dégoûterait des consoles. Ah, il raisonne aussi peut-être en technicien. C'est-à-dire que pour lui, il voit finalement les contraintes actuelles des hardware des consoles. Qui sont ce qu'elles sont, qui sont données pour une période de 8 ans, et peut-être que la technologie elle est beaucoup, beaucoup plus vite. Surtout que là, on est dans une génération où les consoles ne marquent pas une différence très nette niveau puissance avec la génération précédente. Mais non, je suis d'accord, mais... Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que s'il dit voilà, il y a une PlayStation 4.1, 4.2, 4.3, les gens qui vont acheter la 4.3, donc c'est une nouvelle console qui est 4.3, cette console-là fait tourner certains jeux, et la 4.0, elle les fait tourner aussi, mais moins bien. Ouais. Mais à partir de quand la 4.0 ne fera plus tourner ça sera la 5.0 qui viendra faire une nouvelle console. Ça va être comme sur les jeux PC. Les jeux PC, ils vont dire configuration minimale. Peut-être, ou alors ils vont essayer de faire des jeux qui, à minima, tournent sur toutes les PlayStation 4. Oui, j'imagine. Mais ça va être encore plus compliqué pour les développeurs. Du coup, ça va pas être plus simple, ça va être plus compliqué. Il faudra faire un jeu qui tourne sur la 4.4, mais aussi sur la 4.0. Non, ça va être au niveau des textures, des problèmes d'affichage. Ouais, on va dire que des gens, par exemple, comme Warner, qui sont un peu les rois de l'optimisation, ironie inside, hein, vont peut-être un peu galérer si c'est le cas, puisque on pense au dernier Batman qui tournait très bien sur PlayStation 4, mais qui a eu des grosses difficultés sur PC. Et l'optimisation, c'est pas. Après, peut-être que les studios peuvent faire un effort sur l'optimisation, et ils le feront si c'est, puisque c'est les consoles qui rapportent quand même le plus d'argent au niveau des ventes de jeux. Donc peut-être que là, ils seront amenés à le faire. Et après, je vois mal les gens qui ont acheté une 4.0 se dire tiens, je vais acheter une 4.4. Enfin, une fois que t'as surtout une PlayStation 4 dans la. Vends 400€ à chaque fois, quoi. Enfin... À moins que tu puisses changer juste un élément à l'intérieur comme un PC. Pareil, après, c'est un PC, autant acheter un PC. Les gens ne le feront pas non plus. Je veux dire, déjà, les gens actuellement qui ont un PC, qui vont s'amuser à aller ouvrir leur PC pour changer la carte graphique, Greg, tu les comptes. Voilà, non, mais c'est quand même déjà une démarche assez rare, on va dire. Et je voulais juste citer un dernier point qui me semble aussi intéressant, c'est les casques de réalité virtuelle. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, c'est une technologie qui évolue extrêmement rapidement. Donc là, on peut penser que, par exemple, quand Sony va sortir son PlayStation VR, c'est-à-dire qu'il devrait faire toute la durée de vie de la PlayStation 4. Or, parce qu'ils sont limités par le hardware de la PlayStation 4, ils peuvent sortir le meilleur casque VR avec la meilleure technologie. Si derrière, tu vois, c'est un peu si t'as des si t'as une charrette en or traînée par trois baudets, ça va pas aller très vite. Ouais. Bon, c'est un peu, je caricature un peu la puissance de la PS4, hein, c'est ou de la One, hein, c'est des bonnes machines, mais c'est des machines qui, au niveau hardware, sont quand même pas non plus à la pointe de la technologie. Ouais, ils sont assez loin d'un PC, c'est un bon PC d'il y a deux ans, quoi. C'est pour ça qu'on les paye que entre voilà, c'est pour ça qu'elles sont à 400€ et qu'il y a des compromis au niveau hardware, c'est ce qui est logique. Hein, après, c'est une industrie, tu dois aussi. Faire de l'argent, et on va dire que ça réussit plutôt bien à Sony. Mais de toute façon, je pense que tu as raison en incluant dedans le phénomène réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'on a beau dire tout ça, on ne peut pas anticiper ce que va devenir le marché dans quelques années avec l'arrivée du virtuel qui va complètement, possiblement, chambouler la donne. Et en plus, on ne met pas dans l'assiette, ce qui, à mon avis, est un phénomène important qu'on n'évalue pas encore aujourd'hui, c'est le streaming de jeux vidéo. C'est-à-dire que la puissance de calcul ne sera pas forcément chez nous à terme. Si les, oui, si les réseaux gros serveurs. Pour le coup, ça serait même une très bonne solution, parce que tu n'aurais pas besoin de mettre à jour ta console. Tu aurais juste un boîtier, comme tu as ton boîtier télé pour regarder Netflix, tu auras un boîtier pour jouer à ta. Après, ça, c'est dépendant des infrastructures réseau. Parce que voilà. Mais sur le long terme, voilà. C'est... Sur le long terme, l'hardware peut être relativisé. Après, moi, j'ai du mal à penser que les joueurs consoles qui sont quand même assez conservateurs et voire rétrogrades, soit pour cette idée, et on le voit quand Microsoft avait essayé d'imposer son système de tout online, le tollé que ça a fait et finalement la marche arrière qu'ils ont dû faire, parce qu'on a toujours parlé que c'était un système de contrôle des gens, on a vu ça comme un peu un Big Brother, mais il y avait aussi derrière ça l'idée d'utiliser le cloud pour avoir plus de puissance. On le voit par exemple dans Forza, il y a le cloud, il gère des IA, donc des intelligences artificielles des voitures qui sont faites par rapport à celles de tes amis. Oui, qui sont évolutives. Voilà, qui sont évolutives et qui servent de la puissance du cloud. On va le voir aussi avec Crackdown 3, qui va en fait, c'est un jeu où tu vas pouvoir détruire tous les éléments du décor, et qui va, donc il faudra que tu sois toujours connecté. Et si tu n'es pas connecté, ton jeu il sera moins impressionnant en termes de destruction d'objets, de physique, de destruction d'immeubles. Donc on le voit que déjà Microsoft, ils avaient cette idée d'utiliser une ressource extérieure à la console, donc le cloud, pour améliorer la puissance de la console. Donc après, j'ai l'impression que moi, les joueurs sont très conservateurs, et que pour eux, une génération de console, c'est un temps donné, et après, ils passent à la PlayStation 5 quand elle sortira. Comment il s'appelle? Je suis assez d'accord aussi là-dessus. Enfin, excuse-moi, Greg. Non, vas-y. Et puis aussi, je pense que le grand public, il va être perdu, quoi. S'il y a 15 versions de la PS4, à mon avis, ça va vraiment pas plaire aux gens en général. Oui, je pense que c'est dangereux pour Sony de mettre son doigt là-dedans. Ou alors, il va falloir vraiment qu'ils communiquent, mais super bien, quoi. Rien que qu'on prend l'exemple de Nintendo avec la Wii U, qui pensait que c'était une Wii U. C'était comme Wii Fit, quoi. C'était que c'était un accessoire. Enfin, je pense qu'il va falloir vraiment qu'ils communiquent bien là-dessus. Ou alors, qu'ils prennent aussi peut-être l'exemple, comme tu disais, Julien, pas forcément une nouvelle machine, mais une extension que tu peux mettre sur ta PS4. Un peu comme le RAM pack qu'on citait aussi tout à l'heure à son époque, quoi. Mais après, si aussi on a des jeux qui sont juste compatibles PS4.3 mais pas .2 et tout, les gens, ça va être compliqué. Ils vont vraiment être paumés. Hein. Bah déjà, tu parlais Nintendo, mais ils ont eu le cas avec la New 3DS, c'est-à-dire qu'ils ont sorti deux jeux, notamment Xenoblade. Bon, après, c'est un jeu qui est quand même très ciblé, un public très gamer, joueur de JRPG. Mais c'était déjà, ils ont dû changer la boîte, c'est-à-dire que c'est des boîtes noires pour que tu les différencies. Il y a un logo on New 3DS, tu vois, t'es obligé de. Ouais, ça me paraît. Parce que voilà, après, quand tu vends quelque chose, il y a des sociétés, enfin, il y a des associations de consommateurs, tu peux pas faire n'importe quoi non plus. Et heureusement, puisque si les gens l'achètent, ça tourne pas dessus, ça marche pas, c'est un problème. C'est dans le rayon 3DS, donc il n'y a pas un rayon New 3DS. Mais on est tous assez âgés. Moi, je me souviens de. C'était la Core Graphics. Donc c'était NEC qui faisait ça, la PC Engine. Oui. Et tu pouvais, en fait, ce qu'ils avaient fait, c'était une 8-16 bits. Et tu avais pu rajouter après un CD-ROM. Après, ils avaient fait une carte pour faire tourner des jeux, l'arcade, ce qu'on appelle l'arcade card. Donc c'était une carte plus puissante que tu mettais dans ton dans le port de. Donc c'était des cartes. Et en même temps, tu avais ton CD. Donc elle servait simplement une sorte d'expansion pack. Donc le côté console à différents étages avec des hardware, avec des choses qui venaient s'ajouter pour augmenter la puissance, on l'a déjà vu. On parlait toujours du Mega CD, on parlait du RAM pack. Enfin, il y a eu plein d'exemples. Enfin, on a vu ça dans les années 90. Ouais. Maintenant, tu as Apple qui est arrivé, qui a dit un produit, c'est comme ça. C'est tout simple, c'est tout, et on va pas s'emmerder. Fuck l'écologie. Non, mais voilà, mais on va pas s'emmerder à remplacer des composants, etc. Ce que vous voyez, c'est ce que vous avez, en gros. C'est ça, Apple. C'est what you see is what you get. Et ça, c'est ancré maintenant chez tout le monde. Maintenant, les gens, tu veux leur vendre un truc où il y a un truc à clipser, un truc à machin, un truc à rajouter, ils vont te dire non, moi j'achète Apple, allez vous faire foutre. Non, et puis surtout, disait Stan, c'est-à-dire que le portable, ça reste maintenant c'est un accessoire, malheureusement, indispensable de ta vie de tous les jours. La console, c'est pas voilà, tu la mets sous un meuble, tu fais toute ta télé, et puis voilà, t'achètes tes jeux, mais c'est pas un objet de désir, j'ai envie de dire. Tu vas pas aller en magasin tous les ans, il faut que j'aille changer ma console parce qu'elle fait mal tourner mon jeu. Je t'en contente, quoi. Moi, personnellement, ça me ferait chier qu'ils te vendent des petites choses à rajouter ou à clipser sur ta PS4 pour la rendre plus puissante, mais je pourrais accepter. Plus facilement ça que de devoir racheter une nouvelle PS4 .1, .2 tous les deux ans à 400€, etc. Et tu te dis t'es exclu ou t'as des jeux moins beaux du coup, donc tu profites pas vraiment de l'expérience. Je pense que ça plairait à personne. Je vois même toi, t'es plutôt un gamer, on va dire. Faudrait vraiment être un hardcore gamer pour pouvoir. Moi, je fais partie des gamers qui peuvent se dire je m'en fous que l'expérience soit plus belle ailleurs ou autre chose, du moment que le jeu marche très bien. Tu vois, je joue à des jeux comme Far Cry qui est sur PC beaucoup plus beau. Bon, je m'en fous. Enfin, il tourne très bien sur PS4 et ça me va, il est très beau sur PS4. Ouais, moi, ça m'emmerde. Déjà, j'étais pas loin de passer au PC. Je me dis, c'est quand même mieux. T'as quand même parce que, en fait, quand t'as des jeux qui sont pas très beaux, ça me dérange pas, mais si je sais qu'il y a une version de ce même jeu qui est beaucoup plus belle et que je pourrais l'avoir, ça m'emmerde. Un jeu pas beau, je m'en fous, puisque dans l'état, il est pas plus beau ailleurs. Si artistiquement, on en a déjà parlé des délits de sale gueule dans le jeu vidéo. Mais voilà, là, je sais pas, sur une console, moi, je serais tenté à chaque fois de racheter la dernière version. Alors peut-être qu'au bout d'un moment, j'en aurais marre, mais. C'est un peu chiant, c'est vachement contraignant, quoi. C'est que si tous les ans, tu dois changer ta PlayStation, c'est quand même un sacré budget, mine de rien, quoi. Enfin, après, t'es censé un peu l'amortir. Après, si Sony met le doigt là-dedans, on sait tous quel est l'inconvénient du PC. C'est pour ça qu'on joue sur console, c'est que t'as forcément un driver qui plante, t'as une carte mémoire qui est pas assez au niveau, etc. T'as le phénomène Batman dont tu parlais tout à l'heure sur PC. Si Sony se met à faire des itérations de ses PS4, il va y avoir les mêmes problèmes. Mais tu vois, moi, le problème aujourd'hui, c'est que l'industrie, elle va être vraiment scindée. C'est-à-dire que Sony va complètement dominer cette génération. Or, Microsoft et Nintendo, ils vont pas pouvoir être sans réagir. Et c'est possible que, donc là, on sait que Nintendo, ils vont annoncer une nouvelle console. On sait pas trop sa puissance. Mais c'est pas impossible aussi que Microsoft annonce quelque chose d'ici deux ans, tu vois. Peut-être que s'ils voient qu'ils sont trop derrière, ils vont dire, ils vont essayer de casser cette génération 8 de consoles pour proposer quelque chose de plus puissant. Et faudra, comme ils ont quand même le soutien des tiers, c'est comme ils ont fait avec la 360 à l'époque. Oui, c'est ça. Ils avaient cassé un peu le rythme. Après la Xbox première du nom, ils avaient tout de suite. Et donc là, il y a eu vraiment un choc parce que c'était quand même un choc visuel à l'époque. Et Sony, eux, étaient un peu sur le succès de la PS2 et ils laissaient un peu filer. Un peu concon à l'époque. Et donc là, s'ils arrivent avec des nouvelles versions et quelque chose de plus puissant, est-ce que Sony sera pas obligé de réagir s'il veut pas être là sur la partie technologique qui est quand même bon? Après, la PlayStation 4 se vend tellement bien que je suis pas sûr que ça leur ferait un coup énorme, mais ça peut quand même être quelque chose qui fasse bouger l'industrie. Bon, il y a la donnée encore, moi je reviens là-dessus, mais casque réalité virtuelle qui peut changer la donne. Si la mayonnaise prend avec ça, ça va changer la donne. Je ne sais pas si ça va prendre vraiment. Et moi, j'ai hâte de voir ce que sera la NX parce que ça m'étonnerait pas que ça soit aussi quelque chose des consoles qu'on clipse sur un dock central avec peut-être des portables, des choses comme ça. On a eu des nouveaux éléments. Est-ce qu'on en a fini pour ce débat? Oui, je pense que on est d'accord sur ce qu'on pense. On n'est pas convaincu quand même. On est d'accord on est correct quand même. On est assez conservateur. On s'est autorisé à penser qu'on avait raison. Voilà. Dites-nous ce que vous en pensez. Peut-être qu'on a oublié des points importants à évoquer. Peut-être que vous seriez peut-être plus chaud que nous, on va dire. Pour ces 4.1, déjà, je sais même pas si vous, auditeurs, vous êtes joueur de PC ou console. On sait pas trop. C'est vrai que nous, on est plutôt consoleux. Quand t'es PC, tu te poses pas cette question, quoi. Tu t'achètes ton jeu, il se met automatiquement dans ta configuration maximale requise. Et puis, tu te poses pas. Enfin, il y a un côté, à part les toutes dernières sorties où tu regardes vraiment si ta carte graphique peut le faire tourner. Mais en gros, si t'achètes un jeu sur Steam, tu te poses jamais la question, quoi. Il va se mettre automatiquement dans la bonne config. Et puis, tu te fais pas chier, quoi. Et puis, moi, personnellement, ça serait limite. Peut-être pas la mort des consoles, mais je me dis, moi j'ai choisi d'avoir une console, c'est pour la facilité, mais si ça adopte le même mode de fonctionnement qu'un PC, je passerai au PC. Quoi, et pareil, c'est dangereux. Et les exclus me retiendront plus en console, tant pis, je jouerai pas une Uncharted. Enfin, c'est ce que je me dirais, moi. Et puis d'autant qu'on voit de plus en plus de jeux qui étaient typiquement console arriver sur PC. Bah oui, c'est, ça se mélange. Notamment les jeux japonais qui arrivent de plus en plus sur, sur Steam. Et comme tu l'évoquais, Julien, vous allez en parler avec Grégoire. Il y a eu des dernières révélations sur, les, sur Nintendo, enfin des rumeurs, révélations. Oui, alors on a la partie officielle et la partie NeoGaf, rumeurs. Moi j'aime bien la partie rumeurs. Ouais. Alors Grégoire, pas, tu veux commencer par quoi, bah, les rumeurs, écoute, ou on peut commencer par les rumeurs. On parlera des. Donc c'est des rumeurs qu'on, que nous ne commenterons pas, mais qu'on va quand même commenter un peu. Ah, parce que, parce on aime que bien... ça ne nous regarde pas. Parce que nous on aime bien les rumeurs. Bah oui, c'est drôle. La NX, les dernières rumeurs sur la NX. Alors, des informations qui viennent de surgir sur les internets, elles proviennent d'une enquête de satisfaction lancée par GFK qui passe en revue les principales fonctionnalités de l'appareil. Donc ce qu'on apprend, Dre, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, les jeux de la Nintendo NX devraient tourner en 900p, 60 images par seconde, donc pas de Full HD a priori pour la Nintendo NX, si on en croit encore cette enquête de satisfaction. Moi, ce que je, voilà, je trouverais ça un peu décevant. Mais non, mais apprend... c'est surtout que tu peux, là, cette rumeur, tu peux la démonter facilement. La Wii U fait du 1080p. Après, c'est simplement un choix de développeur de dire on fait du 1080p 30fps parce qu'on veut privilégier l'aspect visuel, mm-hmm. ou on fait du 720p ou 900p 60fps parce que ce qui nous importe, c'est la fluidité. Ça dépend du type de jeu, ça dépend de l'éditeur. Ce que les gens attendent, c'est 1080p 60 images par seconde. Tu vois, c'est ça que les gens mais ils veulent le lire en fait. Mais la NX pourra le faire comme la Wii U peut le faire. Je veux dire, Smash Bros, il est en 1080p 60 images par seconde parce que c'est un jeu qui nécessite moins de puissance de calcul que si tu fais un Assassin's Creed. Ça dépend, ça dépend du jeu que tu. Et puis cette guerre au nombre de pixels, Merceron le disait très bien. Il disait que c'est pas ça qui compte, c'est le nombre de. Non, c'est le FPS qui compte. C'est le 60 FPS qui fait qu'un jeu est fluide et agréable. Ouais, mais on a eu quand même une contre-com sur ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a plein de studios qui disent ah non, mais le 60 FPS, c'est pas cinéma. Ce qui est cinéma, c'est plutôt le 30 FPS. Parce que oui. 60 FPS et tout, voilà. Pas à l'atteindre. Alors que ça, c'est oui, mais c'est bizarre ce qu'il disait ça pour Assassin's Creed. Ouais, mais même par exemple, je sais que pour même Naughty Dog, ils ont dit oui, non, mais voilà l'expérience. On va proposer les deux expériences pour Last of Us Uncharted Remastered. 4 et 30 FPS. Ouais, mais Last of Us Remastered, et tu peux choisir 60 ou 30. D'accord. Donc tu peux essayer, tu peux faire une comparaison. Il Après, était en 30 sur PS3. Il y a aussi le. Bon, on va pas faire un débat sur les FPS, mais un jeu de combat, c'est peut-être mieux en 60 que. Un jeu de voiture. FPS. Voilà, après, moi je pense que tous les jeux sont mis en 60 FPS, mais ça c'est. Voilà, c'est bref. En tout cas, la console serait en mesure de streamer des vidéos en 4K et 60 FPS pour le coup, donc ce qui est plutôt une bonne surprise. Toujours sur les rumeurs, voilà, ça confirme un peu les rumeurs, on ne sait toujours pas exactement ce que c'est que cette console, comme tu l'as dit, est-ce que c'est portable, est-ce que c'est fixe. Voilà, ça évoque à la fois donc, un positionnement sur le secteur des consoles de salon et des consoles portables, et une possibilité de passer de l'un à l'autre en quelques instants, sans qu'on sache comment. Hein, dans l'enquête, ce n'est pas précisé. Donc voilà, les milieux autorisés disent que bah, ça c'est une sorte de Wii U avec un gamepad plus autonome et plus indépendant. Mais bon, ça, on aura la réponse à l'annonce a priori au moment de l'E3 ou un peu avant peut-être. Ouais. On verra. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a appris qu'elle serait aussi dans le multimédia. Logiquement, on peut surfer sur Internet, passer des appels à partir de sa Nintendo NX, toujours selon cette enquête. Voilà, donc la Nintendo NX pourrait être l'occasion aussi d'inaugurer, ça on le savait, le nouveau service en ligne avec une version gratuite et un abonnement payant qui donnerait des fonctionnalités supplémentaires. Est évoqué par l'enquête un catalogue de près de 150 titres mis à jour régulièrement. Donc voilà, on paye son petit abonnement et on peut aller jouer à ses autres jeux Nintendo, peut-être ses anciens jeux, rétro-compatibilité, etc. Donc ça peut être intéressant, un peu comme fait PlayStation là, avec son système. PS Now. Ouais, PS Now. Enfin, quand il arrivera, je ne sais pas trop où il en est. Voilà, donc ça c'est pour les rumeurs qui viennent un peu de l'enquête GFK. Il y a une autre rumeur, encore peut-être plus étonnante, hein, qui vient cette fois-ci de Takashi Michizuki, consultant pour le Wall Street Journal, qui indique que la Nintendo NX pourrait s'appairer avec un tas de dispositifs externes comme des smartphones, des tablettes, des PC, mais aussi avec des consoles concurrentes comme la PS4. Donc voilà, pourquoi pas. Bon, c'est vrai qu'ils ont promis des idées originales pour la NX, mais là, se dire que tiens, ma console Nintendo va aller s'appairer avec ma PS4, moi ça m'a vraiment, je me suis dit, rumeur qu'on n'y croit pas trop. Voilà, moi je me suis dit ce que je me suis dit. Donc on est vraiment dans les rumeurs, what the fuck. En fait, cette rumeur-là, ça viendrait juste dire que. La NX serait une sorte de hub, en fait, tu te connecterais à ton compte et du coup, tu peux te connecter n'importe où sur un PC ou autre à ton compte. Et du coup, ce dont on avait paré, c'est une sorte d'écosystème global. Va arriver en mars, là. Les applications sociales. Mais du coup, ça serait comme jouer à un jeu sur un navigateur web, c'est-à-dire tu pourrais le faire n'importe où sur ton compte. En tout cas, on est vraiment. Moi, ce que je trouve marrant, c'est que là, finalement, l'annonce va être faite dans les 6 prochains mois, en gros, hein, de la NX. Et là, on est encore maintenant, bientôt en février, dans les rumeurs complètement what the fuck autour de la console. On sait toujours pas qu'on pensait, ça prouve que Nintendo a bien gardé son secret encore une fois. Ils sont très forts parce que déjà la Wii, personne ne l'avait vu venir. Et là, Après, il faut toujours se méfier des rumeurs de haute technologie quand ça concerne Nintendo, c'est pas tellement leur ADN. Clairement. Non, mais c'est vrai, c'est pas une critique. Hein. C'est comme ça. Depuis quelques années, c'était plus leur ADN. C'est plus leur ADN, même moi, pour moi, ça l'a jamais été, mais ça, c'est un autre débat. Mais voilà, ils sont toujours à utiliser une technologie qui a fait ses preuves à la détourner et qui coûte le moins cher possible à fabriquer. Mmh. C'est toujours ce qui est important aussi chez Nintendo. On l'a vu avec la Wii, c'est finalement une GameCube recarrossée avec un accéléromètre. Oui. Et voilà. C'est pas faux. Non, mais c'est ça, mais c'est après, c'est un coup de génie. Si tu prends l'exemple d'accord. de la Game Boy à l'époque, la Wii, oui, mais après, si tu prends l'époque de la Super Nintendo, l'exemple de la Super Nintendo ou de la Nintendo 64 qui ont mis un temps fou à arriver parce qu'ils voulaient être les plus puissants. Ouais, mais elle n'était pas forcément puissante. La Super Nintendo, c'était le chip, enfin, le processeur était quand même pas super. C'était pas non, par rapport à la Mega Drive. D'ailleurs, tout le monde raillait la Super Nintendo pour ça à l'époque. Oui, mais en fait, finalement, il y a des jeux qui tournaient plus facilement sur Super Nintendo que Mega Drive. Parce ça, que, ouais. Voilà. Après, à part la GameCube qui était vraiment technologiquement une super machine, les autres. Bah, là, Nintendo semble vouloir dire qu'ils veulent se remettre dans la course de la technologie. J'y crois pas. Ils l'ont pas dit officiellement. Hein. Ils ont jamais dit ça. Ils ont jamais non, déclaré se mettre ça. À jour. C'est les gens qui ont dit via des rumeurs. Ouais, ah, tiens, ils travaillent avec tel fournisseur, avec Radeon, machin. Ils travaillent avec Sharp. Ils travaillent avec. Il y avait une rumeur comme quoi elle ferait tourner des jeux que la PS4 et la One pourraient pas faire tourner. Oui, Satan, tu l'avais évoqué une fois. Ah, tout ça, voilà. Comme tu l'as dit, il y a les news officielles que tu vas aborder juste après. Mais là, on est dans les news officieuses. Oui. Perso, là, moi, dans ce que je vous ai dit, je trouve ça marrant d'en parler. Pour l'instant, j'en crois aucune. J'attends de voir ce qui va vraiment être annoncé. Parce que Nintendo est très bien capable de nous décevoir autant que de nous prendre positivement. Alors qu'on sait que ça va être une montre en forme de donut. Alors que voilà, ça va être un donut, on le sait. Arrêtez. Donut, qui coûtera ce que tu manges comme calories. C'est tout. Et c'est ça voilà. Nintendo Health, bordel. Voilà. Donc ah oui, on était sur les rumeurs, donc on a des trucs plus officiels. Oui, bah, enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'annonce. Hein. Je parle de Kimishima, puisque voilà, on sait que 2016, de l'aveu même de Kimishima, ça sera une année charnière pour Nintendo. Celle du changement, comme l'avait annoncé Reggie Fils-Aimé lors du dernier E3. Et donc là, en fait, Tatsumi Kimishima elle a profité en fait, de ce début d'année pour dévoiler les plans de Nintendo via une tribune publiée sur le site du quotidien japonais Mainichi Shimbun. Je ne sais pas si je prononce bien. Tu le prononces très très bien. Voilà, je ne sais pas. Nos amis japonais me corrigeront. Alors, en fait, ce qu'a déclaré Kimishima, c'est que l'idée, c'est de faire de Nintendo une entreprise de divertissement global et non plus uniquement centrée sur la production de jeux vidéo. Donc, devenir en fait transmédia, hein, ce qui est un peu la grande mode des grosses sociétés comme ça, même Ubisoft, Activision, c'est-à-dire qu'on a à la fois des séries animées, enfin finalement qu'on a un personnage, une licence et qui vont l'exploiter dans plein de domaines. On voit ça avec Yokai Watch au Japon pour Level 5. C'est un peu la tendance. Et bien sûr, l'idée, c'est d'engranger beaucoup d'argent puisque Kimishima prévoit dans quelques années des profits qui dépasseraient les 100 milliards de yens, soit près de 800 millions d'euros, donc ce qui est assez colossal. Alors, je sais pas, il sait ce qui se prépare, donc peut-être qu'il est confiant sur ce pouvoir de Nintendo. Donc, on a appris que la NX serait bien présentée en 2016, qu'elle proposerait une idée complètement inédite en rupture avec la 3DS et la Wii U. Voilà pour le biscuit qu'il donne sur la NX. Donc, rien, d'accord. Hein, Mitomo, l'application sociale pour mobile, est toujours prévue pour mars de cette année, et d'autres jeux smartphones arriveront en 2016, basés sur les personnages emblématiques de Nintendo. Ils ont dû voir les chiffres de la bourse quand ils ont annoncé Mitomo. Ils se sont dit, le prochain. Mario, mettez-moi du Mario. Les gars, le Mario là. Il est où là? Avancez-le là. Mitomo, ils s'en foutent, hein, mais bon. Donc Mitomo, on verra quand même parce que ça peut être aussi une des pierres angulaires du. Je pense qu'on va faire un long débrief sur Mitomo en mars quand il va arriver dans le podcast. Donc ça, c'est pour le secteur jeux vidéo, mais Kimishima a aussi parlé des parcs à thème via les partenariats qu'ils ont avec Universal, mais aussi, et là, c'est un peu le retour de la rumeur de la série Zelda qui serait produite par Netflix, puisque en fait des films ou des dessins animés autour des licences fortes de Nintendo en collaboration avec des partenariats externes. Donc là, pour le coup, ce que annonce Kimishima, pour lui, c'est un moyen d'accroître la population de gens en contact avec les personnages et l'univers des jeux Nintendo. Donc ce que je disais, transmédia, c'est l'idée, c'est plus d'aller que sur du jeu vidéo pour faire connaître, mais je sais pas, d'avoir un film, je dis n'importe quoi, fait par Pixar sur Mario ou une société d'animation quelconque et voilà. Et des parcs à thème pour étendre l'image. Et des accessoires santé. Ils veulent faire leur Disney, quoi. Ça, ils en parlent plus trop. Entre Disney santé. Et Apple, quoi. J'ai l'impression qu'ils veulent se replacer là. Après, il y a du potentiel. Hein. Mario est plus connu que Mickey, par exemple, là, dans le monde. Donc, pourquoi pas, quoi. C'est vrai qu'ils ont les pieds sur une mine d'or, quoi. Elle paraît un peu inexploitée en ce moment. Ils ont des personnages hyper connus, etc. Ils peuvent en faire effectivement plein de trucs, les parcs à thème. Pourquoi pas. Ouais, et la dernière rumeur, c'était l'arrivée d'un Paper Mario sur Wii U. Ah oui, ça, j'aime bien cette rumeur. Voilà. Et ce qui te tendrait à dire que la prochaine console serait une hybride, c'est-à-dire qu'on n'annonce plus rien de nouveau sur Wii U. Parce qu'un Paper Mario, ils vont juste réutiliser les assets des versions 3DS. Là, ils avaient fait Paper Mario. C'est-à-dire que tout ce qu'on ferait sur Wii U en ce moment serait en fait sur NX aussi? Oui. Pas sur NX, mais c'est-à-dire que là, on ferait que des jeux qui réutilisent des éléments qu'ils ont déjà et pas des nouveaux développements. C'est-à-dire qu'ils avaient fait Mario Tennis, c'est juste une version de 3DS. Ils ont fait Amiibo Festival pour Assassin's Creed. Donc on voit qu'il n'y a plus de nouveaux jeux qui sont. Converger un peu les deux portables et. Ouais. Ils utilisent les mêmes éléments parce que pour sortir des jeux, parce qu'il faut quand même l'alimenter jusqu'on va dire au milieu de l'année où là ils annonceront ce qu'elle a. Je crois que Greg a dit. Non, mais je dis juste, ils pensent aux trois clampins qui attendent des news sur la Wii U comme nous. En fait, on doit être les trois seuls en France qui vraiment sont intéressés par ça. Dis-moi pas de Wii U. Peut-être dans nos auditeurs, il y en a un ou deux, mais bon, voilà, je sais pas si ça. Le meilleur biscuit qu'ils pourraient lancer, c'est de mettre un trailer de Zelda Wii U. Tu crois encore à Zelda Wii U ? Bah oui, mais oui, je pense qu'il sortira sur Wii U. Après, j'y jouerai sur NX. Pas que sur Wii U, quoi. Voilà, moi j'y jouerai sur NX. Non, je pense qu'ils le sortiront pas tout. Ou alors ils vont pas le sortir tout de suite sur NX. Ouais, c'est rétrocompatible. On avait parlé du truc du. Il y avait eu un report, non, de Star Fox aussi. Je sais pas si on en a parlé. Ouais, alors, de quelques mois où on a déjà parlé dans le podcast. Alors il y a eu un premier report parce que le jeu est prévu pour avril et il y avait des rumeurs d'un report en juillet. Mm. Mais ça n'a pas été confirmé par Nintendo, donc pour l'instant c'est juste Michel au gestion du Carrefour de je sais pas où qui dit ah bah tiens, c'est prévu pour le 15 juillet, tiens, on a reçu un. Et qui met ça. Voilà, donc mais c'est on aime ces rumeurs, on aime ces petites rumeurs. Donc, moi, tant que c'est pas officiel. D'accord, on en a fini avec les rumeurs, les news Nintendo. Ouais. On a tout dit. Ouais. Bon. Julien, tu voulais évoquer quelque chose qui n'a rien à voir, un départ important chez Rockstar. Ouais. Je te prends pas de cours. Non, ça va. Donc peut-être que son nom vous dit rien, mais Leslie Benzi, c'est un producteur qui pèse dans l'industrie vidéoludique, puisqu'en fait, il est le producteur d'une petite franchise sans prétention, c'est GTA. Et en fait, il est depuis l'épisode fondateur, donc GTA 3, qui était un peu la révolution du GTA, parce que c'était arrivé de la 3D dans GTA, et c'est là où le phénomène vraiment a explosé. Et voilà, il est producteur, ou plutôt il l'était, puisqu'on a appris qu'il a 44 ans, et après un congé sabbatique de 17 mois, sympa, il quittait ses fonctions au sein de Rockstar. Donc en fait, il a fini GTA 5 en tant que producteur, et après il a pris un congé sabbatique de 17 mois, et après il s'est dit, c'est quand même cool, je vais parvenir, vu le fric que m'a rapporté. Ouais, il a quand même pondu un énorme jeu. Voilà. Le plus gros jeu de la dernière peut-être décennie, je ne sais pas. Bon, il avait des grosses fonctions parce qu'il était à la fois producteur des GTA jusqu'au l'épisode 5, mais également président du studio Rockstar North, qui est anciennement DMA Design, donc qui développait les premiers GTA. Et au même titre que les frères Hauser, donc fondateurs de Rockstar, et beaucoup plus connus quand on évoque GTA, hein, Sam et Dev, c'est quand même deux figures super importantes du business du jeu vidéo. Là, pour le coup, lui, c'est vraiment une figure emblématique qui s'en va. Donc, il avait déjà été récompensé en 2005 du prix spécial de la BAFTA pour sa contribution à l'industrie du jeu vidéo en même temps que Sam Hauser. Et en 2014, il est accueilli dans le Hall of Fame, hein, aux côtés de Dan et Sam Hauser, les fondateurs de Rockstar. Donc voilà, c'est quand même un poids lourd pour la série GTA qui s'en va. Donc après quand même pas mal d'années passées et un petit congé sabbatique. On ne sait pas où il va. Il bossera pas sur GTA 6. Non, on ne sait pas. Voilà, il bossera pas sur GTA 6. Ni sur Red Dead Redemption 2. Merci. Qui, selon les rumeurs, devrait être sorti depuis quelques mois déjà. Donc on voit que les rumeurs sont toujours très très bien. On fait bien de les relayer. Et enfin, on va terminer par des chiffres de vente. Ouais, parce qu'on fait le bilan calmement, comme disait la chanson. Noël, c'est la période où l'industrie du jeu vidéo fait ses choux gras, hein, la grande majorité de ses ventes, forcément. Et ben. C'était quoi ce bruit? Une bruit de fermeture éclair après la chasse d'eau. On a le ZipSM. C'est toi qui as fait un bruit là, Nive? Ah, vous avez entendu la fermeture éclair? Bon, on comprend sur le montage. Hein. Petite pause détente pour Dim. Qui ferme sa braguette. Après le bruit de. On peut pas savoir. Montre-nous-le à la caméra qu'on soit sûr, quand même, nous ici, qu'on puisse dire aux gens. Bon, ok, d'accord. C'était son sac. C'est vraiment un sac. Donc, tout ça pour dire que voilà, on a désormais les chiffres américains pour le mois de décembre 2015 via le cabinet NPD Group. Donc, au global. Stan n'en peut plus. C'est dur. Donc, est-ce que ça t'intéresse, les chiffres de l'industrie? Oui, beaucoup en plus. Vas-y. Puisque cette industrie a généré un chiffre d'affaires de 3,22 milliards de dollars, un résultat qui est pratiquement identique à l'année dernière. Donc, les ventes de consoles sont en baisse de 6%. Alors en fait, c'est dû aux machines d'ancienne génération, un PS3 et 360, qui forcément se vendent de moins en moins, donc ça fait pencher la balance dans le négatif. Il y a encore des gens qu'on achète, mais de moins en moins. Donc, tu veux une PS3, on va dire que c'est la balance entre les ventes des nouvelles machines et la baisse des jeux auxquels tu peux jouer si tu achètes une PS3. Bah ouais, mais bon, ouais, bah tous ceux pas de la PS4 déjà. Enfin, mais, c'est un peu dommage. Elle a quand même tenu 7 ans, t'as 7 ans de vidéo. Ouais, t'as quoi faire. Ouais, c'est vrai. Donc de leur côté, la PS4 et la One ont réalisé le meilleur mois de leur existence au niveau des ventes de jeux, et la Wii U obtient le deuxième meilleur mois de son existence au niveau des ventes de jeux, donc notamment par Splatoon. Ah, donc on n'est pas que trois à s'y intéresser, en fait. Non, mais elle a très bien marché au Japon, c'est-à-dire que Noël, Noël, c'est vraiment la période où Nintendo cartonne au Japon, et ils ont fait vraiment des très bonnes ventes jusqu'à 100 000. C'est la console la mieux vendue, non, au Japon? Au Japon, des consoles de salon. Ouais, c'est ça, oui. Oui, en attendant que la PS4 remonte, mais... Ouais, la PS4 est sortie, ils font à peu près la même trajectoire au Japon. C'est-à-dire que la PS4 est sortie un an d'avant, je crois qu'elle a 700 ou 800 000 de retard, un truc comme ça. Mm. Bon, après, il faudra voir cette année ce qui va sortir. Mais par contre, le marché des consoles portables baisse de 32%. Donc, si on détaille le marché des ventes de consoles pour décembre, on a PS4 1,58 million, vente aux États-Unis hein, pour le mois de décembre. La One 1,37 million. Donc ouais, la One est dernière, et, derrière, pardon, et la Wii U 463 000. Donc, ouh, là, c'est... Yeah, ça fait mal. Donc voilà, pour le coup, Nintendo c'est assez mitigé. Ils ont quand même 2 millions de sellers américains cette année, Splatoon et Super Mario Maker. Xenoblade Chronicle X c'est finalement pas si mal vendu puisqu'il a fait un démarrage à 200 000 unités. Il a deux fois plus vendu qu'au Japon. Alors que c'est quand même un jeu, bon, c'est un JRPG, jeu quand même typiquement oui, japonais. Spécial, oui. Mais le premier, le premier Xenoblade avait très bien marché aux États-Unis. Il y avait toute une polémique parce qu'à la base, ils avaient fait une pétition pour avoir le jeu qui ne devait pas sortir. Tu vas y jouer, toi, ça ? Je l'ai acheté, mais bon, le temps que j'y joue, on sera en 2018, je pense. Il y aura déjà la NX, donc il sera déjà en remaster. C'est très curieux, je suis très curieux de ce jeu-là, mais bon. Et les remakes, ça marche toujours autant puisqu'il y a eu 1 million de ventes avec Majora's Mask 3DS. Hein, très loin devant les 300 000 ventes de Triforce Heroes, qui s'est finalement pas si mal vendu pour le petit spin-off qu'il était. Et déception, par contre, pour Yo-Kai Watch, dont je parlais tout à l'heure, qui cartonne au Japon, mais qui n'a fait que 200 000 ventes aux US. Voilà, la mayonnaise n'a pas forcément pris avec le côté transmédia, avec le dessin animé qui est arrivé, je crois, en temps. Donc après, pour la PS4 et la One, côté software, bah, c'est uniquement du jeu tiers. Hein. Premier, c'est Call of Duty Black Ops. On a du Star Wars Battlefront, du Fallout, du Maiden. Là, juste la petite surprise, bah, c'est qu'il n'y a pas Halo. Halo 5 n'est pas dans le top. Hein. C'est vraiment que des jeux tiers. Finalement, lui, hein. Ouais, alors je sais pas trop les ventes. Microsoft communiquait un truc un peu bizarre, genre combien ça a rapporté en comptant le chiffre d'affaires des bundles, donc tu comptais le prix de la console, donc c'était un peu semi-échec quoi. Ouais, enfin disons que c'est plus une aussi forte, ça s'est bien vendu, mais c'est plus une aussi forte licence. C'est une très très mauvaise nouvelle pour Microsoft parce que ils basent tout là-dessus quoi, en gros. Halo, bah, c'était quand même ouais, leur mais truc maintenant ils basent sur Halo, le tir. Hein. Bah surtout non, là c'était à la fin de c'était Halo et aussi ils avaient Tomb Raider. Tomb Raider. Ouais. C'est surtout leurs deux gros jeux, ça reste Halo et Gears of War. Gears of War, ouais, si Gears of War ça marche plus trop. Et pour le coup, bah, le top 2015 des ventes, c'est Call of Duty qui est le mieux vendu aux États-Unis. Ouais, on a du Star Wars Battlefront, GTA qui se vend encore très bien alors qu'il est sorti il y a un an. Ouais. Enfin, il est sorti après sur PS4 et One de nouveau. Et la petite surprise, c'est Mortal Kombat X hein, ou 10, on le dit, qui est 9e des meilleures ventes à l'année aux États-Unis. Il a super bien marché là-bas. Putain. Et d'ailleurs, ils vont faire là un Mortal Kombat XL. Donc la version. Encore étendu de dans la finesse quoi. Dans la finesse. C'est celui où il y a l'alien, il y a le mec de Massacre à la tronçonneuse et tout. Ouais, voilà, ils ont rajouté des éléments. J'avoue, ça a l'air fun. Hein. Ouais. Par contre, il sortira pas sur PC. Ils ont annoncé qu'ils arrêtaient de faire des jeux PC. Voilà. Donc ça a fait un tollé de la communauté. Ouais, mais si ça se vend tellement bien sur console, ils vont pas se faire chier. Ouais, mais ça se vendait pas trop mal sur PC apparemment. Ah, bon, il n'y a pas de stats exact pour Steam, mais il parlait d'un demi-million quand même. D'accord. Voilà, bah, c'est tout. Ok, bon, bah, très bien. C'est ainsi que s'achève notre partie art ludique. On a tout dit, les gars. Bah ouais. On va enchaîner par une partie techno. Partie techno, on va faire étonnamment un point sur la réalité virtuelle. Oui, puisqu'on a eu je encore. Je dis étonnamment parce que ça préoccupe. On en parle tout souvent, monde, voilà. Toutes les semaines. Et puis ça préoccupe. C'est un peu un sujet de préoccupation récurrent pour les technophiles. Oui, parce que lors du dernier podcast, on avait l'annonce du prix de l'Oculus Rift hein, qui sonnait un peu comme le coup d'envoi pour la réalité virtuelle en 2016. Le coup de glas. Ouais, ou le coup. Ça dépend des portefeuilles. Ouais, ça a soit sonné le glas, soit sonné le coup d'envoi, je sais pas, on verra ça en 2016. Depuis, on a eu quelques annonces et informations autour des autres constructeurs de casques de réalité virtuelle. Alors d'abord, le PDG de HTC qui a annoncé au Daily Telegraph que le Vive Pre, donc ça c'est la nouvelle version du casque de Vive qui intègre une caméra frontale, donc ça c'est super pratique, c'est-à-dire que tu peux voir ce qui se passe à l'extérieur quant à ton casque. C'est bien, oui. Donc ça, c'est très très bien, puisque ça permet aussi d'incorporer des éléments et surtout de ne pas être complètement enfermé dans ta réalité. Donc ça peut être aussi assez sympathique. Et il promet aussi une meilleure ergonomie des contrôleurs. Il serait disponible en précommande le 29 février, donc ça approche quand même assez vite. Sans doute à cette date qu'on saura le prix du casque. Hein, et je pense qu'on aura une addition assez salée pour le Vive Pre. Hein, faut s'attendre, à mon avis, plus cher que le Oculus Rift. Je pense aussi, ouais. À moins qu'ils arrivent à damner le pion à Oculus, mais je sais pas si tu as l'impression qu'on est encore dans une grosse phase de concurrence. Ils ont des caméras, ils ont des machins, ils ont des trucs. Ouais. Ouais. Technologiquement, il est monstrueux. C'est lui qui a les capteurs et tout ça. Ouais. Hein. C'est probablement le meilleur des casques. En plus, avec a priori, c'est le meilleur des casques. Cette version Pre, elle est à mon avis encore peut-être plus chère. Donc pour la disponibilité, on parle toujours du printemps 2016, en même temps que le programme Steam VR par Valve. Donc autre déclaration, celle de Palmer Luckey, donc c'est le jeune patron d'Oculus dont on avait parlé la dernière fois. La dernière fois, je l'avais appelé Luckey Palmer, je crois. C'est pas grave, il avait compris. Je sais jamais si son prénom c'est Palmer ou Luckey. C'est une bonne question. Je crois que c'est Palmer, mais je suis pas sûr. Palmer, tu me fais un gros doute du coup. Palmer. Lucky. Palmer, on va l'appeler Palmer Lucky, voilà. Qui, pour le coup, bah, il n'est pas revenu sur son propre cast, hein, que sur son propre cast, mais aussi sur ceux de la concurrence, et notamment sur le PlayStation VR, pour clarifier un peu les positions respectives sur le marché de la réalité virtuelle. Donc en fait, il explique à l'International Business Time qu'il ne voit pas le PlayStation VR comme un concurrent direct. Alors il dit, c'est vraiment un marché séparé. Sony produit la réalité virtuelle pour un groupe différent qui, dès le départ, n'était pas notre cible, estimant lui que sa cible c'est d'abord forcément les possesseurs de PC qui sont capables de faire tourner l'Oculus Rift et non pas les possesseurs de PS4 qu'il voit mal se monter un PC à 1 000 € pour faire tourner l'Oculus Rift. Donc pour lui c'est vraiment un même marché mais deux cibles complètement différentes et presque deux marchés différents. Il a raison. Ouais. Deux marchés différents. Donc Palmer Lucky précise aussi que côté technologie, il ne joue pas dans la même catégorie. Alors, il faut noter aussi que leur dispositif n'est pas aussi avancé que le nôtre, même si je pense que ça reste un bon appareil et que la PS4 est loin d'être aussi puissante que notre configuration PC recommandée, puisqu'on en avait parlé, c'est un PC minimum 800 000 €. Alors que là, on a une console forcément à 400 €, hein, donc on n'est pas dans, on n'aura pas la même réalité virtuelle sur les deux accessoires. Voilà. À la lecture de ces déclarations, on voit que le marché naissant de la réalité virtuelle n'attise pas une concurrence encore trop féroce. Hein. On voit clairement qu'il n'y a pas d'idée de guerre, hein, puisque l'idée première pour le moment, c'est vraiment de faire connaître la réalité virtuelle au grand public. Donc Palmer Lucky, il a un discours mesuré, je trouve assez respectueux de la concurrence. Bon, il est comme ça aussi, mais il est conscient de l'enjeu important pour cette technologie encore jeune et que le PlayStation VR, ça peut aussi aider la démocratisation de la réalité virtuelle, pas forcément pour que le grand public l'achète, mais pour qu'il en entende parler, qu'il essaye, qu'on en parle par les principaux relais d'information, que ce soit les journalistes, les blogueurs, donc que ce soit la première phase. Donc il n'y a pas vraiment à se tirer encore dans les pattes pour dire on a le meilleur casque, on est les meilleurs, on fait la meilleure réalité virtuelle. On n'est pas comme dans une guerre des consoles où c'est vraiment... Il commence un petit peu quand même, il met un peu le pied dedans quand même, un petit peu en disant oui, on a quand même un meilleur casque. Non mais ça c'est la réalité. Oui c'est vrai, mais bon, il le rappelle quoi. Après il explique, il dit je connaissais des gens chez Sony qui travaillaient sur la réalité virtuelle avant même le début de ma campagne Kickstarter et nous les avons contactés pour échanger et discuter des besoins nécessaires pour obtenir une bonne performance. À ce stade, le vrai combat n'est pas eux contre nous, mais nous tous contre le public pour le convaincre que la réalité virtuelle en vaut la peine. Ouais. C'est déjà un discours que tenait Sony d'ailleurs à l'époque où ils ont commencé à parler du PlayStation VR. C'est vrai que là, il faut convaincre les gens quand même. Oui, on voit que par exemple Sony ne sont pas dans le même discours que par rapport à Microsoft. À l'époque, Sony a évoqué le Morpheus, ils ont clairement dit on n'est pas en concurrence avec l'Oculus, on collabore tous ensemble pour sortir quelque chose qui convainc le public. Oui, parce que je pense que tous les acteurs ont aussi conscience que sortir un casque vraiment mauvais pourrait être un très très mauvais signal envoyé sur un marché qui est très embryonnaire. Voilà, il suffit d'un petit bad buzz au début et tout flanche en fait. Ouais, complètement. Il faut absolument qu'ils évitent ça. D'ailleurs, le Samsung Gear VR avait été fait en partenariat avec Oculus aussi. Enfin, voilà, pour montrer. Oui, les équipes sont assez. Ils travaillent tous très proches. Donc, on va finir par Microsoft. Ils sont lointains HoloLens. On a eu quelques nouvelles infos lors d'une conférence en Israël. Donc, on le sait, côté grand public, le HoloLens, c'est pas vraiment pour tout de suite. Et Microsoft vise 2016. Avant tout le monde de l'entreprise. Ils ont déjà d'ailleurs annoncé des partenariats avec Volvo et Autodesk. Donc, pour l'instant, il est un peu à part dans la catégorie des casques VR ou des casques de réalité augmentée ou holographique, comme ils disent, puisque c'est ce terme que Microsoft met en avant. Donc, on rappelle qu'il n'y a pas de câble, pas de connectique pour le relier à un PC. Donc, forcément, on se posait la question de l'autonomie. Quand tu as un casque comme ça, qui est auto-alimenté, on va dire. À cette conférence donc, qui se tenait en Israël, Bruce Harris, qui s'occupe de la technologie de chez MS, a annoncé une autonomie comprise entre 2h30 et 5h30. Donc c'est très large hein, quand même. En gros. Voilà, selon son utilisation, c'est toujours, peut-être qu'il y aura des trucs à pousser au maximum. Alors 2h30, ça fait quand même pas très lourd. Et tu peux même pas regarder le dernier Tarantino dessus, quoi. Tu peux pas, ouais. En même temps, je préfère regarder sur un écran géant plutôt. Peut-être que l'utilisation en film sera moins gourmande qu'une utilisation active. Ça c'est souvent. On a aussi appris que le champ de vision sera équivalent à un écran 15 pouces situé à environ 60 cm de l'œil. Donc c'est petit. Beaucoup reprochaient que quand tu tourner la tête, tu voyais un peu les bords. Ou dessus aussi, tu vois. Franchement, c'est vraiment petit. Hein. 15 pouces à 60 cm, c'est vraiment petit. Ouais. Donc, à l'intérieur, le processeur de calcul et le processeur graphique sont épaulés par un processeur holographique dit Holographic Processing Unit, qui permet en fait à l'HoloLens de comprendre en temps réel les gestes de l'utilisateur et de positionner les hologrammes en conséquence. D'accord. Donc, on rappelle que ça va coûter normalement 3 000 € pour l'instant destiné au monde de l'entreprise et que la commercialisation au grand public, ça serait pas avant peut-être 5 ans. Ouais. Voilà, enfin, c'est complètement déconnecté d'un. C'est vraiment à part l'HoloLens. Je pense qu'ils sont en train de réaliser que c'est pas pour le grand public, qu'ils essayent de rattraper comme ils peuvent le truc. Non, ils ont toujours été assez clairs sur j'ai ça. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un côté un peu esbrouve, genre regardez ce qu'on fait, etc. Ils présentaient leur techno, mais. Petite rumeur sur le. J'en profite hein, sur les trucs homographiques. T'es très rumeur aujourd'hui. Ah, je suis très rumeur. J'en ai vu une nouvelle sur le PlayStation VR. Je sais pas si tu voulais en parler ou pas. Non, pas. Qui était à propos du prix, puisque la dernière fois on avait parlé d'un prix à 800 euros, etc. Et on a eu un nouveau distributeur qui a à nouveau listé le PlayStation VR avec un autre prix cette fois-ci. C'est un marchand en Suisse qui a listé le casque à 450 euros, une date de livraison le 30 juin 2016. Voilà pour la rumeur, dernière rumeur sur le. Moi j'avais parié entre 400 et 500. Donc, ça serait bien comme prix. Ça me paraît mieux que 800 euros. Je sais pas que j'achèterais, mais ça me paraît. Ça resterait plus cher que la console. Hein, oui, voilà, ça serait trop. Mais je vois pas comment ils peuvent faire ça moins cher que la une PS4, puisque maintenant c'est quoi une PS350? Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas le mettre à 299. Enfin, c'est... Personne l'achètera, c'est pas assez cher. Ouais, c'est ça que tu dis. Non, mais c'est vrai, pas assez cher. C'est quoi ce gadget, quoi? Ouais. Oui. Bon, voilà. Bon, c'est tout. C'est tout pour la. Ouais. Bon, bah, curieux de voir ce qui va se passer par la suite, en fait. Hein. On va pas débattre des heures sur la réalité virtuelle. Bon, pas souvent. On vous reparlera des prochaines évolutions. Greg, tu voulais nous parler de quelque chose d'aussi important que la réalité virtuelle. Oui, de capital et de virtuel aussi, puisque je vais parler de vibrations fantômes. Oh, tout à fait énigmatique. C'est un peu le phénomène qu'on ressent tous, peut-être que vous avez déjà ressenti, d'avoir dans votre poche, vous avez l'impression que votre téléphone vibre et en fait, il n'a pas vibré, voire il n'est même pas dans votre poche. C'est le prix de téléphone. Et du coup, il y a des chercheurs qui se sont intéressés à ça et qui ont fait une petite étude. Et donc, sur une étude de 290 étudiants interrogés qui portent régulièrement un smartphone sur eux, ils ont montré que 89% d'entre eux ressentaient ce qu'on appelle les vibrations fantômes. Donc déjà, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Ça vous est déjà arrivé, hein, on peut en parler, ce n'est pas sale. D'où ça vient après, c'était la question, est-ce que c'est purement psychologique? Et en fait, c'est peut-être plus complexe que ça. L'étude a mis en avant en fait, une cause potentielle à ces vibrations fantômes qu'on peut ressentir à cause de notre téléphone, qui est tout simplement le stress. Hein, donc ils ont étudié une population qui entrait dans l'hôpital en fait, hein, pour voir ça. Ils ont mesuré le phénomène de vibrations fantômes et ils se sont aperçus tout simplement que quand on rentrait à l'hôpital, le pourcentage de gens qui ressentaient des vibrations fantômes dans leur téléphone était 78%, qui continuait à progresser au cours des 6 premiers mois de l'hospitalisation pour atteindre jusqu'à 95% lors des 6 premiers mois de l'hospitalisation. Si 6 mois à l'hôpital, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc non, justement, après, quand, quand ça passe, on va dire que peut-être tu t'habitues à ton climat de stress ou au milieu hospitalier, et du coup tu es moins stressé puisque tu es habitué, le taux chute et va chuter jusqu'à atteindre les 50% seulement de ressenti. Attends, je comprends pas. C'est des gens qui rentrent à l'hôpital pour être hospitalisés ou qui... Oui, non, voilà, c'est ça, des gens qui rentraient à l'hôpital. C'est pas des jeunes étudiants en médecine. Non, ils ont interrogé ces gens-là au moment où ils rentrer à l'hôpital pour savoir un petit peu comment c'est ça se ressentait. C'est un peu bizarre comme public cible. C'est un moyen de contrôler le public. C'est souvent comme ça, tu sais, dans les études universitaires, les gens qui... C'est souvent des étudiants ou des populations un peu étranges qu'on a sous la main. Non, je découvre ça bizarre. Voilà, donc ces vibrations sont expliquées par le chercheur également des spasmes musculaires ou simplement le fruit de froissement de nos vêtements, hein, explique le chercheur à la BBC. Ce que j'ai trouvé aussi plus intéressant au-delà de soi, hein, j'ai quasiment terminé avec cette news un peu anecdotique, mais c'est que j'ai trouvé ça intéressant en fait qu'il y ait des scientifiques qui s'intéressent à cette nouvelle un peu relation entre l'intimité des usages de la technologie, on va dire. Hein, il y a même un nouveau terme qui a été créé pour ça, c'est les « eye disorders ». Voilà. Donc c'est le professeur de psychologie Larry Rosen qui a étudié ça, et c'est un nouveau champ de la recherche. « Eye disorder ».« Eye disorder », comme les iPhones, quoi. Bah, les... Ah, « eye ID ». Eye comme iPhone. Eye et puis un disorder comme un. Ah, disorder. ID, je croyais l'idée, l'ordre d'idée. Eye, disorder, comme iRobot, quoi. Tu vois. J'espère que ça ira pas jusqu'à là. Critique express. conseil express. Excellent film, voyez-le. Merci, Lib. Eye disorder, c'est intéressant. Ouais, disorder. Pourquoi pas. On aura sûrement d'autres études dans ce champ. Je suis friand de ce genre de petites news, Greg. Voilà, j'en ai plein d'autres, t'inquiète pas. J'ai que des news à la con en ce moment. C'est bien il se passe pas grand chose à part la VR. Non, mais si, du moment que tu nous donnes des news un peu pitchy. Ah oh, quelle transition avec ma prochaine news. Non, tu la donnes pas, c'était un teaser. D'accord. J'aimerais d'abord qu'on parle de streaming musical. Ouais, parce que entre la VR et le streaming musical, c'est un peu quand même dans la partie techno, ce dont personnellement je parle le plus. Puisque 2015 a été quand même une grande année du streaming musical avec Tidal et Apple Music. Et là, je vais plutôt parler de Deezer, en fait, qui a quand même pas mal de mal à trouver sa place avec tous ses acteurs. Donc, pour résister à Spotify et surtout à Apple Music, qui est quand même le gros concurrent et le mastodonte, Deezer a d'abord tenté l'aventure boursière, hein, sans succès. Je rappelle qu'il y a 3 mois, ils ont jugé en fait que les conditions de marché étaient défavorables. Et donc, ils avaient reculé au dernier moment, je crois que c'était 3 jours avant, alors qu'ils devaient vraiment faire leur grand lancement en bourse. Oui, quand même. Et là, on a appris que le groupe, hein, on rappelle, c'est un groupe français, hein, Deezer, ils avaient levé 100 millions d'euros auprès d'un groupe d'investisseurs parmi lesquels Sony, Universal, Orange et Access Industries. Orange et Access Industries, il faut savoir que c'est leurs deux gros investisseurs historiques, hein, ceux qui ont fait d'autres levées de fonds, pour lesquels ils ont fait des levées de fonds. Donc la levée de fonds, elle doit permettre quoi ? Bah, d'augmenter, selon Deezer, les efforts de croissance de la base client dans le monde et d'accélérer l'introduction de nouveaux produits. Bah, voilà, on voit qu'ils sont quand même en difficulté, puisque si on parle de Deezer, c'est parce qu'ils ont 6 millions d'abonnés payants, 16 millions d'utilisateurs actifs et un chiffre d'affaires de 142 millions d'euros pour une présence dans 180 pays. Mais alors, ce qu'ils mettent en avant, c'est surtout parce que je donnerai les chiffres après de la concurrence et on voit qu'ils sont quand même très très loin derrière, même de Apple Music. Eux, ils mettent surtout en avant qu'ils ont 40 millions de titres sur la plateforme. Moi, je ne savais pas. Alors, c'est une infographie, là j'ai une infographie, mais Deezer. Donc, je sais pas si c'est vrai, ils ont 40 millions. C'est beaucoup, 40 millions. Spotify, il y en a 30 millions. Ah oui, d'accord. Bon, à partir du moment où tu arrives à plusieurs millions, Bon, bref. Au-dessus de 20 millions, tu vois plus la différence. Hein. Voilà, et Apple Music, on a aussi 30 millions. Donc, ils disent, voilà, on est vraiment le numéro 1 du nombre de titres. Donc, on est la plateforme où il y a le plus de musique à écouter si vous venez chez nous. Ok, ils ont la plus grosse, donc. Ils ont la plus grosse, mais par contre, ils n'ont pas la plus large. Ou je sais pas. Il est classe, ce podcast. Tu peux remonter ta braguette. Tu peux remonter ta braguette. J'ai le doigt, Remets-nous un bout de braguette. Remets-nous un petit bout de braguette. Non, c'est de ma faute. Les métaphores n'étaient pas la mieux choisie. C'est des chiffres qui permettent de transition vers la concurrence, puisque côté Spotify, on parle de plus de 20 millions de clients, donc contre 6 millions pour Deezer, 75 millions d'utilisateurs actifs et un chiffre d'affaires de 1,3 milliard de dollars, même si on sait que Spotify, c'est pas une entreprise qui va si bien que ça, enfin, c'est assez compliqué. Ils font pas vraiment de profit, en fait. Ils font pas vraiment de profit, mais voilà, bon, ils ont un chiffre d'affaires qui est très important. Et côté Apple Music, en 6 mois d'existence, on parle de 10 millions d'abonnés payants. Alors ça, c'est pas un chiffre officiel, hein, puisque Apple n'a pas encore communiqué ses chiffres. Il devrait le faire assez prochainement. Je crois qu'il y a les chiffres trimestriels, là, ça va être en mars. Mais l'info vient du Financial Times. Donc, pour atteindre 10 millions d'abonnés payants, ce qui serait le score de Apple Music, il faut savoir que Spotify avait mis 6 ans. Et ça, Apple a mis 6 mois. Alors bien sûr, oui, on n'est pas de la même base. Voilà, pas on n'est pas, même pas, année, pas on est, le marché du streaming n'était pas aussi, aussi développé. Il n'était pas à la même maturité que quand ils sont lancés. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que le marché du streaming il est plus important que le marché du téléchargement de titres. Donc il y a vraiment eu un basculement, c'est-à-dire que les gens maintenant ils ont ce qu'on appelait à l'époque la licence globale, bah, c'est arrivé avec le streaming, c'est-à-dire que tu payes un abonnement et puis tu as tous tes titres et les gens les achètent plus en téléchargement. Et tu vois Orange, ils auraient dû inclure dans leur forfait la licence globale. Ah bon, parce que t'es abonné à Deezer en fait. Non, t'as des forfaits Orange où tu peux avoir Deezer dedans offert quand tu prends un forfait téléphonique. Ils auraient dû le faire il y a 6 ans au moment où c'était. On aurait voulu avoir ce truc là. Oui, mais je sais que quand tu prends un forfait téléphonique très cher, t'as Deezer inclus dedans. Alors moi j'ai un forfait Bouygues Telecom et j'ai Spotify. Voilà, ouais, maintenant t'as ce genre de choses. Surtout, enfin mon compte Spotify. Ça ils auraient dû le faire il y a 6 ans, tu vois. 6-7 ans, quand au moment où les problèmes de téléchargement se posaient, maintenant bien, plus personne télécharge. C'est un forfait qui coûte cher ou... Bah non, pas tellement, je paye 35 euros par. Mais j'ai 2 heures de communication. Ah oui, quand même. C'est pas beaucoup cher. C'est pas beaucoup. 2 heures. Non, c'est nul. Non, c'est nul. C'est de la merde. Moi, j'ai le téléphone que j'ai à la personne. Moi, je voulais pas te le dire trop frontalement. Je voulais pas te le dire en face à face, mais ton téléphone, c'est de la merde. Non, mais 35 euros pour 2 heures, je voulais pas. Non, mais je téléphone, je sais pas, 50 minutes par. T'es content d'avoir Spotify, en fait, surtout. Ah ouais, surtout parce que au début, je me dis, ouais, je m'en fous. Mais en fait, c'est mon compte qui est. C'est mon compte, donc quand je suis sur mon. Chez moi, bah, Spotify, j'ai plus de pub. Quoi. Donc, ça, c'est... Parce qu'à la base, c'est pour moi, je pensais que c'était pour le portable. Si tu prenais Spotify 10 euros et un forfait téléphonique à 10 euros... Dit comme ça. Non, parce que j'ai aussi... moi, je vais beaucoup sur Internet avec mon téléphone. Donc, j'ai besoin d'avoir au moins 10 gigas par mois. Et t'as ça ? J'ai ça. Ah oui, d'accord. Donc, ça, c'est tu t'en fous le téléphone, beaucoup. Mais d'accord, non, ouais. C'est la data, toi. Ouais, c'est la data. C'était le point forfait téléphonique. C'était passionnant. Hein. Voilà, donc gars, juste pour reprendre, voilà, juste pour dire, pour conclure cette news, on peut dire que Apple s'est lancé au bon moment. Je parlais des chiffres du téléchargement. Pour rappel, aux États-Unis, lors du premier semestre 2015, le streaming a dégagé 1,03 milliard de revenus face à un marché du téléchargement en très net recul. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs la base du téléchargement. Ça me fait beaucoup rire. Pour expliquer que Apple, avant, ils étaient vraiment dans le téléchargement. Et en fait, ils se sont aperçus que le streaming allait prendre le pas et que le téléchargement était en recul. Donc, ils ont lancé Apple Music. C'était en réaction à cette baisse du téléchargement. C'était assez tard, d'ailleurs. Ouais, mais finalement, comme ils l'ont lancé, ouais, ils l'ont heureusement lancé qu'ils avaient beaucoup de pubs pour pouvoir. Ouais, mais ils l'ont lancé quand. Ouais, mais ils l'ont lancé quand le marché était mature. Oui. C'est vrai qu'ils n'ont pas. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait à l'époque d'iTunes ouais, parce qu'ils étaient vraiment persuadés que le téléchargement, ça serait. Ils communiquaient vraiment sur les. Tu avais les cartes de téléchargement. Ouais, t'avais... acheter votre MP3 voilà. Machin facilement. C'est vrai et que ça, c'est complètement. Enfin, pas complètement passé, ça. Ça a quasiment terminé, ça. Enfin, ça va être terminé dans les 2-3 années qui viennent, quoi. Donc voilà le streaming, hein, moi je suis assez convaincu. T'es pour toi, tu plus sois. Bah oui, on m'avait parlé du Chromecast Audio, moi j'ai acheté un Chromecast Audio, c'est hyper pratique. Ouais, très bien, et puis après voilà, t'es compté sur Spotify. On va pas recommencer là. Est-ce qu'on peut alors le mettre sur Twitter, retrouver l'intégralité du forfait de Julien dans l'épisode d'Upcast 24 mais... Hashtag forfait Julien. Ton Chromecast, tu as payé combien? 39,90€. Oh putain, tous les auditeurs se sont barrés, hein. Donc voilà. Oh putain. Bon, Greg, donne-nous la pêche. Allez, donne-nous la pêche. Je sais plus trop là. Oui, alors la pêche, effectivement, c'est Pitch. Hein, c'est Pitch, c'est une nouvelle application, le nouveau jouet du moment sur Internet. En tout cas pour les cool kids hein, que vous n'êtes peut-être pas, puisque moi j'en avais jamais entendu parler et je me suis senti très vieux en lisant cette news. Donc c'est une nouvelle application réservée en plus aux utilisateurs d'iPhone que je n'ai pas, qui s'appelle Pitch. Et donc ça se définit soi-même hein, comme le réseau social pour les cool kids d'Internet. Leur site c'est pitch.cool, tu vois, par exemple, c'est pas pitch.com. Donc, il condense les fonctionnalités de plusieurs de ses concurrents, un peu comme commencer par Twitter, un mélange entre Twitter et Facebook et Snapchat. Donc voilà, hein, le 11 janvier, l'application était âgée de 3 jours et faisait déjà parler d'elle sur Internet. Hein. Déjà, aurait elle une réputation hallucinante, tout le monde ne parlait que de ça sur Internet. Donc voilà, hein, donc le créateur de Pitch, c'est Dom Hoffman, hein, qui n'est pas un inconnu puisqu'il a déjà créé Vine. Donc pas n'importe quoi, ouais. Racheté par Twitter. Il avait aussi créé une autre application qui s'appelait Byte, qui a moins réussi à sur Internet, mais qui est quand même encore en cours. On peut toujours aller télécharger Byte. Juste pour reformuler, Pitch, c'est juste un hub de réseau social? Alors, c'est une sorte de hub, je vais en reparler un petit peu. Déjà, pourquoi je voulais parler de Byte, l'autre application de Dom Hoffman, c'est parce que justement, ça ressemble un petit peu, on va dire, dans la logique. Donc Byte, qui avait un peu fait parler de soi au moment où c'était connu, c'est une application à l'interface complètement psychédélique, hein, qui permet de faire à ses utilisateurs des collages avec différents contenus, du texte, des vidéos, des images, du son, et de les partager. Et bah, Pitch va reprendre un peu ces éléments complètement psychédéliques, et de façon un peu plus ergonomique quand même que Byte. Donc c'est une application effectivement de messagerie sociale qui permet à ses utilisateurs de discuter de mur à mur hein, grâce à du texte, mais également grâce à des mots magiques. Et les mots magiques qui activent une fonction, par exemple le mot magique here montre votre position actuelle, shout grossit votre texte, draw vous laisse dessiner, gif vous permet de choisir un gif parmi le catalogue de gifi, etc. Et vous pouvez envoyer tout ce joyeux mélange à vos amis, hein, sachant que tout le monde voit ça sur le mur de vos amis. Hein, voilà, tout le monde peut voir les murs des autres, donc c'est un peu comme un Facebook, encore un peu plus ouvert et un peu plus barré, on va dire. Hein. Y a pas de... Ce qui est étonnant avec cette appli qui a fait vraiment le buzz, c'est qu'il n'y a pas de killer feature. Hein. C'est pas une killer app, hein. Il n'y a pas de choses qu'on n'a jamais vues ailleurs. C'est plus un gloobie-boulga de fonctionnalités un peu bah, voilà, packagé dans un écrin qui mélange un peu Candy Crush, Mario et, voilà, Hello Kitty, peut-être, pour ceux qui connaissent. Ça donne envie. Ouais, alors c'est une sorte de. Bah, c'est pour ça que je dis qu'on est vraiment. Je pense qu'on est trop. Là, moi, ça m'a fait me sentir vieux. Hein. J'ai non, mais je pense que j'ai fait genre. C'est à partir du moment où tu as employé le terme gloobie-boulga qu'on sait que tu es vieux. je pense que les gens le savaient avant. Hein, quand même, déjà, moi, je le comprends pas. Donc, voilà. Est-ce que c'est... Moi j'adore parler de ce genre de petite application, hein. Vous le savez, j'avais déjà parlé un peu d'autres applications qui avaient soit réussi, soit échoué. Bah, je me pose la même question, est-ce que Pitch va être vraiment le hit mondial que les gens sont en train de prédire? Parce qu'effectivement en ce moment c'est le buzz sur Pitch. C'est vrai. Bon bah voilà, hein, on va voir, hein. Est-ce que ça va finir finalement peut-être comme Yo, cette fameuse application oui, qui permet d'envoyer des Yo juste à des gens? Encore une fois, je suis vieux, bordel, je suis trop vieux pour ces conneries. Donc on ne sait pas, je regarderai ça, je vous tiendrai au courant, mais en tout cas ça m'a fait sourire de voir cette application et de me sentir aussi vieux que ça. En tout cas, il est fort pour les noms. Le mec, quand même, est Vine très, très fort. Pitch. Vine by Pitch. Dom Hoffman, il est très, très fort pour créer des applications qui sont en plus tout le temps un peu voilà, les petits chéris des réseaux sociaux. Quoi. Sympa. Ouais. Ok. Bah super, alors on a fini pour la partie techno, on a tout dit, c'est bien les gars, on a été... Pour info, chers auditeurs, il y avait une longue discussion sur la loi numérique que j'avais prévue, mais c'est trop chiant, on va pas la faire. Oui, Grégoire avait bossé ses cours. J'avais bossé sur la loi numérique, bon c'est pas hyper intéressant en fin de compte, on a quelques droits en plus, mais c'est pas hyper important. Finalement, la grande info que les médias retiennent, et qui est vrai, et qui est, c'est le plus grand changement de la loi, c'est l'interdiction du revenge porn qui va être puni par la loi, voilà, avec 2 ans de prison, etc. C'est dans le cadre de la loi numérique qu'il y a un mec qui voulait interdire les liens hypertexte dans... J'ai pas entendu, il voulait interdire les liens. Je veux interdire les liens. Un député très éclairé qui... On a un petit problème technique avec Dim. Ah, c'est Dim qui s'est déconnecté, il va revenir. Bon, mais un député qui voulait proposer d'interdire les liens hypertexte. Bah, c'est une bonne idée. Voilà, non mais bon, ça a fait des progrès, on va dire, sur la vie privée. privée, tout ce qui est protection des données online. Je ne vais pas détailler l'intégralité du chose parce que c'était. J'ai remarqué que Dim s'est déconnecté au moment où on parlait de Revenge Porn. Je pense que c'est. Ah, mais non, mais c'est ce bruit de braguette. C'est notre internet qui plante. Ah, ok, bon, bah écoute. Ah, voilà. Dim, tu ne nous entends pas, mais ça va revenir. On va couper, on va se retrouver tout de suite. Donc Dim est bien de retour parmi nous. On va pouvoir la magie de la technologie. Un petit problème technique. Voilà, ça arrive. Hein. On va reprendre avec notre promotion canapé. Bon, promotion canapé pour ceux qui découvriraient ce que c'est. C'est juste, on évoque tout ce qui nous a occupé de notre esprit au niveau artistique, on va dire, ludique et autres. Je vais commencer à chaud, Grégoire. Oui, bah moi j'avais pas prévu non plus encore cette fois-ci. J'ai déjà pas prévu la fin. Non, mais en fait tout simplement parce que j'ai terminé ce qui m'avait occupé la dernière fois. J'avais commencé à regarder Making a Murderer, le premier épisode la dernière fois que je l'ai évoqué donc il y a 15 jours. J'ai terminé ces 10 épisodes. Je confirme, hein, c'est absolument génial. Ça fait très buzz, bon documentaire. Le buzz est mérité. Et puis bah du coup j'ai suivi aussi dans les 15 derniers jours un peu l'actualité autour de ça parce que aux États-Unis j'en avais parlé, mais c'est un vrai phénomène sociétal ce documentaire avec une remise en cause de la justice assez profonde. Du coup, j'ai été un peu regarder tout ça. Je me suis inscrit sur le Reddit Making a Murderer. Il y a des articles qui pullulent sur Internet 3, 4, 5, 6 fois par jour avec des nouveaux trucs sur le cas de Stephen Avery, qui est donc le malheureux héros de ce documentaire. Donc voilà, ça continue à me passionner. C'est vraiment hyper bien foutu. Donc je le recommande. C'est sur Netflix, Making a Murderer. Ce qui est intéressant avec ce documentaire aussi, c'est que j'ai lu un article qui questionnait les nouvelles formes des documentaires. Justement. C'est un documentaire oui, c'est, vous avez dit que c'est assez étonnant. Je ne l'ai pas que recommandé pour le fond, je l'ai recommandé aussi pour la forme. C'est vrai que niveau documentaire, moi j'aime beaucoup les documentaires, mais parfois c'est un peu convenu. C'est toujours le même format, 1h30, les gens face caméra, leur nom écrit en blanc en bas à droite. Enfin voilà, là il y a un côté beaucoup plus. Nouveau, novateur, qui avait déjà été fait bien sûr, mais qui est frais et qui apporte pas mal, je trouve, qui permet vraiment de raconter l'histoire en profondeur et de façon assez intéressante. Donc vraiment, très beau carton de la part de Netflix là-dessus. Super. Dim, qu'est-ce qui a occupé tes journées ou tes soirées ces deux dernières semaines? Alors pour ma part, c'est aussi une série. Moi, c'est Ash versus The Evil Dead. Ah oui. Donc c'est la série tirée du film. Elle reprend des années plus tard les événements des films, à savoir... le mal qui prend la forme de zombie qui torture ce pauvre Ash. Donc pour être rapide, si vous aimez les films, je pense que vous aimerez aussi la série. J'ai pas encore fini la saison, mais je dirais que le ton de la série, c'est un peu un mélange entre le Evil Dead 2 pour l'horreur comique et le 3 pour ses côtés plus what the fuck. Donc les gros points positifs de la série, c'est surtout je trouve le personnage de Ash qui est interprété par Bruce Campbell. Bon, il est juste génial en fait cet acteur, je comprends même pas trop pourquoi on le voit pas plus souvent. C'est clair. C'est vraiment un grand condensé du bon beauf qui se respecte. Enfin, bien con, prétentieux, ringard, complètement à côté de la plaque mais qui arrive toujours à retomber sur ses pattes. J'ai vu aussi pas mal sur internet des gens qui critiquaient un peu les effets spéciaux un peu kitsch, mais justement moi je trouve que c'est un peu ce qui fait le charme de la série et qui lui donne un peu une bonne touche années 80 quoi, bien sympathique. Ils reprennent les mêmes genres d'effets spéciaux que dans les films en fait. Ouais voilà, c'est un peu ça. Un peu animation, mais... image par image, en pâte à modeler, ce genre de choses. Bah après il y a aussi un petit peu des images de synthèse, mais il y a quand même pas mal d'effets gore un peu à l'ancienne quoi. Qui ah c'est cool ça. Parce que je me souviens pas, c'est Sam Raimi qui l'a Oui, il a réalisé le premier épisode et il a produit la série. C'est Sam Raimi ouais, qui a produit, qui a en partie je crois écrit le scénario, et donc ouais il a réalisé le premier épisode. Et aussi bah un autre point fort de la série, c'est vraiment au niveau de la réalisation, elle est vraiment à la hauteur et bien fidèle à la saga, et aussi bah, le reste tient aussi la route, hein. C'est d'autres réalisateurs qui réalisent le reste des épisodes, mais ça calque bien, on va dire, la réalisation bien particulière des Evil Dead. Moi, ce qui me faisait aussi un peu peur au début avec cette série, c'était un peu les persos secondaires, mais finalement, ils sont quand même assez bien attachants, et on va dire, ils interagissent vraiment bien avec Bruce Campbell, surtout, il a une espèce de sidekick un peu rigolo, joué par un acteur, je sais pas, c'est vraiment le genre d'acteur, j'ai l'impression de l'avoir vu mille fois, mais je pourrais vraiment pas dire dans quoi, qui s'appelle Ray Santiago, hein, vous irez vérifier ça sur internet. Ouais. Donc, bref, quoi, une série, je pense vraiment à voir, bah, pour les fans de la saga, pour les fans de films d'horreur en général, et puis pour, on va dire, un peu les fans de comédie un peu barrée et bien rock'n'roll, quoi. Donc, un de mes coups de cœur série du moment. Ah, donc, ah, c'est cool. Plus du gore comique comme l'était Evil Dead. T'as vu les Evil Dead? Ouais, j'ai vu les Evil Dead. Ouais. C'est entre le 2 et le 3, on va dire, pour le niveau comique. Il y a combien d'épisodes? Il y en a 10. 10. Cool, ça a été renouvelé aussi déjà pour une D'accord, donc de... là pour l'instant une seule saison. Ou même ce que Sam Raimi avait fait, c'était Jusqu'en Enfer. Ah, ouais. C'était drôle, ça. C'était génial, ouais, ce ouais, film. Ouais, un peu dans le même style. C'était et bien. Puis aussi, ouais, ce que je voulais dire par rapport à la série, c'est un format que je trouve assez sympa, c'est 25 minutes l'épisode. Ah, c'est bien ça aussi. Ah oui. Donc voilà, il n'y a pas trop le temps de se lasser, il n'y a pas de temps mort. Donc ouais, c'est vraiment. Ouais, 25 cool. minutes, ouais, c'est rare bien. Maintenant. Ouais. C'est rare, ouais, c'est bien. C'est plutôt appréciable en fait comme format, mais c'est bien. Cool. Julien, toi? Alors moi, à part jouer à Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, dont je parlerai sûrement dans 2 semaines, parce que j'en suis qu'à 30 heures de jeu, donc le jeu étant... Donc là, tu fais le jeu complet, t'as fini ton prologue. Ouais, j'ai fini Grand Zeroes et j'ai attaqué depuis 2 semaines, donc je joue une trentaine d'heures. Tu nous as fait quoi sur Grand Zeroes, t'as tout fait Bon, j'ai joué une vingtaine d'heures, j'étais pas platiné, mais t'as... Ouais, non, d'accord. J'ai fait à peu près 50% de la complétion, mais après, il y a des trucs qui sont moins intéressants. Mm-hmm. Et à part faire ça et regarder une série que vieille de je sais pas combien de temps, qui est Breaking Bad saison 2, voilà, j'avais vu la première saison et j'avais bien aimé, mais sans forcément... après m'intéresser à la suite. Profite, c'est donc super là, je suis à la moitié de la saison 2, je suis jusqu'en Saul arrive, parce que le prochain épisode, c'est le départ. Là. C'est Better Call Saul. Non, moi, je voulais parler du dernier Tarantino, parce que je sais que tout le monde l'a vu ici. Oui. À la base, moi, je pensais en faire, comme on avait fait pour Star Wars, un débat, mais c'est vrai qu'il y avait le débat sur les Oscars qui était plutôt intéressant. Donc moi, je suis allé le voir. Alors, pour préciser, je l'ai vu dans la seule salle française qui diffuse en 70 mm, enfin en vrai 70 mm, en ultra panavision, comme avec ils disent. Avec Entracte et tout. Avec Entracte, ouais. Qui est... Donc c'était pour 15 jours, hein. C'était seulement pour ceux qui sont parisiens, vous ne pouvez plus aller le voir. Je sais qu'il va le projecteur, enfin la pellicule va tourner dans partout en France. Enfin, partout en France, je ne sais pas où, mais il me semblait avoir vu que là, ça partait dans une autre ville. Oui, alors on voit la différence au niveau image, je me souviens plus ce que ça fait. Alors en fait, ouais, c'est une image beaucoup plus naturelle, beaucoup peut-être moins, on va dire, moins piquée. Mais avec un peu plus chaude. Est-ce qu'il y a des grains, des... Il y a un petit peu de grains et il sonne plus naturel parce que forcément tu peux mettre du grain dans du numérique, mais ouais. C'est toujours du grain un peu rajouté. Et surtout, c'est sympa d'avoir une entracte. Ouais. Alors je sais pas si pour vous, quand vous l'avez vu, il y a aussi l'ouverture en musique pendant au moins 3 minutes là. Oui. Ça. Oui, oui. Si, avec la, si, c'est ça, avec la croix. Avec la magnifique musique. Au début, il y a écrit ouverture en rouge sur un fond rouge. Non. Ah, parce que là, il y a pratiquement, je sais pas, 3 minutes de musique de Ennio Morricone. Hein, avec rien de avec imagine. Juste écrit ouverture sur fond rouge. Et tu vois la croix après. Et après, t'as la scène avec. Non, on n'a pas ça. Je crois que c'est ça. Hein, on n'a pas eu ça. Au cinéma, ça commence directement sur le dézoom. Je vais retourner le voir en numérique, donc je verrai les différences. Et t'as une entracte de 12 minutes. Ce qui peut être le bienvenu. J'aurais apprécié. Moi aussi, je crois que j'aurais apprécié. Ma vessie, j'aurais apprécié. Alors, ça, c'est assez pratique. Et qui se situe, moi en plus, je l'ai vu à 9h40 du matin, donc c'était un peu chaud pour retenir, parce que le film est quand même assez long. Et donc, l'entracte, c'était bien, ça te rebooste un peu. Surtout que c'est vraiment, on va pas spoiler le film, mais c'est vraiment divisé à une partie, vraiment, c'est prévu pour. D'accord. Voilà. Après, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. Ouais. Je dirais que c'est à la fois le film le plus radical de Tarantino, dans le sens où c'est celui où finalement c'est quand même des longs couloirs de dialogue. C'est un huis clos, donc ça prend pas du tout le spectateur par la main. Il faut vraiment rentrer dans le film. Hein. Y a des dialogues comme ça qui sont. On expose beaucoup les personnages. Il y a quand même. Y a pas tellement d'action en tant que tel. Ça bouge pas tellement. Et en même temps, je trouve que c'est son film le moins surprenant parce que tout ce qu'il y a dans ce film, on l'a déjà vu ailleurs. Que ça soit la construction en chapitre façon Kill Bill, le montage très Tarantino qu'il a déjà utilisé dans Pulp Fiction, le côté huis clos, il avait déjà fait ça dans Inglourious Bastard avec cette scène, dans le café. C'est un peu le même principe que Reservoir Dogs. Mais je trouve que toujours il remet en ce sous-contexte politique. Avec là, c'est la guerre de sécession. C'est un peu moins frontal que dans Inglourious Bastard ou dans Django, mais j'ai trouvé que c'était aussi c'est assez intéressant que ce huis clos, ça soit aussi une métaphore la division américaine. Oui, je suis assez d'accord avec ton point de vue, bien que j'ai été très déçu par les dialogues que je trouvais beaucoup plus plats que dans Inglourious Basterd. Oui, moi je viendrais également un peu mesurer ce que tu as dit, parce que je trouvais que c'était très intéressant l'idée de reprendre la scission de l'États-Unis dans l'action du film, avec la division de l'endroit en division géographique également, ceux qui vont du sud et du nord. Ouais. Puis cette idée est complètement oubliée par la suite. On n'y fait plus du tout allusion, on la laisse complètement de côté, et finalement la dimension politique du film s'arrête au moment où assez tôt dans le film, après une heure et demie du film, on n'en parle plus du tout, ce qui est normal puisque l'action évolue, etc. Mais du coup, le propos politique du film disparaît complètement. Bah, je trouve ça, pas tellement. Alors, ça, on peut pas trop en parler parce que sinon on spoilerait. Mais moi, j'y vois quand même un rapport avec l'histoire des États-Unis. Du coup, c'est très qui sont les résidents américains. C'est plutôt pessimiste, du coup, comme point de vue. Oui, c'est plutôt. Bah, oui. Ça reste Tarantino. Hein. Oui. Non, mais je veux dire, Tarantino, on l'accuse souvent. Politiquement, on sait pas trop où il se situe. Or là, pour moi, c'est quand même assez clair quand tu vois le film. Après, oui. Voilà, je trouve que le film démarre très très bien. Je trouve toute la partie dans la diligence, quand il présente les quatre premiers personnages, j'adore. J'ai trouvé que c'était juste génialissime la façon dont c'est fait, dont il tisse les liens entre le personnage, entre Sam et Jackson, comment il arrive. Et après, je trouve que, et en même temps, quand tu vois le film dans son entier, c'est toujours comme ça chez Tarantino. Au début, tu vois un peu des bouts de tableau, et après, quand tu as le tableau général, ça te donne un autre aperçu du film. La façon dont il présente les personnages de Tim Ross, de Michael Madsen, je trouvais ça un peu moins bien réussi, mais après, ça se comprend dans la construction du film et dans le propos du film. Et j'ai trouvé, moi, la deuxième partie vraiment excellente. Alors, c'est du classique Tarantino, on est vraiment dans Reservoir Dogs. Pareil. J'ai pas trop compris les critiques au niveau du film sur le fait qu'on s'attache pas au personnage parce que c'est moi, c'est ma critique principale personnellement. Mais, c'est vrai. Ouais, ouais, je vois pas tellement. C'est le reproche que j'ai, c'est que dans tous les films de Tarantino, tu suis quelque part l'évolution, là, quelqu'un qui se transcende. Tu vois, tu prends Jackie Brown, t'as Jackie Brown qui se révèle elle-même. Qui t'attache à Jackie Brown. Jackie Brown s'attache, c'est le personnage principal, et en plus, elle fait une action qui va faire en sorte qu'elle ressort en gros grandie du film. Et ça, c'est pareil pour Kill Bill, et c'est pareil pour Reservoir Dogs, et c'est pareil pour tous ces films. C'est pareil pour Pulp Fiction, c'est pareil pour tous ces films. Celui-là, c'est la seule exception. Même Django. Hein. Personne ne ressort grandi de ce film, en gros, hein, finalement. Il n'y a pas vraiment de héros. Effectivement, c'est 8 salopards. Et qui sont tous un peu détestables. Enfin, c'est dit dans le film. Il n'y a pas de spoiler là-dessus. Film, quoi. C'est les 8 salopards. Quoi. Et du coup, tu ne t'attaches pas vraiment. Enfin, moi, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'attacher. Moi, je ne me suis pas attaché vraiment. Finalement, quel que soit leur destin ou pas, je ne sais pas que j'en avais rien à faire. Mais oui, voilà, le manque d'attachement au personnage, pour moi, c'est la grosse critique de ce film. Parce que du coup, ce n'est pas que tu en as un peu rien à faire, mais pas loin. Après, le film, je trouve qu'il a des qualités formelles absolument hallucinantes. Que ce soit la musique, la réalisation, contrairement à Stan, je trouve que les dialogues sont plutôt bons. Les scènes d'exposition sont super bien faites. Je reste convaincu que c'est un bon film. Je lui mettrai, voilà ce que je disais sur Sens Critique, j'ai dû mettre 7 ou 8 sur 10. Donc pour moi, quand même un bon film. Pour moi, ça reste un Tarantino mineur, dans le sens où il n'y a pas la dimension sous-jacente de l'évolution d'un héros. Quoi. C'est pas, il ne nous raconte pas Ulysse qui revient au pays et qui fait quelque chose de formidable. Il n'y a pas une belle allégorie, il n'y a pas quelque chose de bien. Et finalement, voilà, c'est 8 salopards, voilà ce qui leur arrive. Bon, ok. Et je trouvais ça un peu dommage, quelque part. Quoi. Il y avait un côté non achevé, mineur, de ce film. Mais d'ailleurs, la critique, notamment en France, est assez mitigée. Hein. Le film n'a pas eu pour du Tarantino. Il a c'est toujours accueil. Pour un Tarantino, on souligne bien. C'est quand même un excellent film. Il reste un film. Tu ne peux pas formellement dire que c'est un mauvais film. Non, c'est ça reste très bien joué. Moi, j'ai entendu des critiques assassines, hein, notamment je crois, dans Le Masque et la Plume. Ce serait dommage. Enfin, Le Masque et la Plume. Non, mais après, ça dépend des gens qui sont invités dans Le Masque et la Plume. Mais là, pour le coup, les gens qui étaient invités avaient tous détesté le film. Ouais, ouais. Non, mais je peux comprendre qu'on l'ait détesté. Mais ils étaient tous parisiens, quoi. Il y a quand même, non, mais il y a quand même des choses que tu peux pas dire que c'est mauvais. Par exemple, je sais qu'il y a eu des critiques sur la musique. Bah, moi, je les comprends pas. La musique est absolument hallucinante. Ouais, quoi. La musique, elle est vraiment bien. Elle m'a scotché, quoi. Dès le début, en plus. Hein, alors après, c'est vrai que c'est un peu de l'auto-parodie. Bah, c'est de l'autocitation, mais. C'est de l'autocitation, il recite de ses films, quoi. Enfin, il y a certaines des musiques qu'il avait déjà écrites pour d'autres films, quoi. Et qu'il utilise là, tu vois. Donc. Je veux dire, des gens qui font de l'autocitation, je veux dire, tu vois Eyes Wide Shut de Kubrick, c'était aussi de l'autocitation. Personne n'a dit. C'était pas le film le plus apprécié de Kubrick. Hein. Oui, peut-être qu'à l'époque, maintenant, on l'a quand même un peu. Et là, c'est réévalué. Vrai que ce Tarantino-là fait beaucoup de l'autocitation de Tarantino. Clairement, c'est Reservoir Dogs dans un autre environnement. Bah, moi, ce qui me fait dire, c'est que je suis très curieux de voir le prochain Tarantino. J'ai l'impression que celui-là, en fait, c'est vraiment Tarantino nous dit bon, allez, j'ai un dernier film à faire sur un point de vue politique que j'ai envie d'exposer et après je passe à autre chose. Moi je le ressentis vraiment comme ça, c'est-à-dire que et puis, j'avais lu un article là-dessus qui disait que il soulignait le fait que ça soit son 8e film. Déjà si tu comptes, du coup tu te rends compte que Kill Bill compte pour lui pour un seul film. Ouais. Et il avait ses 4 films très cinéphiliques et ses 4 films très historiques. Alors après, moi j'étais pas aussi tranché que ça. Je suis pas du tout d'accord avec cet article personnellement. Bah, moi j'aime bien cette façon de voir. Oui, Jackie Brown est très très politisé. Voilà, après il compte tu vois pas dans la politique dans de la politique. Ouais, mais il est très référencé cinéphile à la Bullet Expedition. Ouais, les autres aussi. Et après dans les 4 derniers tu vois le côté cinéphile, mais il a un propos politique nettement plus mis en avant. Et c'est ces 4 derniers films. Et d'ailleurs, moi, je trouve pas que ça soit tant que ça un western. On est plutôt. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes avec The Thing de Carpenter. Ouais, c'est plus un huis clos. Oui, il y a des plans qui font très Carpenter. Il y a ce côté où est le mal. Hein, voilà, déjà le bizarre, même ça tient aussi à d'autres. Où est le mal, films, effectivement. Ouais, ça, où est le mal. Il y a quelques scènes qui font penser un peu à du Carpenter. Il y a une espèce d'ambiance comme ça, un peu oppressante. C'est pour ça que moi, le fait de pas aimer les personnages, ça m'a pas du tout dérangé. Je me suis dit, voilà, qui va. Enfin, c'est pas qui va s'en sortir, mais dans comment Carpenter, ça va se passer. Carpenter, t'as quand même un héros. là quelque part, t'as pas vraiment de héros. Ah, en peut-être fait, un peu entre Samuel Jackson et le shérif. Le shérif, alors, ouais, le shérif moi je joue très mal. Ah, il est hallucinant, je trouve. Ah, il est génial, cet acteur. Attends, le mec, son accent est tellement forcé, tellement mal forcé que j'avais mal aux oreilles à chaque fois qu'il parlait. Et Dim, tu l'as vu aussi alors? Ouais, je l'ai vu aussi. Mais cet acteur là, Walton Goggins, enfin il joue comme ça, enfin bon, faut dire, moi je suis pas objectif, je suis fan de la série The Shield où il jouait dedans, et justement j'étais content d'avoir un film où voilà, il pouvait vraiment exploser à l'écran, enfin moi je ils volent la velette à Michael Madsen ou à Tim Ross qui fait un peu du Christopher Gant, je trouve, de c'est exactement ce que j'ai dit à Dim et Stan la dernière fois quand on en parlait off, que t'étais pas là encore je crois, mais j'aurais dit, mais en fait il voulait Christopher Waltz, mais que Tim Ross quoi, parce espèce qu'il... de truc très distingué c'est exactement sans ça trop bandir à son personnage de Tim Ross hein. Juste dans son interprétation on dirait Christopher Waltz quoi, enfin oui, maintenant clairement. Vous le dites c'est hallucinant. Et on peut citer aussi Jennifer Jason Leigh qui est vraiment excellente pour moi, je l'aurais vu aussi nominée pour le coup qui est pour moi vraiment celle qui joue le mieux, même encore au-dessus, enfin pour moi elle vole le film carrément. Avec Samuel Jackson aussi, Samuel Jackson qui fait du Egg Jackson qui est toujours très bon, ouais il est bon quand même. Donc on peut que vous trouver, vous conseiller pour ceux qui l'auraient pas vu. J'ai juste une petite question bête, l'entracte ça consiste en quoi alors? C'est juste une pause de 12 minutes tu sors de la salle ou pas? Tu sors de la, moi je suis sorti de la salle, les gens sont sortis machin, et l'entracte il y a pas de musique pour l'instant, d'accord. Donc je sais plus s'ils avaient pas remis la musique parce de Go, parce que dans 2001 l'Odyssée de l'espace t'as une entracte avec musique qui était jouée mais je sais plus trop, mais c'est vrai que certains m'ont dit ouais mais ça te sort pas du film, mais en même temps j'ai trouvé ça bien que ça te sorte du film, toi il y a des chapitres quoi, ça coupe un chapitre donc voilà. Et alors je sais pas si vous avez pensé quoi du 70 mm, parce que même si tu le vois en numérique il est quand même tourné en 70 mm, donc avec des lignes de fuite un peu plus tu vois plus loin, malheureusement on les voit pas assez peut-être. Moi j'ai envie de dire c'est, il faut connaître l'image, il faut savoir ce que c'est à 70 mm etc, c'est vraiment du c'est pour les connaisseurs C'est pour les connaisseurs mais moi qui travaille dans l'image j'ai envie de dire oui, il faut vraiment chercher quoi. Est-ce que c'est alors toi qui as vu le 70 mm, est-ce que c'est pas un peu de l'enculage de mouche sans passer moi l'expression, mais moi j'ai trouvé que ça donnait une image quand même très différente, donc t'avais un côté plus entre guillemets naturaliste, c'est-à-dire que tu t'étais parce qu'il y a quand même pas mal de gros plans, il y a beaucoup d'utilisation des visages, donc t'as un côté, t'as l'impression que t'as une impression de plus de réalité en fait. Alors c'est-à-dire que, et ça on questionne l'image en elle-même, c'est que depuis quelques années on estime que l'image vidéo est l'image de la réalité et que l'image ciné est l'image est une image filmée. Ouais, c'est vrai. Toi, dans tes yeux, l'image ciné t'a paru plus réelle? Bah oui, j'ai l'impression que je me sentais plus proche des personnages, en fait, plus il y avait moins de distance qu'un truc numérique. Tu vois, ça va être intéressant, ça interroge aussi le dernier Hobbit de Peter Jackson, qui le voulait tout en numérique, 60 images secondes, etc., avec une image qui paraissait du coup hyper écrante. C'est 48 écrans, images secondes, je crois. 48, t'as raison, les caméras... Et ça fait très bizarre d'ailleurs, parce que ça fait une espèce de réalité un peu comme si tu voyais un documentaire. Alors que dans le 70 mm, pour rappel, ceux qui ne savent pas, c'est 24 images secondes. Mm. Non pas 25 comme le numérique, mais 24. Ouais. Et ça fait une impression un peu floue sur l'image que toi, tu as estimé être plus réaliste. Et d'ailleurs, il joue beaucoup avec ça, parce qu'il met du premier plan et du flou en arrière-plan quand tu vois des personnages, et il alterne en fait entre les deux. Des fois d'ailleurs, c'est un peu grossier, on voit que c'est un plan remonté, truqué. Ouais, mais je trouve que cette technique de 70 mm, elle donne beaucoup d'espace en fait à un lieu qui est clos. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est d'avoir intéressant, utilisé c'est dans un micro. Il a joué sur les focales, vraiment. Il peut mettre plus de personnages à l'écran que dans un film normal, à la limite. Mais ça, c'est du panoramique. C'est du panoramique, mais c'est aussi du... Ouais, parce que c'est un 2.76, je crois. Ok. Bon, voilà, moi, je vous le conseille. Je trouve qu'il y a ça tourne un peu à vide à la fin de la première partie. D'où l'entracte. Nous, qui n'avons pas eu d'entracte, on a ressenti le ventre mou. Moi, je l'ai ressenti. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, il faut que ça passe à autre chose. Voilà. C'est ça. Heureusement, ça redémarre à ce moment-là. Ça reste un long film. Après, est-ce qu'on a besoin aux gens de le conseiller? Je ne sais pas si on doit le conseiller dans le sens où c'est déjà un carton monstrueux en France. Il marche super bien. Ce film. Il a fait des super entrées. Je pense que les gens. Dans l'absolu, ça reste un bon film. Moi, j'irai le revoir. Je vais le revoir vendredi. Je pense que ça vaut le coup d'aller. Dans l'absolu, un bon film. Rien que pour se faire un avis. Oui. Ça vaut le coup de le voir. Super. Bah après, moi, j'ai été voir des grands films aussi. Et toi, Stan, qu'as-tu fait au cinéma? Après avoir vu un bon Tarantino, t'as été voir un film aussi bien. Oui. Quasiment, qui s'appelle... Bon, vous aurez le droit de me bâcher sous vos commentaires. J'ai été voir Touchous. Ah oui, j'ai dit que j'irais le voir. J'ai tenu à parler. Je crois que c'est le pire film que j'ai vu depuis il y a au moins 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai pas vu un film aussi atroce. Mais j'ai pas vu Aladdin. Je pense qu'il y aurait une corde au plafond, je me prendrais. 50 nuances degrés, t'es pas non plus. C'est dans un autre style, c'est vrai que ça, ça approche 59 degrés. Aladdin, non, mais là, Aladdin, tu l'avais vu avec Kevin Adams? Non, bah quand même. Je... Bah, attends, t'as été voir Touchou. Oui, je sais. Ah, mais t'aimes bien José Garcia. Oui, enfin, j'aimais bien. Je... ah ouais, à ce point-là. Ouais. Non, mais là, je sais pas, il a pas été dirigé ou n'importe quoi. C'est... Ah, il est en roue libre. Non, mais en fait, la première scène, il boit de l'alcool et il fume des joints ou je sais pas quoi. Donc, il est complètement stone. Il fait ouais, c'est trop cool, je suis un écrivain succès, vous comprenez. Tu te dis, c'est la première scène, il est comme ça. Et en fait, il joue comme ça pendant tout le film. Oh, putain. Il y a aucune nuance. Il est stone pendant tout le film. C'est juste super énervant. T'as envie de le baffer du début à la fin. Bon. Voilà. Bon, bref, n'allez pas voir Touchous. Ou alors donc, faudrait faire une rubrique le spoil d'intérêt public, quoi. Oh là là, oui, voilà, c'est ça. Et on raconte la fin, quoi. Bon, alors, à la fin, il réussit le ski à neige. Il réussit le ski à neige. Presque à jeun. Personne n'est allé le voir. Les gens bon, il y a que moi qui ai été le voir, évidemment. Bon, après, évidemment, voilà, un meilleur film, on l'a évoqué dans les commentaires, notamment avec Yao, c'est Le Garçon et la Bête, que tu as vu, toi, avec ta fille, c'est ça? T'es resté mitigé, je sais pas, j'ai pas compris. J'ai trouvé toute la première partie très sympa, l'apprentissage, et après je trouve que ça part un peu. Il y a une rupture un peu étrange en fait. Une rupture un peu étrange quand il est un peu plus âgé, tout ça, je trouve ça un peu moins réussi. Maintenant en termes d'animation, c'est vraiment génial. Après, moi je l'ai vu avec ma fille de 5 ans, il y avait quand même pas mal de gros mots. C'est un truc dont tu fais pas gaffe quand t'es tout seul. Oui, en VO, je sais pas. Mais là, je voyais des parents, des fois ils étaient comme ça, ils se retournaient un peu. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ah, tu sais, des fois ils disent genre ouais, connard, tu fais chier, des trucs comme. Enfin, tu vois, des trucs, c'est pas non plus. Des trucs hallucinants. En VO, il y a beaucoup de merde et comme ça, c'est traduit merde. Ouais, c'est traduit, voilà. Donc, ce qui est normal, hein, c'est pas non plus un film pour les enfants à la base. Moi, j'ai emmené ma fille parce que je voulais le voir, donc je lui ai dit, tu vas voir Le Garçon et la Bête, c'est un dessin animé. Donc, ça va te plaire. Je me suis servi un peu de prétexte pour y aller, tu vois, parce que je la gardais, donc fallait bien que. Tu veux voir Les 8 salopards, c'est un film qui va te plaire. Mais elle a bien aimé. Non, non, mais moi, je le conseille plutôt, surtout si vous aimez ce réalisateur qui a fait Summer Wars, La Traversée du Temps, les Enfants Loups avaient le même truc avec l'histoire de l'enfant qui grandissait avec un deuxième temps dans le film qui était peut-être un peu plus lent que le premier temps. Moi j'étais assez touché par les thèmes abordés, que c'est classique comme ça. Et pour le coup, ma fille a bien aimé, elle m'a dit oui, c'était vraiment très bien, enfin avec les parents. Avec quel âge ta fille? Elle a 5 ans. Elle est avec les parents, au début, tu sais, il n'y a pas ses parents, il n'y a plus sa mère, donc le fait qu'il soit recueilli par. Et puis il y a le monde des animaux, enfin le monde des bêtes, donc tout ça, ça fonctionne assez bien. Même le côté grosse baleine aussi, ça fonctionne. Tu vois, les enfants, ils voient des choses parfois différentes. C'est vrai. Quand j'ai vu Vice Versa, elle s'attachait à d'autres choses que ce que toi tu peux voir dans le film, ce qui est normal. Hein. Et donc, des fois, des trucs, tu te dis, ça va la saouler ou ça, elle va pas forcément comprendre. Bah, il y a d'autres choses qui vont capter son attention, quoi. Oui. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était un joli film et j'ai vu aussi Et ta sœur hier. Greg, tu l'as vu? Oui. Avec Virginie Fira. Et Virginie Fira, Grégoire, comment il s'appelle l'acteur? Du Palmacho. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Le mec du Palmacho. Voilà. Et puis avec l'actrice dont j'ai oublié le nom aussi, la troisième. Voilà. C'est très, très productif. Hein. Bon, elle est sur Allociné en gros. Ah, son partenaire Allociné vous donnera toutes les infos nécessaires pour ça va. Et ce pour la bonne XM. Non mais voilà, moi j'ai trouvé très bon film. Hein. Greg, t'as été pas mal, pas mal. Je dirais pas très bon film, je dirais que c'est divertissant. Mais c'est parce que t'as pas aimé que j'ai aimé moi. C'est en fait, pas su que t'avais trouvé oui, ça en fait, moyen. Oui, en fait j'avais dit que c'était un peu. Enfin, pas chiant, mais voilà, j'avais trouvé ça moyen, un peu film français. Marion Vernou en même temps. Mais du coup, quand tu t'attends à un truc pas terrible, ça peut faire la petite blague quoi, mais après c'est pas un grand film non plus. Non et vu qu'on parle de déception, moi j'étais voir Légende hier avec Thomas. Ah, oui. C'est vraiment pas terrible. Ah bon? Enfin vraiment manque de rythme. Précise que tu l'as vu en VF. Je l'ai vu en VF. Quoi, avec quelle idée? C'était voilà. malheureusement j'habite pas à Paris et la plupart des ciné sont en VF, ça c'est vraiment dommage. C'est ce que je me disais, j'arrivais pas à savoir si c'était Tom Hardy qui jouait mal ou si c'était à cause du doublage, mais j'ai ressenti vraiment un malaise pendant le film. Bon, il interprète deux personnages, surtout un des deux jumeaux. Il l'interprète de façon, mais c'est forcé, c'est caricatural, c'était vraiment pas terrible. Et ce que je disais aussi, il y a un gros problème de rythme, il dure 2 heures, mais bon, j'avais l'impression d'être resté 3 heures dans la salle, voire plus. Oh putain, les films de 2 heures. Il se passe pas grand-chose, grosse déception en tout cas, n'allez pas le voir. Malheureusement, aucun de nous l'a vu, donc on n'est pas possible de contrebalancer avec toi. Si parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui l'ont vu et qui ont trouvé des points positifs à ce film, n'hésitez pas, ou qui au contraire sont d'accord avec Dim, hein. J'aimerais bien savoir si c'est dû à la VF en fait. Voilà, ouais, au moins savoir si la VO est mieux. Voilà, ça serait bien qu'on puisse savoir. Promotion canapé, on a fait le tour, hein, je crois. Il y a un petit grésillement de micro. Julien, c'est pas toi? Voilà, merci Greg. Coupez mon micro. On va évoquer les sorties ciné des 2 prochaines semaines à venir. Bah, Dim, t'avais la parole. Qu'est-ce que tu comptes aller voir le 27 janvier? Jane Got a Gun. Ouais. Parce que j'aime bien les westerns. Alors après, celui-là, je sais pas, ça sera vraiment à voir. Le casting est quand même assez solide. Il y a Nathalie Portman, Joel Edgerton et Ewan McGregor. Bah, pas mal, tout ça. J'ai pas vraiment vu de review, je sais pas si ça vaut le coup ou pas. je me ferai, on va dire, mon avis moi-même en allant le voir. Après, bah Greg, tu parlais de Spotlight tout à l'heure, je l'ai retenu aussi. Julien aussi. Ouais. Spotlight, ça a l'air terrible. Ouais, bah rien qu'au niveau du casting, déjà, ça envoie du lourd. Alors, j'ai peur que ça soit un peu académique. Ouais, moi, voilà, c'était ma question. Moi, je ne l'ai pas mis parce que la bande-annonce m'a suffi, en fait. Ouais. Oui, ça a l'air d'être assez académique. Hein. Donc, la bande-annonce, elle plombe. Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel McAdams, c'est donc ça rappelle un peu, enfin, ça raconte l'histoire d'une enquête du Boston Globe qui a mis à jour un scandale sans précédent au sein de l'Église catholique. Voilà. Une franche comédie, donc. Voilà, c'est ça. J'imagine qu'on va voir beaucoup de pression à l'écran, beaucoup de jeux d'acting. Ça va être l'acting dans le Hollywood, quoi. Enfin, ça va être un film à Oscar, moi. C'est un film à Oscar, clairement, mais bon, il avait l'air efficace. Il avait l'air efficace quand même. Greg, tu voulais voir aussi, qu'est-ce que t'as mis? La cinquième vague, pourquoi pas. Je l'ai mis aussi, tiens, je sais même pas ce que c'est juste des extraterrestres. Moi non plus, voilà, c'est ça. C'est un film avec extraterrestres avec Chloé Grace Moretz, donc celle qui jouait dans comment s'appelle Kick-Ass. Kick-Ass, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, voilà, il y a une invasion d'extraterrestres appelés les autres dans le monde dans lequel elle vit. Hein. Et voilà, bon, en gros, on n'en sait pas beaucoup plus. C'est un peu énigmatique. Vous avez pas vu la bonne annonce? Si, moi je l'ai vu. Je l'ai vu. Il raconte un peu justement ce que c'est la cinquième vague. En fait, c'est les différentes vagues d'attaques d'aliens. La première vague, c'est genre ils arrivent. La deuxième vague, c'est ils coupent nos communications. La troisième vague, c'est ils commencent à répandre une arme ou je sais pas quoi, enfin voilà. Et on les voit dans la bande-annonce, On voit les vaisseaux, on voit pas les aliens, et justement apparemment ils peuvent prendre forme humaine, hein, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce, puisque à un moment elle braque un mec, le mec la braque et elle dit qu'est-ce qui fait dire que je peux pas, que je dois pas vous tuer, et en gros bah c'est le fait que je vous ai pas déjà tué, sinon je serais un des leurs, quoi, tu vois, en gros ils peuvent prendre la forme qu'on a, quoi. Ça rappelle un film, ça. Des années 50-60. C'est V. Non, il mange des souris. Ah, oh, comment s'appelle ce film? Je suis désolé, c'est un film où les extraterrestres prennent la forme. L'invasion des extraterrestres. Des propagateurs de sépultures. Je sais plus, c'est ça. Ils prennent la forme d'être humain. Du coup, c'est ça. Ils deviennent juste bizarres, en fait. Voilà, ça me fait penser un peu à ça. À voir, hein. Ouais, pourquoi pas. Moi, je vais évoquer juste un film français, Encore heureux. Je suis toujours le seul qui parle des films français, les gars. Moi, j'avais pas vu tes sélections et j'allais te dire, mais pourquoi tu n'as pas mis Encore heureux? Voilà. Bah, j'ai mis Encore heureux, mais alors je me suis tâté à le mettre, moi. Mais moi je l'ai mis. Bon, la bande-annonce m'a fait sourire. Après, c'est pas un grand film, je pense, mais voilà, je me suis redécouvert une passion pour Sandrine Kiberlin depuis que je l'ai vu dans Elle. Passion pour Sandrine Kiberlin. Je crois que tu es le seul au monde. C'est incroyable. Mais excusez-moi les gars, est-ce que vous avez vu Elle l'adore? Non. Voilà. Non, mais merci. C'est une très bonne actrice. Ouais, mais j'ai une passion pour Sandrine Kiberlin. J'ai toujours pensé que c'était une très bonne actrice. Ah oui. Non, elle joue bien. Elle joue bien. Elle a joué dans de très très bons films, notamment avec Laetitia Masson. Elle a fait des films quand même incroyables avec elle. Je l'avais un peu mis de côté, je l'avais oublié. Je l'ai redécouverte dans Elle adore, où elle a une scène juste splendide, où on aurait dû lui donner un César rien que pour ça. Où j'ai été bouleversé par sa prestation, mais elle est incroyable, cette actrice. Et je trouve qu'on la sous-estime. Encore heureux, alors. Par contre, t'as vu la bande-annonce de Encore heureux, c'est pas du tout crédible. Non, j'ai vu la bande-annonce de Encore heureux. Edouard Baird en espèce de type qui fouille dans des bennes. Mais le type, non, mais je suis d'accord. C'est star, j'espère, au moins. Bah, après, alors, il nous met une grosse barre pour faire style. Il est complètement. Mais je suis d'accord. Après, il y a un petit côté touchou. Voilà, ça va être la nouvelle référence. Non, mais tu vois, il a toujours été un peu le côté un peu dandy ultime. Oui. Et là, c'est complètement Je mise pas à Copec sur ce film. J'ai envie de revoir Sandrine Kiberlin. Pourquoi pas, quoi. J'aime Sandrine Kiberlin. Excusez-moi. C'est pour Sandrine Kiberlin. Pour moi, en fait. Je suis en train de la placer presque au niveau de Catherine Deneuve. Oh là là. Dans mon petit panthéon personnel. Excusez-moi. Voilà. Non, mais on t'excuse. Bon. Julien, tu nous as parlé de 45 ans. Bah oui, ça 45 sort tout de suite, en fait. Bah oui, ça sort là. J'en ai pas entendu parler. Je l'ai pas mis, moi. J'ai pas vu la bande-annonce. Du coup, j'irai peut-être. Je sais pas si c'est bien, mais moi, c'est pour Charlotte Rampling. Mais oui, j'adore beaucoup Charlotte Rampling. Mais malgré ses déclarations. T'as une passion ou pas? Est-ce que t'as une passion pour Charlotte Rampling? Je me suis redécouvert une passion pour Charlotte Rampling. Eh les gars, ça va? Non, mais par exemple, je l'ai beaucoup aimé dans Swimming Pool. On en avait parlé une fois. Ouais, ça commence à dater, mais je suis d'accord. De Ozon, mais même, allez, voilà, je la trouve. Sous le sable aussi, t'as bien aimé. Ouais. Tous les films d'Ozon, j'aime bien généralement, donc c'est souvent là que j'ai vu Charlotte Rampling. Mais voilà, le film a pas l'air extraordinaire. De mémoire, le pitch, c'est en fait un couple qui va fêter ses 45 ans de mariage. Et en fait, le mari apprend qu'ils ont retrouvé le corps de sa première petite amie qui avait disparu depuis autant de temps. Donc forcément, ça va... C'est un thriller. Pas un thriller, parce que c'est plutôt une étude psychologique autour du couple. Et c'est-à-dire qu'elle va se demander qu'est-ce qui serait arrivé si cette femme n'était pas morte. Est-ce que finalement, il serait resté avec elle et ils n'auraient pas eu la vie qu'ils ont, voilà. Ah d'accord, je pensais que c'était genre elle l'a tué, quoi. Non, au début, je pensais que c'était un thriller. Oh là, il le retrouvait, parce que tu sais, au début, tu sais pas que c'est quelqu'un qui est mort il y a longtemps. Ouais. Voilà, je pensais que c'était quelqu'un, genre le mec l'a tué il y a pas longtemps, quoi. Oui, voilà, un thriller. Mais non, en fait, pas du tout. Après, c'est simplement de s'interroger. C'est quoi? C'est un film, bah non, puisqu'il est au. Ah oui, je suis con. Il est américain. Enfin, c'est un film tourné en langue anglaise. D'accord. Mais je sais pas si c'est... Donc, c'est forcément un film américain, puisqu'il est au Oscar. T'as vu Broadchurch ou pas? Non. Il y a Charlotte Rampling. Ah, c'est vrai qu'il y a Charlotte Rampling. Ouais, dans la saison 2. Dans la saison 2. Ouais. Non, j'ai pas vu. Dernier film que je voudrais, qu'on va évoquer pour le 27, c'est tu veux voir la ressortie de The Thing. Il ressort ouais, encore bah en fait, bah il ressort The Thing, donc t'en parlais tout à l'heure, Julien. Donc, il y a un grand classique du huis clos. Et... Ah ouais, c'est bon, voilà. C'est logique qu'il le ressorte. Hein. Comment ? C'est logique qu'il le ressorte, parce que quand il y a un Tarantino qui sort et que Tarantino ouais, cite des gens, ils ressortent tous les films. Donc là, tu dois avoir les Corbucci, tu dois avoir... ouais, c'est marrant. Donc, comme ce que je disais, moi, j'habite pas sur Paris, je pense pas que j'aurai la chance de le revoir au ciné, mais bon, moi, j'ai aussi une grande passion, c'est John Carpenter. Là, je comprends cette phrase. Là, voilà une phrase que je comprends. Alors, le jour où Carpenter phrase logique. Va faire tourner Sandrine Kimmerlin. Oh putain, ça va être génial. On a plus le droit d'aimer une actrice simplement, juste non, comme mais... ça, voilà, parce qu'elle joue bien. Bon. Mm-hmm. C'est du bashing, moi je dis. Le 3 février, on va tous voir les mêmes films, sauf Dim, bien sûr. Sinon, j'avais un conseil. Ah. Non, mais j'avais un conseil pour ceux qui aiment John Carpenter. Il y a un groupe génial qui s'appelle Zombie. Non, mais c'est une blague, là, tu ne fais pas un conseil au milieu non, de la. Non, on n'écoute pas. Mais non, en fait, parce que John Carpenter, il faut savoir qu'il compose la bande originale de tous ses films, pratiquement. Et c'est un grand compositeur de musique de films. Et il y a un groupe qui s'appelle Zombie, qui est un groupe français, et qui, en fait, a fait des reprises de. À la sauce Zombie, qui a fait des reprises de John Carpenter. D'accord. C'est génial, j'ai pu les voir en live, c'était terrible. Tu les as vus en live, ouais, je les ai vus aussi en live à l'époque de Zombie. C'est un groupe génial, il faut écouter leur le seul album d'ailleurs de Zombie. Donc tous ceux qui ont une passion pour John Carpenter. Voilà, pour une passion, écoutez Zombie. Je sais pas si Dim a écouté leur album. Oui, j'ai écouté. Et il est génial. En live, bah, complètement génial. John Carpenter, complètement film d'horreur. Enfin... Ouais, c'est clair. Donc revenons sur le 3 février, maintenant que Julien nous a glissé une un conseil. Mais quel salaud. Alors, le 3 février, on va tous voir les mêmes films, mais d'abord, je voudrais que Dim nous parle de Point Break. Ah, j'ai choisi Point Break. Ah, fallait le choisir, c'est le moment touchou. Ah, j'ai le droit, hein, tu vois. C'est le petit plaisir coupable. Et la passion. Bonne annonce que j'avais jamais vu et que j'ai vu la dernière fois au cinéma. Oh, l'horreur. Qui m'a vraiment bien fait marrer. Ça a l'air tellement con. Ouais, ça a l'air bien pourri. Non, ça a l'air pas du tout fidèle à Point Break, surtout. En plus, ouais. Bah, ouais. Est-ce que t'as revu le Point Break des années 80 déjà? Ah, bah oui, moi je l'ai revu. Tu l'as revu récemment? Non, je ne l'ai pas revu, à mon avis, c'est un peu mal vieilli. Je non, sais c'est pas, génial, mais c'est génial. Un peu mal vieilli. Ah, non. C'est pas si mal quand même. Il y a quand même des plans qui font un peu Top Gun, c'est avec la lumière. Là, pour le nouveau film, ils ont gardé, on va dire, comme base les sports extrêmes et les braquages. Quoi, mais ils font plus du surf. Ils essayent de surfer plus sur Fast and Furious. Ils sautent d'un avion en l'air ou je sais pas quoi. Enfin, c'est plein de conneries à la con. C'est nul. Tout ce qui m'avait fait vraiment hurler de rire au niveau de la bande-annonce, à un moment donné, t'as un gars qui est en moto et qui dévale une montagne. Il y a une espèce d'éboulement. De pierre en image de synthèse toute moche. Mais c'est pas genre réalisé par quelqu'un de connu ce truc, genre Catherine Bigelow ou je sais pas quoi. Le Point Break. Ouais, non, le remake là. Ah non, mais l'original à la base, oui. Là même là. Non, non, ça a pas été refait par quelqu'un de connu. Catherine Bigelow. Alors il s'appelle. Nul. Non, c'est Erickson Core. Ah non, ok, je croyais que ça avait été refait par un mec connu justement et qui avait un peu après critiqué. Mais je peux te planter avec un autre film. Pardon. Autant pour moi. Ok, bon, donc Point Break, hein, Dim, écoute, bon film, chapeau. Moi, j'ai beaucoup aimé le petit commentaire de l'affiche, c'était un truc du genre ils vont dépasser les limites. Bah ouais. un peu trop là. Vous avez été trop loin, les gars. Le premier film, il est génial, c'est une espèce de comme ça, de film sur l'homosexualité latente. Ouais, clairement. Ah, il faut revoir ce film. Non, mais c'est génial. Bon film, moi, je dis pas qu'il est pas bien. Hein. J'ai dit juste que. Il est un peu vieilli. Quoi. Voilà, tu sens l'influence de l'époque, c'est tout. Ouais, bon, en plus, dedans, t'avais quand même le boulet Keanu Reeves. Hein. C'est quand même. Comment ça, le boulet? Bah, il est nul, Keanu Reeves, comme acteur. Après, quand tu l'utilises bien, il peut être sympa, mais c'est quelqu'un qui a un peu. Comment ça, il est nul comme acteur? Bah, il est nul, c'est-à-dire qu'il a un peu de deux expressions. Bon, allez, le podcast va durer trop longtemps si on se lance dans le débat, mais je ne suis pas d'accord. On va clôturer vite. Tu peux me défendre un rôle de Keanu Reeves, tu vois, dans Matrix. Il est très bien, Patrick Swayze, voilà, pour Patrick Swayze. Ouais, Patrick Swayze, il est très bien, mais il est. Sois-y. Mais ouais, aussi, voilà, il a un physique. Mais moi, je trouve le film excellent. Non, je suis d'accord. Le film. Moi, je l'avais vu au cinéma à l'époque, c'est pour vous dire. Hein. Ah ouais. Le premier Point Break. Moi, je trouve ça un film génial. C'est un mec génial, Keanu Reeves. Ah oui, je ne dis pas que c'est pas un mec génial, mais il est assez limité comme acteur. C'est toi qui es limité. Je crois que Greg s'est redécouvert une passion pour Keanu Reeves. J'ai une passion pour Mais le dernier film d'Eli Ross, il est plutôt bon dedans. Ah, bah oui, parce que oui, voilà, il joue le mec étonné. Dans John Wick, il était très bien. Il joue le mec étonné dans John Wick ouais. Non, il fait le mec ténébreux. Attends, il y avait un film tout pourri là, avec des démons là. Comment c'est Constantine, non? Constantine, ouais. Oh là, ah oui, c'était nul ça. Mais attends, tu cites les pires merdes. Évidemment. Tu peux faire Johnny ça. Johnny Mnemonic, il joue pas dans la. Tu peux faire ça pareil. Johnny Mnemonic. Ah non. Stop, Julia. Lui, il était le meilleur, c'était dans le truc, tu sais, avec tous les junkies là. Comment s'appelle ce film en presque animation là. C'est des trucs tournés, ils rajoutent Scanner Darkly. le scanner. Ah, je l'ai pas vu ça. Il était bien parce que finalement il l'avait complètement retouché. Tu as vu ça? Non, c'est sur les junkies. J'ai pas vu ça. Bon, bref. Et sinon, le même jour, il y a quand même Steve Jobs de avec Fassbender et un film de Danny Boyle. Kate Winslet et Seth Rogen. Donc Danny Boyle, donc sur Steve Jobs. Hein. On en a déjà parlé moult fois. Voilà. Moi, j'ai très envie de le voir. Pour Sorkin. En plus, voilà. Lui, scénarisé par, écrit par Sorkin. Donc déjà, ça c'est et juste la bonne annonce. En plus, elle est hyper prometteuse. Enfin, elle leur vend du rêve, je trouve. Ça a l'air d'être un grand film. Ça a l'air d'être à un autre niveau que le premier film de Jobs, complètement nul. Ouais, ça, à mon avis, c'est un bon film. Ouais. Oh, c'était nul, putain. Ah, j'ai pas vu ça. Ah oui, bah t'as bien. Je me méfie quand même de Danny Boyle, mais bon. Je me méfie un peu de Danny Boyle. Je me méfie un peu de Danny Boyle. Dans mais Sorkin, ouais. C'est pas un réalisateur. Il peut faire de bonnes choses. Oui, mais il peut aussi faire des trucs un peu standard. Il a jamais fait de mauvais films, Danny Boyle. Bah, ça fait longtemps qu'il a pas fait de bons films. C'est plutôt ça. C'est plus un réalisateur un peu neutre qu'un réalisateur. Il est devenu un peu mainstream, c'est ça que vous voulez dire en fait. Avant, il avait un problème. Il a fait La Plage quand même, c'est pas un très bon film. Quoi. Ah, Au revoir aujourd'hui, c'est pas si mal. Oh, c'est pas super. Non, Slumdog Millionaire. Ça, oui, ça c'est le côté mainstream. C'est bien Slumdog Millionaire. Oh putain. Mais ça c'est le côté mainstream de Danny Boyle. Mais 28 jours plus tard. Attendez, ce podcast on va l'arrêter là. Moi, 28 jours plus tard, je suis pas trop fan. Ah, mais si, pour l'époque c'était super. Non, mais là il est en train de partir. Arrêtons, ce podcast est en train de partir sur chaque truc. On est en train de s'engueuler. Non, mais ça, bon. Anomalisa, allez. Critique Express. Anomalisa, on en a parlé. Anomalisa, on vote pour. On en a parlé dans le dernier podcast. Charlie Kaufman. Voilà, c'est pour Charlie Kaufman qui est donc le scénariste de Eternal Sunshine of Spotless Mind et qui donc est à la réalisation. Adaptation Human Nature dans la peau de John Malkovich. Aussi, je dis ça, j'ai les notes sous les yeux. Pour les scénarios. Il a aussi réalisé des films. Ça a l'air complètement fou, Anomalisa. Donc c'est une Pas beaucoup moins notable. Il a fait Adaptation et l'autre, comment s'appelait Qu'est-ce qu'il a fait en réalisateur principal film. Je regarde, excusez-moi, je prends réalisateur. Merde. Il a mis ça comme réalisateur. Non, mais il y a un film qui est hyper connu à part Adaptation. Dans la peau de John Malkovich. Avec John Malkovich. Oui, bah, dans la peau de John Malkovich, ouais, oui. C'est ça. Ouais. Mais c'est pas lui qui a réalisé. Non, en fait, c'est Spike Jonze. Non, mais de quel film il a réalisé Human Nature, non? Ah non, c'est dernièrement. Non, rien. Rien, non, il a fait une pause en réalisation. Ah, il a fait une pause. Bref, en tout cas, là, il revient, hein, voilà, en réalisateur. Oui, on repasse. Et c'est avec un film d'animation marionnette qui a l'air complètement barré et qui est une réflexion sur l'humanité, etc. Ça a l'air d'être un peu barré, un peu pointu, mais bon, c'est Charlie Kaufman, donc on lui fait confiance, quoi. Ça ressemble un peu à Heure, tu sais, le film de ouais, Spike peut-être, Jonze. Peut-être. Le film de Spike Jonze, justement. Heure. Ah, que j'ai pas vu du tout. Avec t'es pas ça que Joaquin Phoenix. Ah mais non, Heure, oui, je l'ai vu, j'ai complètement oublié que c'était Spike Jonze. Mmh. C'était très beau film. Ouais. Un très bon film ça. Ouais. Bon film. Vivement qu'on ait ça. en réalité, en vrai. Un compagnon. Tu veux dire Scarlett Johansson? Non, non, je m'en fous de Scarlett Johansson. C'est André Kimberlin qui fait... Le remake français. C'est la dernière fois que je parle de mes films français, mais j'ai bien compris, je me tais. Non mais va voir Touchous. D'ailleurs, il n'y avait pas des films français là sur le... Non mais ça va être le film français bashing sur le 3 février, non. Alors si on parlait un peu de jeux vidéo. Allez, peut-être. Rapidement, il y a les jeux vidéo qui sortent au mois de là des 15 prochains jours. J'ai juste noté Crypt of the Necrodancer, ouais. Qui à mon avis peut être un jeu assez sympa. Oui, c'est une sorte. Alors, tu me prends un peu de cours parce qu'il faut que je me rappelle ce que non, c'est. Non, oui, mais c'est obligé, une sorte. Voilà, c'est... Non, c'est une sorte d'un mélange entre un roguelike et un jeu de rythme. Exactement. Voilà, qui se passe sorti sur PC. Dans une crypte. Dans une crypte. Et il y a des Necrodancer. Non mais voilà, apparemment c'est un jeu excellent. Voilà, il arrive sur PC. Il arrive sur PS4 et Vita. Ok, il y a Gravity Rush. Toi, tu l'avais fait, il me semble, sur PS Vita. Ah, il arrive là, je sais pas, 5 février. Sur PS4, ouais. Le 5 février. Le premier du nom, hein, en fait. Très bien, très bon jeu. Voilà. Il y a le Assassin's Creed Chronicle qui continue. Il y avait le 1 qui vient de sortir. Il y a Russie qui va sortir ce mois-ci. Ah bon, encore là, c'est tout de suite. C'est les trois, en fait. Ils annoncent. Ouais, mais India, il y avait une différence. Ouais. China, c'était ça. China, il y a eu India. Plus de temps entre les deux, mais ils annoncent déjà le. Alors, je sais pas s'il va sortir effectivement. Mighty No. 9 que tu as pu essayer, Julien. Oui, bah, j'ai pas été convaincu maintenant. Le créateur de Megaman. Ouais. Voilà. Qui fait son petit jeu à lui. C'est voilà. Pas vraiment le créateur, c'est un des... Bon, oui, c'est un des participants. Un vaste débat. Vaste débat. Et Street Fighter V, pour les grands fanas de jeux de baston, qui sort février. Le 7 février sur PS4 uniquement. Ça, et t'as Dim, il va le prendre, je crois. Ouais, Dim. Tu prends Il y a des chances, il y a de fortes chances, je verrai, mais ouais, c'est possible. Mm-hmm. Et bah, on a oublié quand même un jeu qui sort à la fin janvier, c'est The Witness, dont j'avais parlé, le nouveau jeu de Jonathan Blow, qui est le créateur de Braid. Donc un jeu indé qui avait beaucoup fait parler. Ah, mais dans The Witness, c'est le mec qui est dans la nature avec son Tokiwoki. Ça, c'est peut-être... Non, je confonds complètement. Tower Watch ou un nom comme ça. Ah, d'accord, je confonds totalement. Alors, mais c'est aussi, c'est une sorte de Myst. C'est un puzzle game à la Myst. D'accord. Voilà. Donc tu te balades aussi dans la nature. Tu peux aller où tu veux et tu dois résoudre des énigmes. C'est Firewatch. Fireguard ou Fire... Ah oui, c'est ça, voilà. Qui a l'air aussi très très bien, ouais. Qui sort bientôt, je crois, d'ailleurs, non, en février. Bah, je sais pas, mais j'avais vraiment aimé. Ça... Je sais pas pourquoi je confonds les deux. Ouais, ça a l'air très bien aussi. Mais ouais, The Witness, ça sort fin du mois. On a appris le prix, d'ailleurs, c'est assez cher pour un jeu des maths, mais pourquoi pas, c'est 37 euros. Ah ouais. Mais en même temps, ça fait 7 ans qu'il le développe. Voilà. Et 40 euros, ça reste quand même pas non plus hyper cher pour un jeu vidéo. Non, surtout va. Un jeu de Jonathan Blow qui est quand même un si peu un génie. Voilà. Bread, c'était vraiment très bien. Je vous conseille un jour si vous pouvez faire Bread. Je sais pas si c'est possible de le faire aujourd'hui, sauf sur Xbox. Sur PS3, je crois, il était sorti après. PS3, ah ouais. Ah, je l'ai loupé alors. Bon, bref, on divague comme d'habitude. C'est un conseil encore. j'ai noté. Bread. Ainsi s'achève notre Upcast numéro 24, qui a finalement pas été si long. On a beaucoup digressé. Mais... Je sais pas si les gens sont encore là, mais il a pas été très deux long. 2h30. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, bien évidemment. Vous tapez Upcast, on est là. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles, ça nous aide à être plus visibles sur l'Apple. Apple. Voilà, sur iTunes, pardon. Nous sommes sur Twitter. À chaque fois, je le dis avec des pincettes. J'ai pas été, moi, j'ai plus été là. C'est Greg qui, en fait, pour que vous sachiez, c'est Greg qui met des tweets. Parfois, Julien en met aussi. Ouais. Si tu veux, je le ferai maintenant. Si... Ouais, parfois, on en met. On a un peu parlé avec Professeur Rose sur Twitter il y a pas longtemps, mais c'est vrai qu'on n'a pas eu trop d'interactions sur Twitter. De la case. La case rétro. Ah, pardon, je savais pas. Ouais. D'accord. Bon, et juste aussi signaler que le dernier podcast n'était pas en chapitrage. Oui, et je pense que celui-ci ne sera pas chapitré aussi, parce que si je dois le faire, c'est cet après-midi et je ne pourrai pas. Donc je pense que celui-ci ne sera pas désolé chapitré. Désolé pour ceux qui adorent le chapitrage. Ouais, celui-ci en fait, ça demande beaucoup de temps. Ça demande pas mal de temps de chapitrer le truc, et malheureusement, j'aurai pas le temps cet après-midi. Parce que le système et on peut pas le faire à posteriori Si, mais j'aurai pas le temps cette semaine. Enfin voilà, ça prend pas mal, ça prend au moins une bonne heure de chapitrer le truc. Parce qu'il faut l'écouter, il faut mettre pause, il faut mettre le timecode précis du chapitre, etc. C'est vraiment une grosse contrainte. Je suis pas sûr. Si j'ai le temps, je le ferai, mais je suis pas sûr que là, au moment où il sera disponible, au moment où il va sortir, il sera ceux qui adorent le chapitrage, veuillez nous en excuser. Ouais, c'est vraiment compliqué à faire, donc pour l'instant, pas trop le temps. Sinon, moi, ce que je peux faire peut-être lundi, c'est mettre à l'endroit où se trouvent les rubriques, faire un minutage, je sais pas comment on dit, mais. Ouais. Tu vois, de dire, je sais pas, 10 minutes 30, t'as cette news-là. Bon, c'est un peu c'est ça le chapitrage, en fait. Oui, mais là, que ça soit pas. En dessous, en fait, tu vois. T'as un bloc commun et puis après t'avances. Bref. Bon. C'est très important, c'est de la oui. On va couper ça au montage. Non, on va pas couper au montage. C'est moi qui fais le montage, je ne couperai pas. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur upcast.fr. C'est là où on est en fait. C'est là où les commentaires ça se passe. C'est là où c'est chaud, les gars. Venez mettre vos commentaires. Prochain podcast pour le 25. Dans les commentaires, je ferai un petit amiibo, je pense, pour un des commentaires. On fera ça dans le prochain podcast en fait. Ouais, au 25. Un amiibo. Teaser de balade. Et voilà. Podcast 25. Ouais. On va se terminer en musique. Avec David Bowie sur son dernier album Black Star. Et le morceau, c'est Dollars Day, qui est peut-être le morceau le plus émouvant de cet album. Oh. Ouais, voilà. On va finir en émotion. On vous souhaite deux très bonnes semaines à venir. Salut les gars. Salut. Salut. À dans deux semaines. À dans deux semaines. Salut. against the grain and fool them all again and again. I'm trying to. It's all gone wrong.